Bonjour, bonjour tout le monde. Avant de prier, si vous le trouvez bon, c'est mieux qu'on ferme le téléphone pour que qu'on commence par et que ça dérange. Ça dérange. On veut résoudre un problème. Que rien ne vienne perturber. Après ça, on peut ouvrir le téléphone pour accueillir les accueils. Sinon, chacun sera déconcentré. Il faut qu'on est là pour résoudre un grand problème. Et un style de problème qui se pose au milieu de l'église. Donc, il faut qu'on mette le téléphone hors circuit. Après cela, on pourra maintenant mettre à jour tout pour que ça ne sonne pas quand on est en train de parler. Donc, que Dieu vous bénisse, les anciens et les diacres. On peut prier. Père, nous t'aimons, nous te sommes reconnaissants. Merci pour ce jour, Dieu de gloire, pour tout ce que tu fais pour nous. Nous voici unis ici et rassemblés dans ce lieu, Père de gloire, pour écouter de toi. Tu as dit dans ta parole, ô Dieu de gloire, que s'il y a n'importe quelle situation, que la chose doit être réglée par les sages au milieu de l'église. Voici un problème qui se pose, Père de gloire. Nous prions, ô Dieu de gloire, que ton esprit vienne et nous guide et nous dirige en ce moment. Que nous sortions, Père de gloire, plein d'amour, plein d'unité et plein de compassion encore. Seigneur, nous te remercions parce que tu l'as déjà accompli pour nous. Nous remettons maintenant toutes choses entre tes mains. Que tout se passe selon ta volonté. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. En éteignant, il a plutôt même mis la radio. Ils ont vu comment éteindre. Il faut enlever le coq, tu enlèves la batterie directement. Bon, je crois que tout le monde a éteint le téléphone. Ancien, bonjour. Tu as la parole. L'exposé de le pourquoi nous sommes là. Oui, oui. Même pour enlever la batterie, mon frère. Enlève la batterie. Ça ne s'enlève pas. Aide-le, frère Paul, aide-le. Voilà, il a connu ça avec la main. Et ça s'est éteint. C'est bien. Voilà. Oui, merci. On va commencer le problème d'abord à terre à terre. Nous sommes dans la vraie église de Dieu. Et ça en l'an 2016. C'est donc ce que fort longtemps nous sommes en train de comprendre la l'église est une société comme la parole de Dieu venait de nous le dire. Nous avons pris la mission en l'an 2016. Nous avons les cinq mystères passion. Nous n'avons plus besoin de ce que les gens font des barrières. Cette église ici. Donc on a pris la décision de refouler ces serviteurs de la vraie église de Dieu. Tu vas faire le travail. Bon, de l'an 2016, nous avons dit à ces pasteurs-là, nous ne dépendons pas d'une dénomination. Nous dépendons du corps de Christ. Nous voulons toutes les ministères. Pourquoi vous avez pris cette décision? Qu'est-ce qui vous a amené à prendre ces décisions-là? Oui, parce que nous avons médité la parole de Dieu. On a cherché, on a vérifié, on a beaucoup eu des révélations sur la chose que nous, les gens là, nous conduit. En perdition. Voilà. Toute l'église, tout entièrement, on a pris ces décisions ici. Oui. Voilà, je vous ai dit, ces régionaux, les régionaux, les pasteurs ont cherché de passer. Voyons donc, c'est honteux, si nous ne faisons pas quelque chose, la croissance spirituelle ne peut pas aller. C'est à ce moment, même le régional n'a jamais vu. Donc voilà. Bon, nous sommes en train de persévérer dans cette foi. Il y a eu un problème avec notre bien-aimé à tous. Qui a servi pendant un an. C'est en l'an 2000, je crois qu'en l'an 2016, on est 17 quand même, 16. Sa femme a eu l'accident. Quand elle sortait le matin pour aller au marché, elle a eu une fracture. Dimanche, elle n'est pas pensée de venir à l'église. Elle a eu cette fracture là-bas à l'église. Et sur la route. Nous, on a fait le culte, on a pris la femme, on est passé là. En tout cas, le pasteur était au culte. Il n'était pas au culte. Ils n'étaient pas au courant. Eux-mêmes aussi, ils ont freiné du temps. Vous comprenez? Ils ont freiné du temps de ne plus venir même à l'église. Là, moi, j'ai dit des petites choses. Donc, là, là. Et c'est le corps de Christ. Les femmes, comme les femmes disaient ça, d'autres choses. La femme aussi, c'est ce qu'elle est devenue comme féroce, comme ça lui fait mal. Elle est énervée. Oui, non, elle est énervée parce que ça lui fait mal. Elle est seule que tu vois, tu as entendu que les soeurs parlaient l'autre jour. Ils ont vu soigner. Nous aussi, on arrivait là-bas. Mais est-ce qu'elle ne tenait pas vraiment dans la parole de Dieu là? Bon. Donc, comme c'est malade. Bon, les guérisseurs traditionnels sont là pour qu'on foute. Ils ont passé partout. À un moment là, son père est quelque part. Il dit non, comme ça ne va pas là, il va encore chercher les chrétiens quelque part pour que les pieds soient soudés. Est-ce pour alléger aussi un peu, parce qu'il a des moyens, il peut aussi secourir son gendre. Mais elle est venue, on l'a amené à l'autre, là-bas au village. Bon, lorsque le pasteur l'a trouvé là, c'est son oncle paternel ici, un ancien. Donc maintenant, le problème est que la fille est partie. C'est bon, parce que le frère là n'a pas aussi fait du mal, parce que c'est son beau là qui a eu pitié de l'aider. Et le grand problème que nous avons, nous l'église, on a écouté. On dit que le pasteur est en train de chercher une autre fille. Alors que sa femme est en soin. En soin. Nous disons que les gens mentent parce que ce sont des choses que si on ne voit pas là, on ne peut pas agir. Des fois on est parti quelque part de l'autre côté. On entend les frères, les serviteurs aussi qui sont comme eux, qui servent. Est-ce que vous êtes au courant, on apprend que le pasteur là a abandonné sa femme, il veut marier une autre. On dit que non. Nous ne voulons pas, nous ne menons pas dans des choses comme on a parlé. Les calomnies, oui. Ils ont dit oui. Nous, on était là tranquille. Un jour, on lâche de la tonnerre. Un autre jour, un frère là qui n'est pas là, il travaille. Sinon, on peut être aussi. Le frère est venu, nous a amené quelque part, il dit voilà. Il dit que mon frère, c'est bon. La fille là, on la connaît. On la connaît, elle a des bouches amères. Laquelle, la nouvelle fille? C'est la femme là, sa femme qui est malade. Sa femme qui est malade. Comme l'accident m'a dit, ce n'était pas toi qui l'a fait, mais ça arrive. Donc, comme tu l'as supporté, ils l'ont ramené là-bas, chez ses parents. Et il faut supporter. Si dans votre machin que vous avez travaillé là, si tu trouves l'argent là, il faut l'envoyer quand même toujours, même si elle parle mal de toi là-bas, il faut le faire. Et dès que lui là, bon, à un moment là, il m'a dit qu'il va chercher une fille. J'ai lui dit que toi, tu peux. Là, c'est le pasteur qui ici présent, c'est le pasteur qui dit ça face à face. Tu veux chercher une autre femme, sinon on ne peut pas. J'ai dit que cette parole là, ça ne passe pas. Attention. Que toutes les frères la comprennent ça aujourd'hui, lui aussi il est là. Le deuxième lui a dit, mais c'est ça, je t'avais dit que allons-y vers l'ancien, est-ce qu'il peut te permettre cette parole là comme ça? C'est ça que je t'avais dit, ce n'est pas ça. Reste tranquille, si tu vois aujourd'hui que, ou elle-même, si elle dit qu'elle n'a plus besoin de toi, elle ne veut plus revenir chez toi là, tu dois quand même toujours patienter. Parce qu'elle n'est pas morte. Parce que notre Bible ne nous permet pas. Le frère, après alors quand on tournait le machin là, il m'a amené, il nous a amené encore. Il dit, mais cette fois-ci, Je vais chercher une autre fille. J'ai dit, mais c'est comment? Ça ne peut pas aller. N'est-ce pas? J'ai dit l'autre jour, mais ça ne va pas aller. Est-ce que la Bible te va te permettre? Elle n'est pas morte. Il dit que la fille là, il avait appris qu'elle avait marié ailleurs. Elle n'est pas sa femme. J'ai dit quelle est cette langue. Le mari a deux, dix-sept. Quand elle est malade, là, tu dis maintenant qu'elle a dit qu'elle n'est pas ta femme. Elle est ceci et ici. Est-ce que ça, on comprend ça? Ça ne se comprend pas. Moi qui ai la voix aujourd'hui, la participer à ce mariage-là, je vais accepter. Moi, je n'aime pas cette erreur-là. Il dit qu'il va faire ça. Il va voir comment ce qu'il va. Et du coup, quelqu'un peut être libre de faire sa chose. Mais nos autorités de l'Église vont prendre aussi leurs décisions. Si tu le veux, on n'a pas la suite pour t'écouter. Mais on a quand même notre décision à prendre. Parce que ça n'a jamais fait ça. Donc, tu peux être polygamie. Oui, je sais pas, tu peux être polygamie et amener une autre femme et reste polygamie. Mais rester polygamie, on est. C'est-à-dire, tu ne peux pas participer au processus spirituel aussi. Tu restes polygamie un autre. Ça sera mauvais. Tu n'as pas compris. Tout juste on va marier, un cri de mariage, il a amené une fille. Regardez. C'est à partir de cela. Mais personne de l'église n'était au mariage, à la festivité, aux festivités. Beaucoup de frères et de soeurs, beaucoup de soeurs sont mêlés dans cette affaire. Parce qu'il y avait une division parmi nous. Jusqu'à là, pour arranger la chose, ils m'ont trouvé que je suis un vieux que le Saint-Esprit est en train de me donner la chasse. À peu près, je le dis. Sinon, tu troubles terrible. Nous avons dit que donc, comme ça, ne viennent plus à l'église. Parce que les renommées seront mauvaises. Ça sera très mauvais. Et dès qu'il y a quelqu'un chez eux là-bas, même dans le quartier, dès qu'il a amené la fille aujourd'hui, elle téléphone est là aujourd'hui pour le bien, on dit que ton mari a pris une autre femme. La femme étant malade, a dépêché son père qui est le chef de l'église là-bas. Ils sont venus le mercredi. Voilà. La femme est là. Ils sont allés à la brigade. Ils sont allés à la brigade à la gendarmerie. De la richesse. Le chef a dit que c'est comme un pasteur de l'église, on va juger des choses. Donc, la gendarmerie a dit que comme c'est un pasteur, on ne peut pas juger. Que rentrer à la miable. Nous, c'est la brigade de terre qui a décidé, c'est-à-dire ils ont vu l'état de la fille et ça, ils sont entrés à les séparer. Dans l'affaire. Et partager leur maison. Comme il dit qu'il ne veut plus d'elle. Et ce qu'elle a passé le temps avec ses petits biens là, il faut qu'elle rentre. Et nous, l'église, on a dit que comme tu as fait ces choses comme ça, pas un petit. Reste chez toi là d'abord pour maintenant. Si vous venez, etc. Vous allez arranger comme elle n'est pas venue. Elle est encore vivante. Ne viens plus me perturber. Et Junior, c'est le samedi qu'il a appris que. Comme venu. C'est ça. Là où il est venu. Nous voulons voir textuellement dans l'écriture si c'est nous, parce que nous n'avons pas l'esprit de haïr notre frère. Absolument. On a vécu avec lui. Dans le même combat, on a vécu. Parce que ça a mené deux campagnes. Ce que nous les autres, on a dit, c'est pas normal selon la parole de Dieu que ça soit arrangé. De l'autre côté, les frères, l'autre groupe, puisque nous ne sommes pas rentrés les mains de fer. Voilà le problème. Ok. C'est à ce niveau où on se trouve. C'est là, à ce niveau, on se trouve. Nous croyons que le Saint-Esprit est vivant et on va arranger la situation au sortir d'ici, n'est-ce pas? Mais avant ça, je vais demander aux autres anciens s'ils ont quelque chose à ajouter avant qu'on se tourne vers le frère lui-même en personne. Puis, quand vous allez finir de dire un mot, après qu'il s'est exprimé, on va aller dans les Saintes Écritures. Parce que nous, on va régler toutes choses sur les Saintes Écritures pour écouter la voix du Seigneur. Et puis, à l'issue de ça, on va prendre les résolutions de façon consensuelle. Quelqu'un a-t-il quelque chose à ajouter à ce que l'ancien a dit par rapport à comment il a expliqué la venue de ces événements, les tournures que cela a pris? Je crois que le frère a tout dit. Il n'a plus à ajouter. Il a tout dit. Ok. Le pasteur, bonjour. Merci d'avoir accepté. D'abord, sur le rapport de l'âge, je n'ai même pas le droit de vous parler. Donc, vous êtes nos parents, vous êtes nos parents. Mais par l'Esprit du Seigneur, il faut régler la chose selon Dieu, quel qu'en soit le cas. Et c'est même pas amour qu'il faut dire à quelqu'un la vérité, même si la personne est dans la faute, n'importe comment, et même si la personne vous est chère, n'importe comment, il faut lui dire la vérité. Donc merci d'avoir accepté de venir. Et je crois que si tu as accepté de venir, c'est parce que toi également, tu cherches la solution pour être clair devant le Seigneur, n'est-ce pas, pasteur? Par rapport à la situation que l'ancien a décrit, qu'est-ce que tu en dis par rapport à son explication avant qu'il ne commence les questions? Parce que je vais lui poser des questions pour qu'il puisse s'exprimer, pour qu'on puisse comprendre quelle est la façon dont lui-même a vécu la chose, les motivations. Parce que l'ancien a signifié que par deux ou trois fois, ils ont eu l'intercation, il lui a dit qu'il va prendre une femme. L'ancien lui a dit que non, c'est pas possible. Jusque-là, ils ont seulement entendu qu'il a pris une femme. Donc, qu'est-ce que tu peux dire de ce que l'ancien a dit comme histoire, comme il a raconté? Ce qu'il vient de dire, parce que nous avons vécu ensemble, on a cru là entre ses mains. Et nous sommes rendus là dans la foi là, entre ses mains toujours. Jusqu'à même prendre cette femme là, c'est toujours entre ses mains ici. Cette femme, quand tu parles de cette femme, c'est la première qui a fait la seconde ou la seconde? La première. La première, ok. On a ce mariage au départ. Je l'ai trouvé chez son oncle paternel ici. Et quand on a engagé l'affaire, son oncle paternel me dit, il faut qu'il entre d'abord avec la fille au village pour voir si elle n'a pas de problème derrière. Ils sont rentrés. En revenant maintenant, il me dit qu'il n'y a pas de problème. Je me suis engagé dans le mariage. Quand nous sommes dans le mariage maintenant, avec le temps, ça fait 3 mois. Elle a commencé de sortir de chez moi. Elle dit que je ne suis pas allé garder son mari. Elle rentre ici. Je patiente seulement. Son oncle paternel lui renvoie. Bon, on se patiente jusqu'à comme on a trouvé difficilement un enfant. Et quand l'enfant est donc venu, l'enfant est encore décédé. Ils sont encore rentrés dans ces choses comme ça là. Là. Bon, dans cette persévérance, elle me dit que j'ai eu peu le temps d'être trouver des enfants. Mieux qu'elle sort de ce mois, elle va aller mieux se prostituer pour trouver des enfants. Ah, permets-moi de poser la question. Je dis que c'est le mariage là, c'est sous l'ancien qui est ici, donc vous avez trouvé cette fille. Oui. Est-ce qu'à ce moment-là, elle est chrétienne? Oui, elle était là avec lui. Au milieu de l'église. Oui. Et c'est elle qui sort la bouche pour dire qu'il faut qu'elle passe se prostituer. Donc, oui. Elle était au milieu de vous, elle vivait ce style de vie là. Au village. Oui, c'est ça. Oui. Elle était au Voyant. Oui. Elle est venue. C'est un oncle paternel qui est ici. Oui. Ok. Mais de temps en temps, elle venait au culte ici. Elle venait dans la foi. Ok, vous ne savez pas si c'est dans la foi ou pas. Voilà. Mais elle venait aux réunions aussi comme oui, ça. Oui, elle venait aux réunions derrière les ongles. Les ongles, la foi. Ok. C'est là où le pasteur l'a connu. Oui. Ok. Non, c'est bien. C'est parce qu'il faut que nous tous, on comprenne bien. Dans cette affaire, parce que je dis ceci parce que le langage n'est pas un langage d'un chrétien. Le langage qu'il a dit que sa femme dit là, que je préfère sortir chez toi, aller me prostituer, tu me perds le temps, c'est pas le langage des chrétiens ça. C'est quelqu'un qui craint Dieu. Oui, oui. On continue. Oui. Bon, maintenant, dans cet état, maintenant, comme je demande aussi à Dieu de me donner la patience, parce que tout le trouble qu'elle fait là, il faut que le Seigneur me donne la patience. Elle fabrique des canaries. Et comme on n'a pas des enfants, les autres partent chercher les bois, les quoi à leur mère là. Moi aussi, je m'engage Je pas à aller chercher aussi le bois, à la donner pour faire ces canaries là. Je sors à 4h, 5h, je pars en bus. Et la bus, ce n'est pas ici. et je m'engage à faire ce travail jour et nuit. Même aller avec les canaris au marché, là, je suis à 1h du matin. À chaque dimanche, je vais dormir dans le lit pour ne pas avoir de peur avec elle. Oui. Comme on n'a pas des enfants. Pour ne pas qu'elle soit. Parce qu'elle se disait que si elle avait aussi les enfants devaient faire ce travail. Oui. Et là, maintenant. Si nous sommes au même âge, oui. Et il a déjà des grands-enfants, oui. Qui est déjà la maman. Mm-hmm. Et comme on n'a pas les enfants, il faut que je puisse aussi me donner à ce travail. Mm-hmm. Pour qu'elle ne soit pas perdue. Mm-hmm. Et là, elle m'a pris comme une esclave. Quand elle dit aujourd'hui, je suis fatigué là, elle dit que je suis le mauvais cœur. Je ne veux pas l'aider. Mieux que soi. Que faut-il faire? Je ne pas santé, pas santé, pas santé. Mais c'est le problème que tu vivais là, est-ce que tu disais peut-être à tes collègues ici? Tu les faisais savoir cela, que parce qu'on voit comment ça se passe. Une fois qu'il me reprochait, la soeur refuse. Il dit que c'est lui là, sa femme prend le vin, pourquoi? Elle ne lui reproche pas, il vient lui reprocher pourquoi? Donc le frère obéit ici? Oui. Donc il partait pour voir. Oui, il partait reprocher la soeur. Le problème du foyer là, la fille là, elle était. Les affaires du foyer là, quelqu'un ne peut pas mener. Mais nous la reprochons de certains comportements. Qu'il quand les pas... gens parlent, ces réactions-là, oui. On entend comme ça, la toile, tu es comment? Donc, venez lui reprocher ça. Oui, Et pour leur foyer, là, on ne peut pas entrer. Ils travaillent ensemble, qu'ils vivent ensemble. Des fois, même, ils amènent beaucoup. À la fin d'année, ils ont 200 000 de coton et ils ont 2000. Mais les réactions qu'elle fait, nous entendons là, on dit que ça perturbe l'église, justement. Même dans le quartier. Oui. C'est ça notre. Parce qu'en réalité, lui étant pasteur au milieu de vous, et que sa femme a ce comportement-là, ce n'est pas un exemple pour l'église. Oui. Ça n'est parce que, comme j'ai dit dans les enseignements ici, là, le foyer des serviteurs de Dieu, c'est sa première église. Si un serviteur de Dieu ne maîtrise pas son foyer, il ne peut pas, il ne doit pas enseigner. C'est ce que la Bible nous enseigne. Donc, il doit tenir ses enfants, sa femme, dans la soumission, dans l'obéissance à la parole. La Bible déclare pour que la doctrine ne soit pas blasphémée. Donc, ça veut dire que c'est. Les anciens, normalement, doivent veiller à ceci. Pour que si le pasteur... Enfin, nos foyers doivent être des exemples. Parce que quand les gens veillent, ils cherchent des exemples. Si toi, le pasteur, tu as le problème avec ta femme, au point où il y a même souvent les bagarres, et qu'un simple chrétien vient aussi parce qu'il y a le bagarre chez eux, il veut résoudre le problème. Est-ce que tu pourras résoudre le problème? Puisque chez toi, même, ça ne va pas. Et c'est pour ça que Dieu cherche que les dirigeants soient des modèles pour le troupeau. Le pasteur, continue. On a persévéré dans cet état. À un moment, je suis parti à Yaoundé. Avec elle-même, tous ensemble, nous c'était là-bas. En rentrant, on a trouvé que la maman, quelqu'un l'a empoisonné. Comme elle faisait l'aki. Elle est un peu déréglée. L'aki, c'est la boisson bizarre. Là. Ils ont pleuré, nous avons aussi pleuré. Qu'il y ait un enfant. Ok, donc comme sa femme n'a pas d'enfant, vous soupiriez qu'il faut qu'il y ait des enfants. Ils l'ont conçu. Elle a donné un enfant. Avant qu'il parte à Yaoundé, il a donné un enfant. Et l'enfant est où? L'enfant est mort. C'est l'enfant dont tu parlais tout à l'heure là. Ok. C'est son enfant. Leur enfant, l'enfant est mort. Oui, continue alors. Continue. Donc, c'est la maman. Non, il a fait état de cela. Il a dit que l'enfant, qu'il a eu un enfant. L'enfant est décédé. Il a mentionné cela. La maman de qui était. Tu parles de ta maman ou de la maman de la fille? Votre maman à vous. Ok, ok. Laissez-moi finir ce que je veux faire. Je vais vous couper là. J'étais aussi un peu. Je coupe parce qu'il y a des choses. Parce que quand tu parles de maman, il faut que je comprenne de quelle maman il est question. Pour que... Donc, je suis rentré. Je trouvais que la mère était un peu déréglée. Et dans ce état-là, j'ai dit donc à la femme-ci de la donner à manger. Mais entre-temps, la maman l'a habité chez vous, oui. avec vous. Oui, elle était là à côté de moi. Moi, je suis le benjamin. J'ai dit à la femme de donner la nourriture à ma maman. Elle refuse. Elle dit que sa maman n'est pas forte. Parce qu'un jour, elle a donné la nourriture à ma mère. Maintenant, quand sa maman est aussi venue un jour là, et elle est allée dormir avec ma mère, comme son maman, comme sa maman. Et maintenant, elle a amené la nourriture. Ma mère dit, aujourd'hui, tu m'as aussi amené la nourriture. C'est là où elle a eu un peu de choses dans son cœur. Elle dit, si tu dois même le manger, tu critiques même toujours les gens. Maintenant, à partir d'aujourd'hui, tu ne donnes plus la nourriture. Elle est aussi chez moi. Et c'est aussi ma mère. Quand elle est venue, elle l'a pas trouvé de cette manière. Mais comme elle est déréglée, il faut qu'on supporte. Mais elle décide. et dit que si le jour que je lui dis que j'ai la force de donner la vie à ma mère, je fais sortir ce jour dehors. Depuis ce jour, je me suis calmé. De là, on a persévéré dans cet état. Je suis venu voir son père. Le père me dit que vraiment, son oncle paternel, il dit qu'il entend tout ça. Mais il ne sait comment reprocher la femme-ci. Parce que elle-même, ils ne sont pas d'accord. Elle dit à son oncle que elle a donné à un pauvre, comme moi maintenant, je n'ai rien à la maison. Lui, il cherchait les fonctions à ses filles, et pourquoi il lui a menacé de cette manière, mieux qu'elle sort. Tout ça, j'ai amené le papa à comprendre ça. Le papa est allé chez moi. S'il y avait le diacre et le deuxième diacre, ils sont allés ensemble. Le papa appelle maintenant la soeur là-dehors. Le diacre là-dehors, comment? Tu vois c'est comment? Il dit qu'en réalité, la fille l'attaque. Je supporte. Je dis à son papa, il dit que, comme tu vois là, prends la femme là avec toi pour un temps. En ce temps, ma maman est déjà décédée. Le grand frère est décédé. Ta maman est décédée à la maison là-bas. Oui. Avec mon grand frère, il est un peu à côté. Comme elle ne donne plus la nourriture à la maman, le grand frère a préféré de là. Récupérer, oui. Oui. De là, elle est décédée. Subitement, 5 jours après, le grand frère aussi est décédé. Le même grand frère. Oui. Il était intendant. Et le trouble a commencé. Elle ne prend pas soin. Dans tout ce que les gens viennent lui pleurer là, elle continue à faire ses canaries. Quand sa maman est venue. Donc, comme il y a deux, elle, c'est comme si elle ne la concernait pas, quoi. Oui. Sa maman est venue le samedi, le dimanche, elle a trouvé qu'elle est déjà au marché avec les canaries. Avec le deuil. Avec le deuil. On entend aussi le grand frère, il était à la mort, on entend aussi le samedi. Le dimanche, elle s'en fout au marché, avec le canari. Et là, en même temps, vous dormez dans le même lit. Non, à ça, là, on a déjà eu des séparations. Oui. Parce qu'il dit que je lui perds le temps. Mais et là, elle habite où en ce temps, dans ce moment. Chez moi là-bas. Mais chacun a son lieu où il dort. Oui. Là, on a déjà séparé, ça fait déjà 3 mois. Qu'elle dort plus, on dort plus ensemble. Et s'il te plaît, une question. Et durant cette tension-là, tu viens toujours au culte? Je venais. Mais tu venais au culte à ce moment-là. Pendant qu'il y a cette tension-là, tu viens toujours au culte et oui, tu. Rare. Ou bien très rarement. Parce que le trouble est déjà là. Oui, le trouble est là, oui. C'est rare, comme le frère dit. Comme si j'ai déjà senti vraiment ce trouble comme ça là. Tu étais déstabilisé. Oui. Une autre question avant que je te laisse continuer, s'il te plaît. Lorsque tu as épousé cette femme, est-ce qu'en tant que pasteur, toi et elle, vous vous êtes déjà assis à la maison, partagez la parole de Dieu, priez pour votre foyer, mettre à genoux, louer le Seigneur? Est-ce que ça s'est déjà passé une seule fois, moi? Bon, on avait gêné une fois pour le problème de l'enfant, comme l'ancien vient de dire. On a prié, on a tout fait. Et après ça, je l'ai dit, continuons. Il faut que le Seigneur exauce. Il dit que je la fatigue. Elle a arrêté à ce niveau. Elle ne gênait plus. Même venait prendre l'ancien saint là. Oui. C'était tout un tas de problèmes. Elle ne lisait pas la Bible. La Bible, c'est quoi? Prière, mais elle ne prie pas. J'ai la force matinale, prier là, c'est à peine. Donc, c'est alors arrivé à ce niveau-là, comme ça, là, au niveau de deuil-là. Oui. On a eu un peu de problème à ce niveau. Il dit que ça, là, elle m'a insulté encore avec la mort de mon grand frère. Comme il est mort là, étant empoisonné. Oui. Et il dit qu'on veut aussi l'empoisonner avec mon grand frère qui reste maintenant l'aîné. Et on veut aussi l'empoisonner. On veut la tuer parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oui. Il dit que comment? Des cas comme ça, quand les gens viennent même chez nous nous consoler, au lieu de faire le thé comme ça, tu dis que est-ce qu'ils sont venus te consoler? C'est moi. Tout ça, je patiente. Soi-même, je pars acheter le bien à côté pour donner à ceux qui viennent me consoler. Tout ça, je me maîtrisais. Et ce qui est plus grave, dans tout ça, au départ, elle est allée au village, chez son papa. Et elle est montée chez son mari. Le mari de qui là maintenant? De la femme-ci. Cette femme déjà mariée. Et toi, tu ne savais pas. Mais tu as dit tout à l'heure qu'il y a un de ses oncles qui allait vérifier pour voir s'il y a un problème. Il ne t'a pas dit la vérité. Oui. Ok. Tout ça, on a déjà dit ça. Non, papa, il faut qu'il s'explique. Non. J'ai posé des questions à son père. Oui. Au père de la fille. Oui. Quand ils sont venus, il dit que la fille, étant dans le monde, elle a grossi. Quelqu'un l'a grossi. Oui. Mais avec la grossesse, chez nous, dans le couture, il faut qu'elle parte chez la personne. Accoucher chez la personne. Il n'a pas pris quelque chose en dessous. C'est là où elle a donné l'enfant. À cet homme-là. À cet homme-là, l'enfant-là. Alors après, pas d'entente parce que L'enfant est mort. C'est pourquoi elle est montée. Elle voulait fuir. Elle est venue se réfugier ici. Donc l'enfant, comme on a poussé la fille chez le monsieur qui l'a engrossé, après, entre temps, l'enfant est mort, elle s'est séparée. Non, elle a accouché alors chez l'enfant, là, c'est-à-dire dans le coutume là, si une fille grossit là, elle ne peut pas se coucher chez son parent. Il parle juste de la personne qui l'a engrossé. Et maintenant, quand il parle chez cette personne-là, on considère cette personne-là donc comme qui pour elle? Comme son mari, non? Comme son mari. Comme il l'a connu, étant, il l'a divorcé. Oui, donc c'est son mari. Maintenant, comme la femme maintenant, elle qui encore dans le monde. Oui. Étant dans le monde. Mais est-ce qu'en tout temps, elle est devenue chrétienne? Puisque, elle n'est pas chrétienne. Elle n'est pas chrétienne, donc ok, ça veut dire que c'est un style de vie qu'elle mène. Oui. Voilà, on continue. Elle n'est pas chrétienne. Continue, mon cher. Toutes ces explications sont nécessaires pour qu'on comprenne bien tous les détails de l'histoire. Donc, son oncle, son père parle que son mari a fait comment? Bon, dans cette affaire, quand j'entends maintenant, il dit que le père lui a récupéré pour demander la dot à ce jeune homme. Le jeune homme dit qu'il n'a pas de dot. Et le papa a décidé de la donner à un autre. Il dit qu'il est mieux d'aller se prostituer à Douala. Attends, entre-temps, là, le papa là te connaît? Non, lui, il ne connaît pas. C'est là-bas chez eux. Oui. Ça s'est passé là-bas chez eux. Je me suis renseigné maintenant pour voir. Oui. Mais il voulait dire que quand vous vous mariez, son papa n'est pas au courant que vous mariez. On ne s'est rencontré, on ne s'est jamais rencontré avec son papa. Avec son oncle paternel. Avec son oncle chez qui elle habite. Oui. Ok. Et lui, son oncle paternel ne fait pas état de votre mariage, de cette relation à son père ou père de la fille. Je ne sais pas. Ok. On continue l'histoire, c'est bon, c'est intéressant. Donc, en partant maintenant, elle est passée ici. Et son oncle est ici. Et comme elle venait aussi à l'église, et en ce temps, je travaillais à l'agro. Je suis rentré aussi pour chercher la femme. Je l'ai trouvée ici avec les autres. Je me suis engagé à la marier aussi. Et dans ce temps maintenant, quand nous on était là ensemble, je m'efforçais, il faut qu'elle puisse rencontrer Dieu. Qu'elle soit convertie, quoi. Oui. Je disais, elle faisait protestant. Bon, dans cet état, je disais qu'elle est rentrée au village chez le parent. Elle a donné 14 jours, il faut qu'elle rentre. Elle a exagéré la date. En rentrant maintenant, elle rentre avec la terre, la poussière du tombeau de l'enfant qu'il a enterré là-bas. Lequel enfant? L'enfant des... L'enfant qui est décédé chez le monsieur. Ok, c'est le monsieur, oui. Elle est rentrée, aller chercher la poussière. Oui. Chez le monsieur. Oui. Elle rentre avec ça, dans la chambre. On vit encore dans cette même chambre ensemble. Elle a caché ça. J'ai découvert ça, je dis que ça c'est que poussière. Il dit qu'on lui a dit, il faut qu'elle ramène cette poussière-là. Si elle se lave, qu'elle fasse ça sur son ventre, elle doit prendre un enfant. Oui, mais est-ce qu'elle t'avait raconté qu'elle a eu une relation avec quelqu'un et qu'elle a eu un enfant et l'enfant est mort d'abord avant de te rencontrer? Non, elle m'a. Mais je dis qu'on ne m'a pas dit la vérité. Ils m'ont pas dit la vérité. Vous allez l'entendre, non? C'est pour ça qu'il pose la question. Très bon. Oui. Et maintenant, je dis que des choses comme ça, là, ça c'est l'idolâtre. Ce n'est pas bon pour un enfant de Dieu. Pourquoi elle fait des choses comme ça? Il dit que je suis méchant. Je ne veux pas qu'elle doit avoir des enfants. Je me suis tué. Je ne sais pas si j'ai dit ça à certaines. Je ne sais pas. Mais j'ai calmé quand même. Je me suis calmé. Là, on a persévéré dans cet état, Et au niveau des fractures. Le matin de ce dimanche, une semaine après, elle vient me dire que je parle avec le canari. Il dit que comme tu as fait la mort de mon dans frère. Dans le dimanche, on est devenu en assemblée. Elle n'est pas plutôt au marché, fait le canari. Oui. Elle me dit de ramener encore le canari au marché à partir d'une heure. Il dit que le jour que tu as fait là, il faut te souvenir de ça. Je ne m'engage plus à aller avec le canari. Comme tu ne me comprends pas, maintenant, voici. Elle est sortie avec colère. À partir de 3 heures, elle est partie avec le canari, elle a eu des fractures en route. Sur la moto? Non, la moto l'a pris par derrière. Quand elle a eu des fractures, maintenant, il y a un enfant d'un oncle paternel à côté là. Il est venu le prendre pour la ramener à la maison. Elle dit non, il faut qu'on m'amène pour voir l'état de son pied là. Comme je préfère comme ça là, c'est ça, il faut que je vienne voir d'abord ça. Si la moto là me cognait là, c'était mieux. Pourquoi la moto là cognait? Donc ça aurait dit que c'est toi que ça devait cogner. Oui. Je dois se dire comment? Pourquoi c'est ce langage? On l'a ramené à la maison, pour soudainer le pied là, c'est comme ça qu'elle pleure. Mmh. On dit que tu préfères la mort de ton mari, ou bien c'est quoi? Mmh. Il dit que mon esprit devant lui, c'est quoi? Bon, je suis allé chercher ma soeur pour faire le travail. En attendant, on a ramené à la maison, chez toi. Oui, mmh. Elle était déjà là. Mmh. Et avant ça, on avait déjà eu le problème. Elle est passée, comme elle ne venait plus à l'église, ça fait ça, parce que quelques temps, elle est venue plus à l'église. Mmh. Elle est sortie pour aller chercher le doigt. Et comme chez nous aussi, là, il y a des gens qui se lavent au niveau de Carrefour. Là. Oui. On laisse peut-être avec le remède. Le remède. Et le passer sous ça. Mmh. C'est-à-dire que les gens font le remède, peut-être c'est les incantations. Oui, oui. Au milieu de la route. Mmh. Elle est passée sous ça. Mmh. Ça l'a pris. Mmh. Et ses pieds fendés ici, dedans. Mmh. Et elle est allée chercher le remède là, chez quelqu'un. Mmh. Elle me dit que la personne est à Banin. C'est loin d'ici. C'est loin, c'est sur la montagne là, ce sont les montagnes là-bas. Mmh. Il dit que je suis né ici, grandi ici. Mmh. Je ne connais jamais un sorcier qui se trouve à Banin. Mmh. Et toi qui viens d'arriver, tu connais ce sorcier à Banin là, qui t'accompagne? Comment ça? Mmh. Il dit qu'il y a un gars ici dans le village, on va lui accompagner. Mmh. Il allait chercher le remède. Il ramène ça encore à la maison. Mmh. Elle tape ça le matin, cap, cap, cap, cap. Elle met ça sur le pied. Mmh. Je la regarde ce matin. Chez un pasteur? Oui, chez un pasteur. Je la regarde chez moi. Mmh. Même si je convoque les anciens pour aller la reprocher, il dit qu'elle n'a même pas à mesure qu'on la reproche. Mmh. Elle continue à insulter même les gens là après. Quand ils partent, continue à insulter les gens là après. Mais quand les anciens viennent lui faire les reproches, est-ce qu'elle essaie d'admettre ou bien d'accepter son tort ou bien de se soumettre? Elle fait comme semblant de répondre, mais dès que les gens partent, elle recommence. Mmh. Elle recommence. Moi-même, y compris. Mais on n'avait jamais su qu'elle avait une d'autre spirituelle. Elle a rien même parlé. Personne n'a jamais entendu le problème, ce problème. Une fois en 2010, quand ils sont rentrés avec l'enfant, elle est partie chercher le réveil de la sorcellerie, en disant qu'il y a des vampires qui veut tuer son enfant. À l'église qui mange son enfant. Mmh. Et le pasteur est au courant. Mmh. Elle est venue mettre le machin là, le serment là. Ce même, il est au courant de tout. Mmh. Et souvent, quand on leur dit, quand on entend de certaines choses comme ça là, est-ce que ce comportement d'enfant foyer là, est-ce que ça peut aller un jour bon? Donc, l'enfant du pasteur allait chez le marabout chercher le remède de la sorcellerie pour venir mettre ici et à l'église. Ils sont là derrière et quand les femmes parlent là, ils se mettent à leur femme. Mmh. La femme part chercher. Elle vient même, elle se vient dans la. Elle veut même tenter de venir à l'église pour le remède. Elle veut le remède. Parce que ces choses-là, ils font, ils font ces choses-là. Lui-même, il connaît ça. Mais ta femme prend les remèdes des sorciers pour venir mettre à l'église en disant que c'est l'église, il y a les sorciers ici à l'église, puis tu es son enfant. Qui a les fidèles ici? Qui sont les sorciers? C'est l'enfant. Qui a mangé son enfant? Tout problème de problème. Et doit-elle pas chez le marabout pour prendre le truc pour venir mettre? Oui, parce qu'elle est vaillante, parcours chez le marabout. Mmh. Et lui, il le met de la maison à la maison. Mmh. Ils sont comme ça. Oui, ils savent ça. Ils sont comme ça. Mmh. Continue, mon cher. Continue, mon cher. N'oublie pas ces aspects-là que les anciens sont mentionnés, d'accord? Oui, dans ces choses comme ça, comme l'ancien dit que nous sommes au courant. Mieux de la bastonner, mieux de faire quoi? Bonne question. Il faut que chacun reste calme. Bon, je regarde seulement avec les yeux. Quand je la parle, elle se lève. Elle veut même me déchirer. Mais vous n'avez jamais su que cette femme avait un problème spirituel? Non, il dit, votre femme, vous n'avez jamais su que qu'elle a un esprit de tigre qui habite chez elle, en elle. Vous n'avez jamais su cela. Je ne suis pas renseigné à cet état-là. Bon, c'est qu'elle est quand même colérique. Extrêmement colérique. Oui. Continue, monsieur. Elle parle, elle s'élève là, c'est prêt à bagarrer. Donc, je prends aussi mon calme. Elle peut faire tout ce qui me semble bon. Même. Donc, dans cet état maintenant. Et comme c'est venu déjà à ce niveau, elle a dit, on a déjà travaillé le champ. Il y a déjà les arachides. Et dès que cette année même là, elle va sortir de chez moi. Mieux de continuer sur Yaoundé que de rester ici chômé. Sans rien faire. Tout ça, je n'ai rien dit. Quand les arachides sont venus maintenant, c'est où cette fracture-là qu'elle a aussi rencontré ce problème. Et là, je commence à décortiquer les arachides. pour arranger le pied. On avait trouvé ces sacs. J'ai presque tout décortiqué. Avec le soeur qu'on parlait ici, là. Les soeurs sont venus prendre aussi pour m'aider. Pour t'aider. Comme la maman est déjà un peu. Pourquoi on vend les sacs d'arraché pour pouvoir trouver de l'argent pour soigner son pied. Oui. Et dans cet état maintenant, elle dit, je ne suis pas à être vraiment à l'égard de son mari. Mieux qu'elle sorte. Dans cet état. Que tu ne mérites pas d'être son mari. Oui. Dans cet état même là. Tout ce qu'on fait, elle ne dit jamais que merci. Toujours c'est le problème. Le pied là était un peu tombé à quelque part. Je suis venu arranger le pied là. Elle a soulevé l'autre pied pour botter au poitrine. Tu as botté avec le pied là, l'autre pied. Pour te quitter. Je suis un mauvais type. Quand il se marie, s'il était réellement chez son papa là, le pied là ne devait pas être à ce niveau. Une femme qui soulève le pied pour botter, je ne ferai pas santé. Je prie seulement dans mon esprit que Dieu change vraiment la femme-ci. On appelait, il faut que je l'envoie au village. Je dis que le pied là encore là, soudé comme ça. Là, elle me dit un jour qu'elle va se susciter. Je dis que qu'est-ce qu'il dit? Elle me dit qu'il faut que je l'envoie chez son papa. Sinon, elle va se susciter. Je suis sorti le matin et samedi pour aller voir chez mon petit frère l'amour. Et mon grand frère qui aussi est un soignant, il était là à la maison. Subitement, il est allé voir la femme et rentré en courant me chercher en disant que l'affaire s'est aggravée. Dès que nous sommes venus, on a trouvé que le sang était par terre, partout. Et vous voulez s'engager maintenant à se susciter maintenant dans la chambre. Elle est tombée. Elle est tombée, le pied là est encore vraiment a eu des problèmes, le sang l'a pété 2 litres. Donc comme la blessure est venue à se cicatriser, elle a frappé encore le pied au sol, c'est encore ouvert. Peut-être. Le sang a été pâté. Et comme le frère là, il avait le remède, on appelle ça le fer. Il avait ça avec lui. Il m'a donné ça. Il dit qu'il faut que je lui fasse boire ça. Jusqu'à ce que le sang là s'arrête. Sinon la femme là va partir. Je suis resté là, on l'a donné un peu. Et c'est rendu. Et subitement, ce moment arrive. Le moment de la fille arrive. Pour venir maintenant la prendre au village. En disant que le papa lui a envoyé. J'ai dit, mon fils, la maman a fait plus de 3 semaines chez moi. Et j'ai continué à acheter les comprimés, les quoi. Tout ça, ce qui me connaissait un peu au niveau de la santé, venait aussi me secourir avec certains produits. Pour rétablir toujours la femme. Elle est toujours reconnaissante. Comme sa maman est déjà là. Que faut-il faire? Là, si le pied là se soude un peu là, vous allez partir. Là, son grand frère qui a au niveau du doigt là, on ne s'est jamais vu. Il m'appelle dans le téléphone. Et dans son téléphone, dans le téléphone de la femme, parce qu'elle est là pour biper rien que ses parents et ses frères. Le grand frère appelle maintenant. Je prends le téléphone. Le grand frère me dit, monsieur. Notre mère est déjà là. Le papa réclame sa fille. Pourquoi tu ne veux pas la remettre? Tu risques de vendre notre soeur. Et je voudrais parler. Il dit qu'il a chargé son téléphone là. Il faut que je charge sur ma part. Il ne veut pas entendre ma voix. Quand j'ai éteint le téléphone, je dis maintenant, demain, vous allez rentrer. La belle-mère me dit que tu attendais quoi? Face à face. Face à face. Tu attendais quoi? Je n'ai plus parlé. J'ai appelé son oncle paternel. Je dis que voilà le problème. L'oncle me dit, c'est comme ça le langage de ces gens-là. Patiente ce nom. Il dit que ça m'a dépassé. Comment il... Ça, c'est l'oncle qui t'a donné la fille en mariage. Oui. Qui te dit comme ça, que c'est comme ça qu'il se comporte. Oui. Donc, patiente ce nom. C'est le langage. Maintenant, je dis que voilà, les gens font l'appel dans des résultats comme ça, là, vraiment, je suis dépassé. Comme la mère est déjà là, je suis libre de le ramener. En ce temps, elle avait 3 sacs réservés. Elle dit qu'elle va vendre ça pour qu'on dise à l'eau pour là maintenant. Le sac là, quand elle rentrait, je n'ai plus l'argent, j'ai livré le sac là à la présence de son oncle paternel. Je suis allé chercher là-bas sur la table. 2 places. En sortant maintenant de chez moi, il dit que quand elle va sortir de chez moi, je ne trouverai plus une femme. Ça, elle a décidé. Il dit que moi, je suis grandi ici là. Tu sors aujourd'hui, demain je prends une autre femme. Je vais te t'assurer ça clair. Et là, tu as dit ça comme ça, sa maman était présente. Oui. Là, il faut que tu comprennes ça comme ça. Même son oncle était là. En sortant maintenant, on l'a porté sur le pouce. En sortant maintenant là, elle dit qu'elle me laisse maintenant ma maison. Voilà maintenant votre maison. C'est comme ça que vous voulez. Elle est sortie, elle est rentrée. Moi, je suis resté. Il dit que là, j'ai duré dans le mariage. Si la maman était vivante, tout ce que les autres là, me disaient, je devais quand même patienter, chercher la nourriture chez maman, je devais rentrer à côté de ma mère pour chercher la nourriture. Mais maintenant, je suis comme ça là, je rentre encore devant qui? Tu vois, les actes de femmes aujourd'hui, c'est tellement compliqué. Si tu rentres à 21h maintenant, demander encore la nourriture chez quelqu'un là, à partir de 7h là, on va dire que tu es venu chercher quoi? Je dis que ça là, je ne peux plus. Sinon, je quitte, je rentre au sud. Et on dit que ce n'est pas bon de quitter, il reste là. Bon, je dis que si je reste là, je vends le portion de mon terrain, je vais me marier. Là, c'est à ce niveau que c'est venu. Que si, même tout ce que les autres là me disaient là, ça n'entrait plus dans mon cerveau. Ça n'entrait plus dans mon cerveau. Je suis resté là dans cet état jusqu'à ce que j'ai pris une autre femme. Et subitement, ils sont rentrés encore pour dire que pourquoi je me suis marié et qu'il y avait des plaintes. Non, non, on est allé dans cette étape, on a vraiment envie d'aller à la maison. Quand ils prennent la fille, ils rentrent au village chez le parent. Est-ce que, quel est le temps que ça met avant que tu trouves une autre femme? Quel est l'intervalle de temps que ça met pour que tu t'engages déjà avec une autre femme? Ou bien, le jour où ils partent, tu avais déjà pris la résolution que comme elle parle, elle ne doit plus rentrer? Bon, dans cet état maintenant, comme ils sont, elle m'a déjà dit que quand ils sortent de chez moi, je ne trouverai plus une femme là. Oui. Moi, j'ai aussi décidé, j'ai dit que si tu sors là, moi, je prends une. Donc, c'est en tenant que tu as pris la décision. Oui. Et donc, quand ça veut dire que c'est que l'ancien racontait que tu es venu lui défaire la proposition en disant que tu vas prendre une autre femme, tu disais seulement pour l'informer. Pour l'informer par rapport à la décision que tu avais déjà sur le cœur. Oui. Oui, j'avais déjà pris cette décision là. Oui. Et quand l'ancien t'avait dit que. Bibliquement parlant, ce n'est pas normal parce que ta femme est encore vivante. Qu'est-ce que tu as pensé dans ton cœur? Comment tu recevais cela? Bon, à ce niveau-là, je vous dis que j'ai déjà eu le trouble mental à ce niveau. Je ne comprenais plus. Oui. Et tout ce qu'il me disait, je ne comprenais plus. Donc, tu considérais comme comme on a pris ta femme là, on est parti avec elle, c'est une délivrance. C'est ce que tu considérais? Oui, à ce niveau, parce qu'elle n'est plus ma femme. Elle était déjà chez un autre comme ça là. Oui. Et comme ils m'ont caché la vérité, voilà, c'est dévoilé même. Elle-même, elle a dévoilé ça en amenant la poussière de son enfant. Tombeau de son enfant, comme c'est déjà publiquement devant moi comme ça là, j'ai aussi décidé. Oui. Nous sommes arrivés là à ce niveau. Ok, et depuis qu'elle est partie dans un village pour suivre le traitement, est-ce que tu as la visité ou bien envoyé quelque chose ou bien appelé son parent ou savoir l'état de sa santé? Bon, dès qu'ils sont arrivés au village, son grand frère ne m'a plus appelé, mais j'entends que le grand frère a appelé ses frères qui sont au village. Si j'arrive, il faut qu'on me bastonne. Il dit que si c'est comme ça là, je ne parle pas. Je n'ai pas bousculé la femme devant la voiture. Je ne l'ai pas fait de mal. Mais si je descends, on dit qu'on va me bastonner. Mieux de rester dans mon calme. Oui. Je ne parle pas. Il décide aussi ne pas aller. Mais au moins, est-ce que tu l'as réappelé? Je l'ai appelé quand même. Et quelle était sa réaction? Bon, je disais comment elle était du pied. Il dit qu'elle est là. Elle est là. Mais est-ce que dans cette. Parce qu'on peut admettre que tu as beaucoup vécu des choses difficiles. On peut reconnaître à la femme du fait qu'elle a une mauvaise bouche. On peut aussi comprendre que dans des moments difficiles comme ça, quelqu'un peut dire n'importe quoi. Je comprends ce que tu as dit, n'est-ce pas? Mais est-ce que tu, avec un moment donné, parce que vous êtes tous dans les moments de colère où elle dit, se prends ta maison, tu n'auras plus jamais de femme, peut-être la colère. Et que tu es aussi en colère, tu dis que je vais prendre une femme en colère. Mais maintenant qu'on est à tête reposée, est-ce que tu l'as appelé pour dire que, ok, si ton pied est guéri, je t'attends à la maison, rentre dans ta maison, est-ce que tu as fait ce pas-là pour la faire revenir, les tentatives pour la faire revenir? Je ne l'ai plus tenté parce que le grand frère a déjà que je vends déjà sa soeur là. J'ai coupé une fois la ligne. J'ai même effacé son numéro de mon téléphone. J'ai vu effacé. Et à l'oncle donc qui t'avait donné l'enfant, comment vous avez traité cette affaire? Puisque au moins, tu peux envoyer, si tu ne pars pas au village prendre ta femme, l'oncle peut aller prendre ta femme pour ramener. J'espère que c'est comme ça que ça se passe. L'oncle peut aller dire, ok, maintenant comme tu es guéri, rentre chez ton mari. Est-ce que tu as tenté, parce que tu as dit qu'on a dit que si tu mets les pieds au village, on va te taper. Est-ce que tu as, parce que si l'oncle va là-bas, on ne peut pas le taper. Oui. Est-ce que tu as fait la tentative auprès de l'oncle pour dire, je veux ma femme qui va prendre son épouse? Bon, pour ça, c'est venu là brusque, comme je me suis déjà engagé dans le mariage. Mmh. Et subitement, ils sont venus aussi à ce niveau-là. Ils sont revenus comme ça là, une fois pour écrire la lettre. Donc la femme est venue avec son papa maintenant. Oui. Ok, maintenant ça veut dire que ceci montre que, et ça me donne raison, que le fait qu'elle a dit le jour-là que prends ta maison, voilà ta maison, c'était sous la forme de colère. Ce n'est pas quelque chose qu'ils avaient pensé, parce que sinon ils ne seraient pas revenus. Parce que s'ils avaient entendu que tu as pris une femme, ils disent que okay, bon débarras. Si c'était qu'elle voulait vraiment se séparer, c'est qu'elle ne serait pas encore revenue pour porter plainte. Parce qu'elle porte plainte pourquoi? Quel est l'objet de la plainte? Il dit, quand ils sont allés porter plainte là, la plainte est portée comme accusation. Ils ont venu avec le papa. Oui. C'est un chef de Judas. Mmh. Il a dit qu'elle parte à la maison. Oui. Dans son foyer. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Donc ça, oui, la fille rentre ici à la maison. Mercredi. Oui. Et lui, toujours, il continue toujours dans le colère. Mmh. Il dit que pourquoi tu es venu? Mmh. La fille est revenue. Oui. Donc, ça veut dire que du côté de la fille, pour elle, c'est tuer son mari. Oui. Mmh. Elle est revenue. Ça devient intéressant maintenant, la partie devient intéressante. Donc, il faut que la question soit répondue. Quand ils sont venus, donc, quand ils ont porté plainte, quel était l'objet de la plainte? C'est-à-dire qu'ils portaient plainte pourquoi? Parce qu'il faut qu'il y ait un objet de plainte. Là, quand elle dit qu'elle entend qu'ils sont venus chercher une autre fille. Mmh. Pourtant, enquêtée, elle avait dit que tu ne dois plus jamais avoir de fille. Voilà ta maison, prends ta maison. Oui. Mmh. Elle dit qu'elle entend qu'ils sont venus chercher une autre fille. Mmh. Tous les biens qu'elle a chez moi, mmh. que je ne vends rien pour épouser une autre fille avec. Mmh. Qu'est-ce qu'elle bien avait, elle avait à la maison? Bon, c'est le mille que je parlais des arachides. Les arachides là qu'elle a planté, que le saxon là. Oui. Mmh. C'est ça qu'elle parle. Mmh. Bon. J'ai dit, je ne vends rien de tes biens. Mmh. Les jours que tu viendras chercher. Attends, ça, c'est au téléphone que vous parlez, parce que oui, vous en êtes conversé. Mais ça veut dire que tu l'informes que tu vas prendre le téléphone ou bien elle est au courant et puis elle t'appelle. Elle est au courant. Oui. Elle est au courant. Mmh. C'est comme le feu vient de dire que tout le monde est maintenant au courant que je suis en train de se prendre une autre femme. Mmh. Elle a aussi entendu ça, comme les téléphones sont maintenant presque un peu partout. Oui. Et on l'a aussi appelé. Mmh. Elle m'appelle maintenant qu'elle ne veut pas entendre que j'ai vendu quelque chose de ce bien pour trouver encore une autre femme avec. Mmh. Les jours qu'elle est revenue, ce n'est pas dans le but de revenir à la maison, mais c'est pour venir voir le bien qu'elle avait laissé. Mmh. Est-ce que tout est normal? Voilà. Et quand elle est entrée, qu'est-ce qu'elle a vu? Je dis que maintenant, pour entrer, mmh. il faut d'abord ton oncle paternel ici présent. Mmh. Tu n'entres pas comme ça. Mmh. Elle est partie voir directement les gens du village. Oui. Et subitement, en rentrant maintenant, comme les jeunes sont allés l'accompagner, il y avait quelques jeunes, deux ou trois comme ça sont allés l'accompagner, mmh. sont rentrés maintenant dire à son oncle paternel en disant que j'ai pris le bâton contre eux. Mmh. Est-ce que c'était vrai alors? Zéro. Mmh. Et on m'informe qu'on a informé aussi son papa et son oncle paternel là, et son oncle paternel est venu subitement aussi annoncer à l'église que j'ai pris le bâton contre eux. Mmh. Sans avoir vérifié l'information. Mmh. Si c'est vrai ou non, je ne sais pas. Mmh. Je n'ai pas pris le bâton. Mmh. C'est moi qu'il faut qu'elle vienne avec son oncle paternel pour mmh. voir ce qu'elle a laissé ici chez moi. Oui. Maintenant, dès qu'ils sont venus, mmh. on a fait sortir déjà les choses là dehors. Mmh. Elle est venue comme ça, elle n'est pas entrée. Elle n'est pas entrée. Oui. Maintenant, entre temps, comment était l'état de son pied déjà? Bon, elle marche un peu là. Le béquille. Oui. Mmh. Bon, maintenant, ils sont venus, on a fait sortir les choses là dehors. Ils l'ont déjà pris dans le. On a pris ça le carico. Mmh. Et on a déjà porté des choses. Donc elle est restée dehors, on a dû décharger les choses. Oui. Et tu ne lui as pas permis d'entrer dans la maison. Je ne l'ai pas permis. Je dis qu'il faut qu'il amène son oncle. Son oncle. Ok. Mmh. Et entre-temps, est-ce qu'à ce moment-ci, là, tu es déjà marié? La femme est déjà à la maison? Oui. Ok. Mmh. Donc, ils ont pris les choses, aller en ruminant. Son oncle paternel fait renvoyer encore les choses. Mmh. En disant qu'on lui a parlé, il a entendu un mot là qui n'a pas. Et il n'a pas bien entendu ça. Mmh. Il a fait renvoyer les choses. Mmh. J'ai ramené les choses sur le jambon. Mmh. Il dit que ça n'a plus. L'oncle paternel était là quand on a déchargé ces choses. Il n'était pas présent. Oui. Il les a rencontrés en route. Mmh. Il a renvoyé les choses. Chez toi encore? Oui. Mmh. Il dit que les sachets dehors. De là même, j'ai aussi ramené les choses sur le jambon. Oui. Que le jour que vous allez revenir, c'est là-bas. Mmh. Et les sacs, les arachides étaient encore dans la chambre. Oui. Avec son lit, les matelas, tout était là-bas, à la chambre. Oui. Maintenant, subitement, ils ont compris comme ça là. Son oncle paternel a été obligé de maintenant de rédiger une plainte. Oui. Contre moi maintenant. Oui. À la bureau de la recherche. Oui. On m'a convoqué. Oui. Donc, la plainte portait quoi? Quelle est l'accusation de la plainte? Maintenant, c'est pour dire qu'il faut que les choses soient sorties. Comme j'ai refusé, de faire sortir les choses dehors. Oui. Ce jour même, les anciens, s'ils ne sont pas considérés, ils sont aussi arrivés pour voir ou bien pour entendre. Mais nous sommes entrés, on était avec le commandant de la brigade. À la maison. Ici, là, à la gendarmerie. À la gendarmerie. On a tranché l'affaire ici. Le commandant dit qu'il n'est pas à mesure de juger de tel titre. Allez arranger. Maintenant, nous sommes rentrés. On a convoqué la réunion chez son oncle paternel. Oui. Et nous sommes venus. Il trouvait que son oncle paternel a encore écrit des choses. Même les canards, les poules, les quoi-quoi, la maison qu'on a construite, il faut séparer. L'oncle chez qui tu es allé prendre la femme et qui te connaît. Oui. Il écrit maintenant les choses. Tout ce que la fille a en train de citer, elle est en train d'écrire. Nous sommes venus maintenant à la réunion là. Il a commencé directement de citer. Les choses que tu dois lui donner. Oui. Que tu as donné à la fille. Oui. Il a commencé directement de citer. Il a cité. Mais les anciens ici présents étaient à cette réunion. Ils ne sont pas arrivés. Aucun d'entre eux n'était là. Mais ils étaient au courant de la réunion. Oui. Entre eux. Oh, oui. La donc c'était une histoire de famille. Oui. Vous avez décidé de ne pas vous y mêler. Ok. Bon, ça arrive à ce niveau comme ça là. Il dit que bon, si bien, si vous arrivez, on va se devoir l'affaire. Et maintenant, ici à la brigade, comme on renvoie la plainte, ils ont encore continué. J'entends maintenant qu'ils ont allé à Garoua et affaires sociales. On les a fait encore renvoyer. Ils ont passé maintenant vers le brigade de la terre. Il y a un tout pourri là, on les appelle le Badou. Ils sont allés le saisir. Et ils m'ont encore convoqué. Que j'ai même su le témoin. Parce que chez nous, quand on se marie, il faut d'abord. Des témoins, oui. Le témoin était là. Oui. Son oncle paternel était là. On a commencé de trancher l'affaire. Le gendarme me pose la question. Est-ce que tu connais celle-ci? Je dis que je la connais. Il dit que qu'est-ce qui vous a amené ici? Il dit que bon, comme nous sommes déjà là, tu peux dire ce qu'on t'a donné à dire. Il dit que est-ce que je reconnais la femme-ci? Il dit que je la reconnais. Il dit que elle est qui pour moi? Il dit que c'est ma femme. Là, tu n'as pas dit que c'est ton ex-femme. Tu dis que c'est ta femme. Oui. Mais alors que tu as une autre femme à la maison. Oui. Et alors que physiquement, tu ne la considères pas comme ta femme, mais devant le gendarme, l'autorité, tu dis que c'est ta femme. Oui. Continue. Parce que il faut que j'amène les choses en plus arrangées. Oui. Maintenant, il me dit que pourquoi vous êtes venu. Il dit que le problème se trouve sous le papier qui est devant vous. Oui. Il m'a regardé. Il a commencé de faire la lecture qui est là-dedans. Dans le papier, le passé verbal, oui. La plainte. Oui, il a commencé de lire. Il a lu, il a laissé la parole à la femme de parler. Elle a parlé. Il me dit aussi de parler. Je suis parlé. Dans tout maintenant, il dit que comme le témoin est déjà là, son oncle paternel est déjà là. Il pose maintenant la question à la femme. Qu'est-ce que tu penses maintenant? Tu veux ranger ou bien tu veux comment? Excellente question. Elle dit, elle rentre chez moi, fais quoi? Elle va trouver quoi chez moi? Mieux de faire sortir ces choses dehors. N'est-ce pas à cause du fait qu'il y a une femme à la maison qu'elle a répondu à cette question comme ça? Ça peut être aussi. Ok, là, avant que tu ne continues ton histoire, avec le, en voyant toute l'histoire, parce que maintenant, c'est derrière nous maintenant. Est-ce que tu vois que tu t'es précipité après une autre femme ou bien c'est une erreur pour toi d'avoir fait cela ou bien tu n'as pas été assez impatient? Bon, pour ça, j'accepte que c'est que la femme que j'ai pris là, ça c'est, je peux dire que en ce temps-là, comme la tête était un peu troublée, c'est une violence. Moi, je suis reconnaissant pour ça. Oui. C'est que ça c'est de la violence. Oui. S'il n'y avait pas de problème à ce niveau, sous mon dos comme ça là, oui. Parce que ça allait passer un peu. Ça allait s'arranger. Mais comme le trouble est déjà là, et elle continue encore à me troubler, là je suis déjà surpris à faire ce que elle va faire. J'ai déjà fait. Et ça, pour reconnaître ça maintenant, je suis là dans cette affaire. Tout ce que les anciens disent, s'ils vont faire quoi de moi là, je sais que c'est pour mon bien. Exact. Je sais que c'est pour mon bien. Mais les jours que je suis venu faire la prière, ils m'ont dit de sortir. Je suis là dans la chambre. Le frère l'a présidé. Il a laissé le devant. Aller bavarder là-bas, il faut que je sorte de l'église. Sinon, il ne préside plus. Je ne peux pas laisser le peuple de Dieu comme ça dans le trouble en disant qu'on bavarde d'abord. Mais ça t'avait choqué, ou bien tu as compris que sa réaction était normale pour protéger le peuple de Dieu? Oui, il faut qu'il sorte, c'est pour que vraiment le peuple soit libre. Comme il y a déjà vraiment le problème, si je parlais aussi là, ça allait vraiment aller de long en large. Parce que l'ancien dit que je suis venu chercher la guerre avec, avec eux, ou bien c'est comment. Quand j'ai entendu ça là, le mot guerre là, j'ai pris mon sac. Doucement, je sors. Et c'est ça qui a créé dans la zizanie. Oui. Ok. Maintenant, continuons l'histoire, on est à la brigade, le gendarme pose la question à votre femme. Tu veux quoi? Rentrer chez ce monsieur ou bien quoi? Elle dit qu'elle rentre chez ses élans. Fais quoi? Qui s'assoit? On a le temps de s'asseoir, on a tout seul de causer. Oui, donc, comment elle continue? Comment elle continue? Qu'est-ce que le gendarme dit quand il répond comme ça? Bon, il dit que bon, si c'est comme ça, il faut que je fasse une liste sur ces choses-là dehors. Il dit qu'en sortant les choses-là dehors, là, il faut que lui-même il soit là sur place. Que le gendarme soit là. Oui. Et de là, son oncle paternel a décidé que je donne l'argent à la France. Comme des dommages. Oui. Il a décidé, les jours qui sont arrivés, j'ai coûté 40 000. Avec mes d'autres qui sont avant, je les ai donné les 40 000 et j'ai fait sortir des sacs de 1000. Les sacs, les arachides. Caramel, c'était pourquoi? Pour les dommages là. Pour les dédommager. Oui. Parce que l'oncle a décidé. J'ai fait sortir 40 000. J'ai donné au gendarme. Il a remis ça à l'oncle paternel là, la fille. Là, on a fait sortir les choses là dehors. Le monsieur là, même les gendarmes là, il s'est levé à aller voir ce qui se trouvait dans la chambre. Parce que je voulais tout vider. Parce que le comportement de la femme, c'est me voir. J'étais déjà, ça dit, à bout. J'étais déjà au bord de vous. Ça n'allait plus. Je voulais même vider la maison pour qu'elle me libère seulement. Le gendarme est allé voir aussi comment il fait filer les choses là-dedans comme ça. Là. Il est allé voir maintenant, il a ses deux sacs de mine et deux sacs d'arachide. Il dit qu'elle laisse ça mon frère. Pourquoi il fait sortir toutes ces choses-là comme ça? Et là, les femmes étaient là, l'oncle était encore aussi là aussi. Oui, à présent. J'ai fait sortir les choses et son oncle était là à présent. On a fait sauter tous les assiettes, même ce qu'on m'avait donné au niveau du mariage, ce que mes parents ont acheté. J'ai vidé tout. Quelle part avec? Oui. Et elle était là, elle acceptait même ce qui ne lui appartient pas. Tout. Tout. Les assiettes qu'on vendait, même les cotons, et on partait acheter, elle a tout pris. J'ai tout vidé pour me libérer. Et tu as donné 40 000 en plus. 40 000 en plus. Comme il dit qu'elle a dit. Ça, tu as donné comme ça, là, c'est devant le gendarme. Devant le gendarme. J'ai remis ça entre ses mains. Il a donné ça. Donc tu as donné au gendarme, le gendarme leur a donné. Oui. Là, il dit que ça me va. Comme la décision est déjà prise, le gendarme lui dit maintenant, c'est bon que c'est moi qui devais écrire la plainte. Oui. Pourquoi ils ont décidé d'écrire la plainte? Est-ce que dans la Bible, c'est comme ça? Normalement, c'est moi qui devais écrire l'aide de divorce. Attends, le gendarme, lui, il est chrétien. Bon, il dit qu'il lit quand même la Bible. Donc, c'est le gendarme qui vous informe que normalement c'est l'homme qui écrit une lettre de divorce à la femme. Maintenant, là, c'est la femme qui en a écrit une lettre de divorce. Oui. Pourquoi vous l'avez fait de cette manière? Il n'a pas parlé. Il dit que si c'est moi qui écrivais lettre de divorce, là, on allait un peu juger l'affaire. Et surtout même s'il y avait l'acte de mariage. Oui. C'est pourquoi on vous refoule là, parce qu'il n'y a pas l'acte de mariage. Mais il cherche à arranger ça maintenant là, parce que c'est nous les tout pourris. Oui. Il faut qu'on arrange pour ne pas avoir de problème après. Il nous a tranché la femme là comme ça, il dit au témoin, tu as entendu. La femme dit qu'elle rentre fait quoi? Parce que c'était fait de façon coutumière. Coutumière. Est-ce que les problèmes de l'église peuvent aller chez les infidèles? On arrive dans cet aspect là. Parce qu'il dit bien, après, parce qu'il faut qu'on l'entende jusqu'à la fin. Puis on va aller dans les Saintes Écritures. Et je vais vous donner la direction du Seigneur dans cette affaire-ci. Je vais vous donner la direction du Seigneur dans cette affaire. Oui, mon frère, tu voulais parler? Je voulais, justement, comme il est en train de parler du gendarme, le problème était arrivé à la brigade où je travaille à compagnie. Le même jour, les frères étaient là. Bon, dans la soirée, ils sont passés à la maison. Ils m'ont fait part de ce problème. C'est la même chose que la première question que je leur avais posée. Parce que dans la plainte, il était mentionné là, c'était il était poursuivi pour un problème d'adultère. Donc c'est lui qu'on appelait adultère. Effectivement. Or, là, ce que je leur avais dit, la première question que je leur ai posée, est-ce que la femme, ils sont mariés légalement. C'est-à-dire que c'est un acte de mariage. Ils m'ont dit non, ils se sont mariés de manière. La loi ne peut pas juger comme ça, il a du terre. Pourquoi, quand ils sont même, le problème est arrivé au niveau du social, ils ne pouvaient pas prendre des mesures là-bas. Ils ont dû renvoyer le problème, ils ont demandé qu'ils aillent rencontrer le chef du village, parce que c'est un problème coutumier. C'est la même chose. Et puis j'ai même dit, J'avais dit au frère que la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est de trouver un autre motif. Parce qu'avec ce motif-là, ça ne peut ça pas peut marcher. Aller. Et puis, j'ai dit également au frère, quand ils étaient à la maison, je leur ai signalé que ce n'est même pas déjà bon que un problème concernant les chrétiens. L'église, les chrétiens aillent rencontrer les païens pour pouvoir résoudre ce problème. Bon, c'est ce que je leur ai dit. Et puis, je lui ai dit, non, s'il y a un problème comme celui-ci, que les gens, mes frères aillent s'arranger, qu'ils voient comment comment s'entendre. Parce que vraiment, il faudra que ce problème soit arrangé à la mienne, dans l'enceinte de l'église. Bon, j'avais aussi posé la question, est-ce que quand ils se mariaient, l'homme et la femme, est-ce que si le mariage s'est passé à l'église? À l'église. Bon, je ne pense pas. C'est passé à l'église. C'est passé à l'église. C'est passé à l'église. Mais ça s'est passé à l'église, ça se trouve que vous avez votre mot à dire là-dedans. Vous avez votre mot à dire là-dedans. Bien aimé. Oui. Quelqu'un n'a pas là souvent une sorte de quelque chose. En réalité, la fille là, elle n'a pas cru. Voilà, donc un, la fille n'a pas cru. Le jeune frère, si. Je peux dire que je suis leur papa spirituel. Il a dit ça tout à l'heure. Il a dit ça. Il avait professé une jeune fille à l'église de la Douane. Son grand frère intendant a sorti un presque 100 000 pour doter la fille. La fille venait de temps en temps. Et la proposition était là. Pour cette fille-là de l'église. Pour cette fille-là. Voilà. Attends. Lorsque celle-ci est venue, elle voulait. Bon, c'est le fille du village quand même là-bas, quelque part. J'ai dit que il a convoité. Il y a un frère qui lui avait dit que mon frère n'engage pas. Que ne t'engage pas là-dedans. Ce n'est pas bon. Il dit que non. Son Dieu est là, il va arranger la fille. Quelques témoignages, les gens ont parlé. Mais lui, il n'entend même pas de témoignages. Lorsque quand un problème arrive, il peut commencer d'abord. Beaucoup on a dit, mais comment? À un certain temps, à eux deux, on allait le reprocher. On dit que cette fille-là est entrée, sortie sous toi. À un deux là, on a les publications a été dites. Il nous mentait. Et cette femme-là a dit ça. Donc on a dit que dans le deux, au deux là, on a été très mal. Donc ça veut dire que normalement, il était proposé à marier une femme, une fille de l'église. Il s'est tourné là, de ce côté-là. Et quand il a venu, l'autre est venu, il s'est empêché. Il s'est dit. Il ne voulait pas le conseil des autres. Voilà, il a dit que même si la fille est mondaine, Dieu va la convertir. Dieu va la convertir. Ok. Donc. Tous les frères comprennent cela aujourd'hui. Voilà. Donc nous nous trouvons dans un état où le pasteur a épousé une non-croyante. Il a épousé une non-croyante, croyant que Dieu va travailler dans son cœur pour la convertir ensuite. Et il n'a vécu que l'enfer à la maison. Voilà. Oui, je voulais réagir, mon cher. Oui. C'est sur ce que l'ancien vient de dire qu'on a déjà donné 100 000 sur la fille. Là, je peux dire qu'à ce niveau, c'est moi qui connais l'affaire. On a déjà causé pour le problème d'Andoua. La fille qui était à Andoua. La fille dont tu parles là. On a donné 50 000. Oui. L'argent de l'eau. Oui. Le 100 000, le grand fait de qu'il faut qu'il aille d'abord à Yaoundé pour faire arranger certains papiers. Et après, ça, il va amener donc ces 100 000 là. Et ça fait quelques temps. Moi, si je partais là-bas, son papa dit qu'il risque de perdre le temps à sa fille. Si je ne suis pas à mesure de marier cette fille-là, il faut que je la libère. Mais il faut faire ça rapidement. Et là, il n'y a pas 100 000 rapidement. Il y a aussi le 100 000. Si j'ai continué de faire le temps à ta fille, au lieu de me retirer, qu'est-ce que Marie? Je suis rentré. Elle s'est finalement mariée. Oui, un frère est venu me voir. Il était de passage là-bas, il dit qu'il veut donc marier la fille. Et on l'a fait comprendre que j'étais là-bas et je suis rentré. C'est comment? C'est que mon frère. S'il y a possibilité, Marie là. Il faut la marier. Mais où marie les gens ici sans avoir aimé? Comment le mariage se passe ici? Parce que le papa veut déjà donner ça à un prêtre. Si tu veux la marier, il faut donc la marier. Oui. Marie la vie avant qu'elle ne passe chez le païen. Le frère s'est engagé et prendre la soeur. Et c'est là comme ça, il m'a aussi renvoyé en 50 000. Elle a renvoyé 50 000 qu'on avait déjà avancé. Oui. C'est comme ça qu'elle a fait se passer. Et j'ai vu aussi l'autre, je me suis engagé en tant que aussi quelqu'un de l'église. Oui. Donc c'est sur la base du fait que tu l'as vu venir à l'église que tu t'es engagé derrière. Oui. Mais durant ce moment-là, tu n'as pas observé si ou non elle était convertie ou quoi que ce soit. En tant que prédicateur, vous devez avoir discerné, même, au moins un discernement, de même si ce n'est pas spirituel, même de la Bible, que cette personne-ci est quelqu'un qui craint Dieu, qui craint la parole, ainsi de suite, non? Bon, en ce temps-là, comme je suis déjà en rage de trouver une femme-là, oui. Je me discernais plus. Tu étais aveuglé par la femme, la femme, la femme. Elle est venue et t'a embouté. Bon, est-ce que dans ce mariage, comme tu t'engages, tu l'aimais? Je vous disais que j'ai sauté à 5 pour aller chercher le bois. 5 pour aller chercher le bois. Je l'aimais dans mon cœur. Il faut qu'on soit ensemble dans le Seigneur. Oui. Ok. Et maintenant, quand elle t'énervait et elle faisait toujours les choses là-bas, est-ce que l'amour était toujours là? Oui, j'ai continué. Ça fait beaucoup d'années que je continue à persévérer dans cet état qu'elle faisait. Je voulais toujours la ramener au Seigneur. Là, c'était le caillou. Maintenant, je vais poser la question maintenant de façon subtile. Celle qui est avec toi maintenant, est-ce qu'elle est chrétienne? Oui, elle est chrétienne. Donc, ça veut dire que c'est une chrétienne maintenant que tu es en paix avec celle-là. Là, je n'ai pas de problème. Il n'y a pas de problème, elle ne fait pas comme l'autre. Non. Bon, maintenant, est-ce que maintenant vous priez ensemble, vous jeûnez ensemble, vous suivez ensemble? Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok. Enceinte, qu'est-ce que tu en dis avec cela, le deuxième mariage maintenant? La Bible est là, non? La Bible est là, frère. Parce que ce mariage-là, la femme. Est-ce que cette femme-là nous aimait? Elle ne nous aimait pas. Parce que si pour nous, est-ce que ça s'est fait un jour dans votre Bible aussi qu'un prédicateur laisse une autre femme et parte chercher une autre femme? Bon, toi tu penses maintenant qu'il doit aller chercher cette femme-là là-bas? Et cette femme-là, elle peut être comment alors donc? Son état là, tu vois comment son état. Avec tout ce qu'il a expliqué maintenant, et à la gendarmerie où on a posé la question à la femme elle-même, que qu'est-ce que tu décides de faire maintenant? Elle a dit qu'elle ne veut pas entrer dans cette maison, qu'elle est seulement revenue pour prendre ses choses pour partir. Sur cette témoignage, ça suppose donc que la femme ne veut plus en aucun cas rentrer à la maison. C'est-à-dire, il faut bien comprendre ça. La femme, dès qu'elle a pris que le frère a déjà pris une femme, qu'est-ce qu'elle doit retirer? Elle veut bonne question, si elle était incroyable, maintenant on devait roser ça de façon croyante. Il dit que celle-ci est croyante. Il l'a marié dans quelle église? Bonne question encore. Donc, il croit qu'il est là, il faut qu'il réponde à la question. C'est pour ça qu'il pose la question. Dans quelle église il l'a marié? Explique-nous, mon frère. Il y a des anciens de cette église là où ils l'ont recommandé quand même quelque part. Bon, qui répond donc? Parce qu'il a dit qu'il est chrétien. Que celle-là est chrétienne. Oui. Peut-être les protestants. Même les protestants, il y a des attestations quand même. Demande quand même l'ancien là-bas. Si l'homme là est chrétien ou la femme là est chrétienne. C'est faux. Ah, beaucoup de problèmes se passent au milieu de l'église. Vraiment. Oui. Elle vient du village. C'est du coulant. Là, elle a perdu sa maman. Elle a perdu également son père. Et son oncle paternel ici à Pitois. Est allé aussi au-delà. Au funérailles. Quand c'est fini, chez nous on partage. Donc le monsieur s'y a décidé de la faire ramener ici chez lui. En tant qu'elle était là-bas, elle était à l'église. Et quand elle est venue sur là, elle était là, elle faisait aller faire l'église avec son papa à l'église protestante. Protestant de l'autre côté là-bas. Oui. J'ai bien dit qu'elle était protestante. Mais... elle cherchait l'église. Oui. Elle est venue un jour. Oui. Bon, comme elle ne connaissait plus la rue là, elle préfère maintenant aller avec son père. Là, donc, elles sont montées là-bas chez nous pour aller rendre aussi condoléances à ma belle-sœur. C'est là où tu l'as vu? C'est là où je l'ai. Tu l'as directement pris? Oui. Donc, c'est là aussi. Toi, tu ne tardes pas? Je suis allé voir aussi son oncle paternel. On a arrangé l'affaire là. Oui, que je l'arrache directement. Oui, c'est arrivé à la scène. Et maintenant, depuis, alors, vous avez l'enfant alors? Non, ça fait encore un an. On n'a pas encore un an. Ok. Oui, elle ne veut pas aussi d'enfant. Pardon? Elle ne veut pas aussi d'enfant. Non, c'est parce que c'est pas vraiment bien. Maintenant, on va entrer dans les Saintes Écritures parce qu'il y a beaucoup de problèmes d'ordre spirituel ici. Et quand on va entrer, à l'issue de cela, je vais dire quelle est la pensée du Seigneur. Parce que c'est une chose de lire l'Écriture. C'est une chose de savoir quelle est exactement, à un moment donné, la pensée de Dieu. C'est que Dieu verra dans une situation. Parce que l'Écriture va dire telle chose. Mais il faut regarder si dans cette séance, si l'Écriture s'applique à ça, dans tel ou tel cas. D'accord? Je veux maintenant qu'on ouvre les Saintes Écritures. Donc. Avec tout ce qu'on a suivi comme base depuis le début. Que Dieu vous bénisse. Ouvrons d'abord le livre de Jérémie, prophète Jérémie. Vous voyez que nous qui sommes les dirigeants de l'église, on ne doit pas créer scandale. On ne doit pas créer de scandale. On ne doit pas créer de scandale. Parce qu'on sera jugé plus sévèrement. C'est pour ça que quand notre frère, il est à la brigade, il travaille. S'il y a le chef là-bas, s'il y a n'importe quel bavu là-bas, il y a une frappe d'abord le chef. C'est pas ça, mon frère. C'est d'abord lui, vous entendez qu'on a enlevé le chef à sa fonction. Alors que peut-être lui, il était à la maison pendant que la bavure s'est passée. Le bavure s'est passé. Parce que ce sont ces éléments qui ont travaillé. De la même façon, si Dieu veut entendre contestation, il commence d'abord par la tête. Vous êtes dans Jérémie déjà. Jérémie. Chapitre 3. Jérémie chapitre 3. On lit le verset 1. Ah, votre frère, tu peux nous lire ça? Verset 1. Verset 1. On va lire le verset 1. Il dit, lorsqu'un homme répudie sa femme, oui, qu'elle le quitte et devient la femme d'un autre, cet homme retourne-t-il encore vers elle? Le pays même ne serait-il pas souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants. Voilà. Et tu reviendras à moi, dit l'Éternel. Voilà, voilà un problème qui se trouve dans le livre de prophétie de Jérémie. C'est le Seigneur qui dit, et il faut avoir le verset devant nous pour bien saisir ce qu'on a dit là-bas. Il dit que lorsqu'un homme répudie sa femme et qu'elle quitte cet homme-là, elle devient la femme d'un autre. Ça veut dire que l'autre homme la connaît. Quand on parle de la terminologie de connaître, ça veut dire que couche avec ensemble. Et puis, elle quitte encore cet homme-là. S'il revient encore vers cet autre homme, c'est qu'il avait répudié. La Bible déclare que est-ce que la femme, si, est-ce que l'homme si doit encore la prendre pour femme? Il dit que si cet acte-là c'est commun, tout le pays sera souillé par cet acte-là. Les femmes créent vraiment des problèmes. Et s'il y a un problème en milieu chrétien, c'est ce problème de mariage et de remariage. Le divorce, c'est un problème. Dans le livre de Malachie, chapitre 2, Dieu dit qu'il hait le divorce. Il hait le divorce. Il hait la répudiation. Il dit que chacun se met dans notre esprit pour ne pas être infidèle avec la femme de sa jeunesse. Donc, c'est ce qu'il écrit, n'est-ce pas? Ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'il faut qu'on fasse attention à la façon dont on lit la parole de Dieu pour ne pas prendre les choses et tordre le contexte. Donc ici, d'abord, premièrement, on voit que il y a une situation qui se pose. L'homme répudie sa femme. La femme sort de sa maison, va maintenant habiter avec une autre personne. Et puis on dit, comme cette femme est partie comme ça, la première personne qui l'a répudiée ne doit plus le prendre pour femme. Parce que s'il fait cet acte-là, tout le pays est souillé à cause de cet acte. Ça veut dire que rien ne souille le monde comme l'adultère. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose qui souille le monde comme l'adultère. Cet acte-là, il faut qu'on fasse attention quand la façon on souille. On va aller doucement. Donc, prenez d'abord les notes comme ça, on va prendre les notes, il donne les différents versets. On va lire tout à l'heure. C'est bon, Malachie 2, verset 14 et 16 à 16. C'est là où j'ai cité tout à l'heure. Donc, notons le livre de Romains chapitre 7. Malachie chapitre 2, verset 14 à 16. Notez Romains chapitre 7, verset 1 à 4. 1 Corinthiens chapitre 7. Matthieu chapitre 19. Verset 1 à 8. 1 Corinthiens 7. On va lire, on va même pas dire le chapitre et le verset. On va se parler. Matthieu chapitre 19. Verset 1 à 8. Même jusqu'à 1 à 10 même. Colossiens chapitre 3. Verset 11 à 13. Voilà, on peut commencer à lecture maintenant. On va commencer d'abord dans le livre de Matthieu. Ce qu'on a vu dans Matthieu là. C'est bien comme le frère, c'est la version Semeur. Ok, parole de Dieu. Matthieu chapitre 19. L'histoire, c'est que vous, quand on vient de rencontrer, montre clairement que entre vous les anciens, vous avez besoin de vous soutenir les uns les autres. Il dit que cette histoire se montre que vous avez besoin de vous soutenir les uns les autres. C'est-à-dire que il y a besoin de temps de prière entre vous seulement. C'est-à-dire que ceci a fait défaut dans le passé. Le lieu de réunion, ce n'est pas seulement le jour de réunion, on va venir dimanche prochain, ou bien on appelle l'autre pour dire que c'est toi qui vas prêcher. Ce n'est pas comme ça. Il y a des temps de travail que vous devez avoir, les séances de travaux comme ça, là, où vous travaillez, travaillez, pour que chacun voit là où il y a des faiblesses et autres là-bas. Vous mettez à genoux, vous suppliez le Seigneur, vous priez. Il faut cela. Dans l'issue de ceci, on va prier, on va se mettre à genoux, on va prier. Tu t'as dit, frère Gino. Oui, mon frère. Il y a des temps. Oui. Que pour le temps, les gens ont laissé des choses. Mmh. La dénomination a beaucoup partagé quelque chose dans les esprits des gens. Mmh. Pour ne pas être un. Mmh. Dans les choses. Dans le beaucoup de trous. Là où tu es dans le Seigneur, là, oui. Quelque part, ça n'entre pas dans l'esprit des sortants. Oui. Pourquoi? À cause de la dénomination. À cause de la dénomination, parce qu'il a été vraiment nourri quelque part ailleurs. Oui. Il y a des frères qui est venu ici pour que nous marchions dans la sainte, oui, la sainte doctrine. Oui. Est-ce que nous sommes dans la sainte doctrine? L'autre là ne peut pas le secours de l'autre. Voilà. Voilà, c'est ce qui s'est passé au nord. Donc il faut un nettoyage. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Il faut un nettoyage. Vous entendez ça, c'est fort. Donc ça veut dire qu'il y a des forteresses dans les il faut donc que chacun accepte que Dieu le nettoie pour qu'on puisse avoir, vous puissiez être un. Sinon, quand vous allez vous asseoir comme ça, là, imaginez que vous vous asseyez comme ça en tant qu'ancien et diable, et que chacun a une doctrine particulière dans sa tête qui dit je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Ça ne sert à rien de cette réunion-là. Je vous ai dit le témoignage, j'ai testé ça, ce n'est pas une doctrine. Mm-hmm. Et quand même, les gens ont dit, dans, on a vécu la chose, on pouvait, ça pouvait nous perdre du temps. Mm-hmm. Ça pourrait nous perdre du temps. Voilà. Au lieu de s'ajourner devant Dieu, on se perd du temps. Voilà. Pour que c'est quelque chose de simple. Voilà. Allons-y. Verset 1, le suivant. Lis dans la version du second, comme la marche dans la version du second. Vas-y. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit, et là, il guérit des malades. Les pharisiens l'abordaient et dirent, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Arrêtons d'abord là-bas. Donc, on voit effectivement que ça veut dire que quand Dieu commença à révéler ses plans, Dieu savait que sur la terre, il devait avoir des problèmes. Moïse est entré en scène, voyant ces choses-là au milieu des hommes, il a donné une brèche dans la parole pour permettre à l'homme de répudier sa femme et non le contraire. C'est pour ça que le gendarme a dit que ce n'est pas à la femme de répudier son mari, c'est à l'homme de répudier la femme. Si vous lisez la loi dans Deutéronome, chapitre 23, chapitre 24, chapitre 25, c'est bien explicité là-bas, concernant cela. Mais Jésus dit ici qu'au commencement, n'avez-vous pas lu ce que le Créateur fit au commencement? Il veut dire le modèle du mariage, c'est le modèle du commencement, ce qui s'est passé dans la Genèse. Et ici, il dit que dans la pensée de Dieu, c'est un homme, une femme. Et il n'y a pas de séparation. Parce qu'il a dit, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Après, il dit que c'est pourquoi l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a joint. Parce que ça veut dire que le mariage, c'est Dieu qui unit le mariage. C'est ce qu'il en a dit. C'est Dieu qui unit le mariage. Et quand Dieu unit, c'est la première des institutions du Seigneur. Parce que ce mariage-là prophétise le mariage de l'épouse de son fils. Et donc là, depuis les premiers chapitres de Genèse, il prophétise que son fils va se marier. Et donc, il crée donc un homme et une femme pour représenter cela. Maintenant ici, les juifs donc lui disent, ok, si tel est le cas, dis-nous pourquoi Moïse a prescrit aux hommes de donner donc la lettre de divorce. Il dit, Moïse a fait ça à cause de la dureté de votre cœur. Quand il parle de dureté de notre cœur, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a certaines choses qui sont jointes dans le cœur humain, qui vont commencer à marcher contre la loi de Dieu. Moïse, voyant le danger venir, a créé donc une brèche. Parce que Jésus ne dit pas que Dieu vous a prescrit cela. Il dit que c'est Moïse qui vous a prescrit ça à cause de la dureté. Il n'en était pas ainsi. Donc, ceci, ce n'est pas Dieu qui a prescrit à Moïse de le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il dit, pour Dieu, le commencement, c'est la vraie chose que lui a instituée. Moïse, voyant qu'on ne peut pas respecter cela de façon littérale, avec ce qui est arrivé, les convoitises sur le cœur, sur le cœur, a explicité une brèche pour permettre qu'il n'y ait pas de désordre. Dans le livre des Nombres, par exemple, il dit, par exemple, quand vous aurez pris une femme, et si vous rencontrez que cette femme n'est pas vierge, il faut le ramener chez sa femme. Ou bien si vous trouvez quelque chose de, qui n'est pas bien chez la femme, vous lui écrivez une lettre de divorce, vous lui dites à ses parents que je n'ai pas trouvé bien. Vous le renvoyez chez ses parents. Voilà comment ça se passait, simplement. Mais maintenant, la chose, c'est qu'il n'est pas permis à la femme d'écrire la lettre de divorce pour le mari. Parce que c'est le mari qui la prend. Ce n'est pas elle qui prend le mari. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, Jésus continue en disant, il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, ça veut dire qu'il faut regarder le mariage avec la lumière du commencement. Mais le problème, maintenant, c'est que, comme je suis en train de regarder que dans votre tradition, vous avez un style de façon de vous marier, un style de façon de faire, et il y a donc un style de mélange de, et en même temps de coutume, et en même temps de tentative d'obéir à la parole de Dieu. C'est ça le vrai problème ici maintenant. Parce que lorsqu'on va vouloir résoudre ce problème, il va falloir qu'on touche l'aspect coutumier. Dans vos différentes coutumes, vous allez arriver dans une autre tradition, ce ne sera pas la même façon de le faire. Toutes ces choses-là, ce sont les différentes manières de célébrer le mariage. Donc, le mariage donc, se résume dans la Bible comme étant l'accord entre les deux parties qui se marient. Maintenant, les autres choses que vous faites, les accessoires qu'on fait tout autour là-bas, les 50 000 qu'on va donner, l'eau qu'on a donné, 100 000 qu'on a donné, ce sont les accessoires du mariage, donc les célébrations. Dans d'autres traditions, on ne fait pas comme ça. Chez les Blancs, on ne demandera pas d'autres chez les Blancs. Et pourtant, c'est eux qui ont écrit ces choses. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse attention à la manière qu'on a de vouloir faire les choses du mariage. Maintenant, Moïse crée une brèche parce qu'il sait que le cœur des hommes est instable à la parole de Dieu. Donc, il peut dire oui aujourd'hui, demain, il dit non. Et bien, dans ce cas, il écrit la lettre de Dieu pour que ça soit sûr que tu n'es plus avec elle. Maintenant, quand il écrit cela, les gens vont poser des questions. Continuons la lecture. Écoutez bien. Verset 9. Mmh. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, mmh, sauf pour infidélité... Stop. Pourquoi il met, selon vous, sauf pour infidélité? Maintenant, lis la phrase sans lire, lis la phrase, tu sautes sauf pour infidélité. Lis toute la phrase sans lire sauf pour infidélité. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Voilà. Maintenant, le site, maintenant, ce que tu as laissé. Mais je vous dis, mm-hmm, que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Maintenant, tu vas lire, sauf pour infidélité, à la fin plutôt. Donc, lis sans lire, c'est l'infidélité, à la fin. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère, sauf pour infidélité. Vous avez vu ça? C'est terrible ce que le Seigneur dit. Relis encore de cette façon-là. Attendez, en français, on dit que les propositions subordonnées, on peut les déplacer n'importe quoi. Les propositions principales, on ne peut pas les bouger. Mais les subordonnées, on peut les déplacer soit avant, soit après. Ça ne dérange pas la phrase. C'est la principale que si vous déplacez, ça va créer le problème. Ici donc, la sauf pour infidélité, c'est une subordonnée, c'est même relative. Donc, ce n'est pas la principale. Donc, on peut la mettre à la fin. Mettre une parenthèse, lis, puis lis après, pour bien comprendre ce qu'on a dit là-bas. Donc, relis, et tu la lis à la fin. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme et qui en épouse une autre commet un adultère. Si on s'arrête donc là-bas, ça se pose donc que si tu répudies ta femme, donc tu l'as fait sortir, tu écris une lettre, comme Moïse a dit, et tu lui dis qu'elle part chez elle, comme elle part là, si tu prends une autre femme devant Dieu, tu es adultère. Vous avez vu? Maintenant, on dit que sauf pour. Infidélité. Donc, sauf dans le cas où celle-là a commis infidélité. Vous avez vu le problème, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je suis en train de dire. Donc, d'après ce qui est écrit ici, si j'ai une femme et qu'il y a n'importe quelle situation, parce qu'on a dit sauf pour infidélité. Donc, la seule et unique condition, c'est qu'elle a commis quoi? L'adultère. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'explication devant Dieu que quelqu'un va pouvoir dire pour dire que je l'ai chassé à cause de telle chose, c'est pour ça qu'il n'y a plus une autre femme. Parce que la seule chose qui marche devant le Seigneur, c'est que cette personne ait commis quoi? L'adultère. Donc ça veut dire que même si la personne est une sorcière, une meurtrière, tu dois supporter. Parce qu'on n'a pas dit qu'au cas où elle veut te tuer, au cas où elle a tué ta maman, au cas où elle voulait te poignarder, au cas où elle est devenue dans la sorcière, ou bien qu'elle ne t'entend plus. Là, tu vas supposer, ce sont les paramètres qu'il y a dans la vie des hommes. Il y a les esprits derrière et autres là-bas. C'est-à-dire que quand tu prends l'engagement d'aller prendre une femme, tu prends la femme avec ses bons et ses mauvais caractères. Mm-hmm. Vous allez savoir gérer cela. Vous allez savoir vous comprendre. Tu ne dois pas prendre une femme, tu ne dois pas espérer qu'une femme, quand tu vas prendre, quand elle dit A, elle dit B, B, C, ainsi de suite. C'est dans les incompréhensions même que ça permet que tu comprends la personne. Dans ces incompréhensions, ça vous permet de vous connaître. Parce qu'elle doit aussi avoir des choses chez toi qui te reprochent. Parce qu'elle a vécu dans un environnement que tu n'as pas vécu. Et les différentes personnes qu'elle a visitées, là où elle a grandi, au là-bas, ont forgé dans sa vie un caractère qui est différent du tien. C'est pour ça que quelqu'un qui a grandi ici à Pitoa et pour quelqu'un du sud, ils auront des problèmes parce que les cultures sont différentes. Au fur et à mesure qu'ils vivent, ils vont commencer à s'entendre petit à petit. Il y aura des choses dans ta culture qu'ils n'aiment pas, des choses que l'autre n'aime pas, mais tu vas commencer à savoir que okay, cette chose-ci, telle personne n'aime pas. Mais cette chose-là que vous n'aimez pas dans l'autre ne doit pas être l'objet de séparation. Parce qu'on n'aura pas d'explication devant le Seigneur. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et donc ici, Jésus dit que sauf pour infidélité. Donc pour le cas d'adultère. Donc ça veut dire que d'après ce qu'il en a dit, si un homme répudie sa femme et qu'elle a commis adultère, si elle a commis adultère, et vous voyez effectivement ça rejoint exactement ce que Jérémie, on a lu dans Jérémie. Parce que si la femme a commis adultère, ça suppose qu'elle est allée vers un homme. Ça veut dire qu'elle ne peut plus retrouver son mari ne doit plus la prendre. Vous comprenez? Parce qu'elle n'a pas couché avec un homme, elle revient coucher avec son mari. Donc son mari doit couper ce lien-là. C'est pour cela que quand vous lisez le livre de Matthieu chapitre 1, quand Jésus a été conçu, quand Jésus a été engendré, vous remarquez quand Joseph n'avait pas encore connu sa femme, quand il a remarqué que sa femme était tombée enceinte, il se disait que c'est un homme qui l'a, elle a porté l'enfant d'un homme. La Bible déclare qu'il se proposa de rompre secrètement avec elle, pour que ça ne crée pas de scandale. Ok, comme tu es tombée enceinte d'un autre homme, la loi de Dieu ne me permet plus de te prendre, parce que tu as commis adultère. C'est là où l'ange est intervenu pour dire qu'en réalité, tu n'as pas commis adultère. Il dit, Joseph, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme. Parce que l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. L'auteur, c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est ça qui a fait que Joseph, si ce n'est pas Dieu qui lui parlait directement, et que c'est un prophète qui vient avec le pied lui dire, il va dire que non, prophète, moi, personne n'a jamais entendu la qualité qu'un homme, une femme tombe enceinte sans un homme. Il fallait que Dieu lui parle directement et dispose son cœur à accepter ça. Parce que dans le plan humain, on ne peut pas comprendre qu'une femme puisse tomber enceinte sans que l'homme ne va avec elle. Donc, Joseph, on dit que Joseph, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle, comme il y pensait. Donc, il était dans sa tête en train de modister. La loi dit que, ok, comme la commis l'adultère, je vais donner la lettre de divorce, on va se séparer doucement. Il ne veut pas, c'est une fille gentille avec moi, et je suis sûr que c'est une erreur, et c'est tombé comme ça. L'ange est intervenu pour dire que non, non, non, ce n'est pas une erreur, c'est une bonne femme, prends-la. Parce que ce n'est pas un homme qui l'a touché. Donc Joseph connaissait ses principes. Que si tu es avec une femme et que la femme va coucher avec un autre homme, tu ne dois plus la prendre pour ta femme. Et Jésus-Christ dit dans ce cas-là que c'est dans ce cas-ci seulement que Dieu tolère que tu peux te séparer d'elle pour prendre une autre femme. Ça, c'est ce qui est écrit. Maintenant, dans le cas des chrétiens encore, ça devient encore davantage grave. Parce que si l'autre est chrétien et que tu es chrétien, ça change la donnée. Suivez très attentivement. Même si la personne qui a commis l'adultère, si dans un couple est chrétien et que tu es chrétien, ça change la donnée d'après les explications du Seigneur. Parce que plus tard, il va développer cela dans 1 Corinthiens chapitre 7. C'est-à-dire au cas de cette séparation-ci. Parce que nous devons nous pardonner les uns les autres, étant dans le corps. Mais là, le problème, c'est qu'on se retrouve dans un cas, on peut avoir un cas où l'homme est marié, il est chrétien, la femme n'est pas chrétienne. La femme n'est pas chrétienne. Ou bien la femme est chrétienne, le mari n'est pas chrétien. La Bible traite de ces cas-là. C'est là où on va progresser jusqu'à voir. Je voulais dire, d'abord qu'on voit la seule et unique condition pour qu'il y ait une séparation possible. C'est ça, c'est le cas que l'un des partenaires a commis quoi? L'adultère. C'est ce qu'on a vu là-bas, n'est-ce pas? Progression dans 1 Corinthiens chapitre 2. Non, non, c'est pas fini, vous allez voir la réaction des disciples ici. Regardez, il faut qu'on voit la réaction des disciples. Comment la réaction des disciples, eux-mêmes du Seigneur Jésus-Christ, vont réagir après avoir entendu cela. Je relis le verset 9. Oui. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre comme un adultère. Oui. Verset 10. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Vous avez vu? La réaction du disciple ici est même dangereuse. Et puis Jésus va maintenant rétorquer encore que tous ne comprennent pas cette parole, mais seuls ceux à qui cela a été donné. Donc l'affaire du mariage, c'est pour que quelqu'un mette sa soupape là-dedans, son bec. Il faut qu'il réfléchisse trois fois. Parce que Jésus dit là que ce n'est pas tous qui comprennent la parole qu'il a dit là. Donc ça veut dire que le mariage et le problème du mariage, ce n'est pas donné à n'importe qui de mettre sa bouche là-bas et résoudre. Dieu merci pour ces gendarmes qui ont envie d'esquiver. Parce que c'est un truc terrible. Parce que si tu engages quelque part, tu ne sais pas quelqu'un et que c'est la volonté de Dieu qui se marie, c'est que tu vas rendre compte à Dieu. Il dit que personne dont ne sait pas bien ce que Dieu a joint. Donc même un juge n'a pas le pouvoir pour séparer le mariage. Même pas un juge. Vous voyez le danger, ça se trouve. Jésus dit ici que quand les disciples vont réagir comme ça, Jésus va leur dire que tous ne comprennent pas cette parole, mais seuls ceux à qui cela est donné. Donc il faut que ça soit donné pour que tu comprennes ce que lui a dit, pour que tu parviennes à comprendre même et saisir ce qu'il a dit. Maintenant, attelons-nous sur la réaction des disciples. Lorsque vous entendez ce que le Seigneur Jésus a dit, Vous avez comme impression que c'est plutôt la femme qui est désavantagée. Parce qu'il suffit que la femme commette l'adultère une seule fois, paf, son mari la rejette. Mais le disciple dit que la condition est plutôt grave pour les hommes. Parce qu'il dit que si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas donc avantagé de se marier, donc mieux on ne se marie pas. Il veut dire, si la seule condition qu'on doit divorcer de la femme, c'est qu'on attrape commettre l'adultère, c'est que hein, il faut vraiment qu'on ne se marie pas. Pourquoi? Parce que dans le livre de Proverbes, chapitre 30, la Bible déclare que telle est la voix de la femme adultère. La femme adultère, elle mange, elle le suit la bouche. Parce que la femme, si la femme sort là, elle commet l'adultère là-bas, elle passe. Tu ne peux pas savoir qu'elle a commis l'adultère. Oui. Elle peut commettre l'adultère avec trois personnes, même en allant au marché, en rentrant. Tu ne peux pas savoir. La Bible déclare que c'est comme ça qu'elle mange, elle le suit la bouche. Et il n'y a rien fait. Comment tu vas prouver? Il faut que tu l'attrapes en flagrant des lits. Donc ça veut dire que tu peux vivre avec ta femme, la femme elle commet l'adultère, tu es souillé ou souillé tout le pays. Ça veut dire que tu ne sais jamais. Les disciples comprenaient cela. Les disciples savaient que les femmes dérangent. Que pour les seuls actes d'une femme, la femme peut t'énerver au point où tu peux t'épandre. Et Dieu dit que la seule condition, c'est que qu'elle ait commis l'adultère. Il dit non, non, non, dans ce cas, ce n'est pas bien de se marier. Parce que les femmes, là, on connaît les comportements. Mais Dieu a dit, il faut seulement qu'elle commette adultère. Mais maintenant, regardez quand Jésus lui-même, c'est même Jésus, dans Jean chapitre 8. Dans Jean chapitre 8, si vous lisez Jean chapitre 8, vous pouvez seulement noter parce que je vais expliquer là pour qu'on avance. Dans Jean chapitre 8, on avait pris, et ces mêmes pharisiens-ci vont encore se présenter devant le Seigneur Jésus. On l'a pris en flagrant délit de l'adultère. Si vous regardez très attentivement, vous voyez, n'est-ce pas? Cette femme, c'est une femme qui avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Quand on parle de flagrant délit en droit, ça suppose qu'on t'a pris sur les faits. N'est-ce pas? Maintenant, c'est là où il faut, c'est pour ça que quand on va respecter la loi de Dieu, il ne faut pas respecter cela partiellement. Il faut respecter comme Dieu dit. Maintenant, cette femme a été prise en flagrant délit. La Bible spécifie là-bas qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Ça soit qu'on l'a pris sur les faits. Jésus était là, la foule est venue avec la femme, on a poussé la femme au milieu de Jésus. Et tout ça, c'est pour attaquer la loi de Dieu, la parole. On lui a dit, maître, cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère. Je vais revenir sur ces flagrances-là. Il dit, Moïse nous a prescrit de lapider de telles femmes. C'est ce que la Bible déclare. Toi, que dis-tu? Ça, c'est ce que les hommes disent. On a posé la question à Jésus, en signifiant que la loi de Moïse dit que si une femme commet l'adultère, soi-disant, il faut la lapider. Mais maintenant, si vous regardez très attentivement, là où ils sont décidés en disant que Moïse nous a prescrit d'après la loi de lapider de telles femmes, c'est écrit dans Deutéronome chapitre 22, verset 22. N'est-ce pas? Ouvrons cela et lisons, ça sera important qu'on lise. Ne fermez pas Jean chapitre 8 là. Deutéronome chapitre 22. Deutéronome chapitre 22, verset 22, d'accord? Donc, comme vous notez cela, c'est en relation avec Jean chapitre 8. Deutéronome 22, verset 22. Allons-y, mon frère, lis. Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, oui, ils mourront tous deux. Stop. Vous avez vu la façon que c'est explicité dans la loi? Vous avez vu la façon que c'est explicité dans la loi? C'est exactement écrit comme ça. Et la condition avait été respectée. Parce que ici, la loi prévoyait que si l'on trouve, c'est-à-dire la flagrance, si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux. Et ces gens-ci disent à Jésus qu'on a pris cette femme ici en flagrant délit d'adultère. Mais au milieu de Jésus là-bas, combien de personnes étaient là? La femme et les pharisiens. Et les pharisiens. Bon, où est l'homme avec qui est? Elle est où? Il n'est pas là. Pourtant, ils ont dit qu'ils ont pris en flagrant délit. Est-ce qu'on commet l'adultère seul? Vous voyez qu'il y a un problème avec la loi avec les lois des hommes. Parce qu'en réalité, si on est dit que flagrant délit, et quand vous respectez la loi de Moïse, il faut que les deux soient mises là. Parce que la femme n'a pas commis l'adultère seule. Mais ils disent, Moïse nous a dit de lapider les femmes. Moïse n'a pas dit de lapider les femmes. Elle a dit de mal lapider ceux qui ont commis. Et là, voulant respecter la loi de Moïse, ils sont en train de faire la partialité. Parce qu'ils ont pris en flagrant délit. Quand on dit en flagrant délit, c'est qu'on vous a attrapé sur le fait. Ils attrapent sur le fait, ils prennent la femme, ils laissent l'homme. Ils veulent mettre la femme devant là pour qu'on lapide. Là, maintenant, je suis en train de voir parce que c'est en tant que femme. Parce qu'il va avancer là-dessus. Et voir la réaction de Jésus par rapport à ces femmes. Jésus n'a pas demandé, n'a pas dit que non, la femme là n'a pas rien, n'a pas fait quelque chose. Parce qu'effectivement, on l'a pris en flagrant délit. La preuve était là. Mais ce n'est pas ce que Moïse a dit. Hein. Moïse n'a pas dit que si on prend un homme et une femme, on lapide la femme. Il a dit que tous les deux doivent mourir. Donc sur cette loi-là, pour respecter cette loi, il fallait que les deux soient là et qu'ils lancent la pierre. Mais maintenant, jusque-là, pour vous montrer qu'en réalité, ce n'est pas la pensée de Dieu, Jésus a élevé la loi à un niveau. La femme était adultère. Et la loi, on voit clairement qu'on doit la lapider. Plutôt, même si on la tape l'autre homme, on tue. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a montré la grâce et la miséricorde de Dieu quand bien même on commet un péché. Il a dit que parmi vous, Celui qui n'a pas commis le péché jette la première pierre. Souvenez-vous que la femme avait commis l'adultère. Souvenez-vous que la loi de Moïse dit qu'on doit la tuer. Et effectivement, on tuait les gens. Sous la loi de Moïse, avant que Jésus ne vienne, on tuait. On t'attrape, on l'appuie jusqu'à ce que vous mouriez. Mais là, Jésus voulait leur montrer quelque chose. Que l'amour de Dieu triomphe de la justice, des jugements. Vous voyez cela? C'est-à-dire que c'est à cause de ça. Sinon, si Dieu tenait compte de nos péchés, il détruisait tout le monde. Mais par amour, parce que l'amour est plus fort que le jugement qu'il a sur le péché, il a dû accepter de prendre la place, notre place en sacrifice pour nous donner l'amour, pour nous donner la vie. Alors Dieu voulait qu'on exerce la miséricorde, même si quelqu'un est fautif. C'est pour cela qu'un juge, quand il est assis en dessus pour le trône de jugement, la loi peut bien dire telle chose. Et que la personne est devant lui, il juge qu'il va acquitter la personne. Il juge qu'il va acquitter, malgré que la loi dit ces choses, il juge qu'il va exercer la miséricorde en tant qu'autorité judiciaire. Et que cette notion qu'il a prise l'a fait plus tard, ce qu'on appelle en droit jurisprudence. C'est-à-dire que quelqu'un peut être dans le même cas, il prend, considère que ce que l'autre, un juge avait fait un jour, il prononce son jugement. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà la loi de Moïse. Il dit, parmi vous, celui qui n'a pas commis un péché, jette la première pierre. Pour dire quoi? Dieu a condamné cette femme-ci pour adultère. Oui, c'est vrai. Mais parmi vous, il y a d'autres péchés aussi que vous commettez, que ce même Dieu-là aussi condamne. Autant elle est coupable dans l'adultère, peut-être autant ton monsieur est coupable dans le mensonge. Et celui qui punit l'adultère punit aussi le mensonge. Sur ce rapport, si on va avoir un enfer, vous tous irez en enfer. Donc, celui qui a commis le péché est indigne pour juger celui qui a commis le péché. Il ne doit pas juger celui qui a commis le péché. Un seul est juste et juge. Celui qui peut juger, perdre, sauver, ainsi de suite, c'est lui. Et donc, il s'est tenu donc là, jeté dans la première pierre. Que celui qui sait qu'il est indemne devant le Seigneur, jette la première pierre. Est-ce que quelqu'un a lancé la pierre là-bas? Parce que chacun était coupable. Alors la Bible dit que tous sont coupables et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont gratuitement justifiés. C'est-à-dire que tu sais que tu es coupable. Tu sais qu'on va la taper, on va taper le son. On va dire 30 ans. Vous entendez, on fait pam, pam, que vous êtes libre. Tu ouvres la tête comme ça. Tu sais que toi-même, tu sais que tu es coupable. Mais on te prononce que tu es acquitté. Comment je suis acquitté? On dit que quelqu'un a porté ton péché. Vous entendez cela? Jésus s'est tourné, il dit, femme, où sont tes accusateurs? Ne t'en-tu pas lapidé? Il dit, non, moi, non, maître. Jésus n'a pas dit, sache que tu n'as pas commis. Il dit, ok, ils ne t'ont pas condamné. Il dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. Vous avez vu? Oui. La miséricorde. C'est pour ça qu'il t'a dit que, malgré qu'on ait lu dans le livre de Matthieu, chapitre 19, il y a l'aspect de la miséricorde, du pardon, que les chrétiens doivent comprendre. Que ce n'est pas pour. Parce qu'il y a des chrétiens qui se marient, quand ils voient comme ça, quand ils voient une jeune fille dehors, ils essaient de prier dans leur cœur que la femme commet l'adultère. Pour qu'ils se séparent d'elle pour aller épouser une jeune fille. Oh non, l'amour, le pardon triomphe de cela, de ces séparations. L'amour, le pardon triomphe de la soif que même si ta femme a commis l'adultère, tu te divorces d'elle parce que la loi dit cela. C'est-à-dire que même si tu prends ta femme en flagrant délit d'adultère, tu es censé lui pardonner. Vous comprenez ce que ça dit, n'est-ce pas? Donc, en clair, en milieu chrétien, il n'y a pas de séparation en réalité. En clair, en milieu chrétien, il n'y a pas de séparation. Parce que si nous utilisons la même chose, la Bible déclare qu'on va, à notre égard, on va nous servir du même mesure qu'on aura servi. Si on se sert de la mesure du pardon, Dieu nous pardonnera autant. Maintenant, si parce que ta femme a fait telle chose, tu dis quoi, que je divorce de toi. Souvenons-nous que si Dieu aussi, si on fait un dernier péché aussi, Dieu dit qu'à cause de ce péché-ci, il aussi divorce de toi, on sera où? Vous voyez qu'on pêche chaque fois, on revient vers le Seigneur, il nous pardonne. Et la Bible déclare que si ton frère a péché contre toi sept fois le jour et qu'il revient toi sept fois, tu dois lui pardonner. Donc le pardon triomphe au-dessus de toutes ces séparations-ci. Voilà ce qu'il y en est. 1 Corinthiens 7 maintenant. Donc le problème du mariage, n'essayez pas de vouloir prêcher dans la Bible sur le mariage ou mélanger avec la tradition. C'est que vous allez avoir des problèmes. Vous allez avoir des problèmes. Parce qu'il n'y a pas de mariage tout pour ici. Non. Le mariage mondain, le mariage de Bassa, le mariage de Eondo, le mariage de Nord, le mariage du Sud. Il n'y a pas ça ici. Non. Il y a tout simplement mariage entre l'homme et la femme. Donc vous allez voir effectivement que beaucoup dans cette affaire-ci, c'est la tradition qui a créé le problème. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 7. Maintenant, on va aller vraiment doucement. Parce que c'est ici donc la résolution du problème. D'accord? Pendant que vous ouvrez 1 Corinthiens 7, dans le livre des Romains chapitre 7, qu'on a cité de la verset 1 à 4, la Bible déclare que d'après la loi, si du vivant de l'homme, la femme devient la femme d'une autre personne, elle devient adultère. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liée. Regardez bien le mot, liée à elle. D'être enceinte qu'elle ne devient pas adultère en devenant la femme d'une autre. On prend ce mariage une fois de plus pour appliquer à Christ et à nous qui sommes morts en lui. Amen. 1 Corinthiens 7, maintenant on va aller doucement. Doucement, c'est ici dans le problème. Allons-y. À partir du verset 1. Oui. À partir du verset 1, tu lis fort à l'autre. Verset 1. À partir du verset 1, j'ai dit, c'est pour ça qu'il y a 1 Corinthiens 7, c'est parce que c'est ça qu'on développe là-bas dans tout le chapitre. Allons-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Vous voyez quand même les disciples ont la même réaction, n'est-ce pas? Même l'apôtre a eu la même réaction comme l'autre, parce qu'il voit les dangers. Mm-hmm. Toutefois, pour éviter l'impudicité, oui, que chacun ait sa femme. Remarquez que c'est au singulier. On n'a pas dit que chacun ici est pour un homme. Est ses femmes. On n'a pas dit ses femmes. On a dit chacun est sa femme. Donc un homme, une femme. Donc la polygamie est bannie, est exclue. Oui. Et que chaque femme est son mari. Donc à une femme, un mari, à un homme, une femme. Mm-hmm. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit. Oui. Et que la femme agisse de même envers son mari. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de séparation de corps dans le cadre chrétien. La femme n'a pas autorité sur son propre corps. Mais c'est le mari. Oui. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Mais dans la perfection de ce que l'apôtre Paul a développé ici, c'est au milieu chrétien que ça doit se retrouver. Parce qu'ici, il a parlé aux gens, parce que c'est à cause des questionnements qu'on a envoyé à l'apôtre Paul. Il y a des problèmes qui se posaient à Corinthe. Ils étaient tranquilles dans leur vie païenne. L'apôtre Paul est venu les prêcher l'évangile, ils ont cru. Là, on commence à leur enseigner maintenant que dans cette nouvelle croyance que vous marchez là, il y a une façon de marcher. Là, maintenant, ils ont un problème de mariage. Parce qu'avant que l'apôtre Paul ne vienne, avant que l'évangile vienne là-bas, il y avait l'homme et la femme qui se mariaient. Maintenant, il y a une nouvelle façon de marcher. Il pose la question à l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit veut répondre aux questions spécifiques du mariage. Parce qu'il ne le laisse pas tout le monde que vous pouvez faire n'importe comment faire le désordre. Il veut dire, Dieu a régularisé la chose. Il dit, pour ce que vous concerne les questions que vous m'avez posées, voici ce qui est ordonné. Il dit maintenant, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que la femme rende à l'homme ce qu'il lui dit. Il n'a pas autorisé son propre corps. C'est Dieu qui a régularisé cela. Or maintenant, quand c'est un non-croyant n'est pas tenu de respecter la parole de Dieu. Parce qu'il n'est pas en harmonie avec Dieu qui a ses paroles-ci. C'est pour ça que Dieu dit, jusqu'à être sauvé, il dit, je m'en fous de toi, il fume. Il fait ça sur toi, parce qu'il n'est pas soumis à Jésus. Mais celui qui a pris Dieu comme son Dieu, et qu'il a pris la Bible comme son autorité, c'est doit de comprendre ce qu'on a dit là-bas. Je veux qu'on comprenne d'abord ça. Parce qu'ici, il dit, l'homme n'a pas autorité sur son propre corps, c'est la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est dans la réalité, dans l'univers, c'est comme ça. Mais les gens qui doivent mettre ici en pratique, on doit voir ça transcender, on doit vraiment voir ça vivre, c'est au milieu chrétien. Parce que c'est eux qui ont l'authenticité de la foi. C'est de chez eux qu'on va voir comment Dieu veut qu'on marche sur la terre. Et par conséquent, si quelqu'un est chrétien, une chrétienne doit vivre d'après elle. Mais ce qu'ils ont dit, c'est que le mondain, le païen n'est pas tenu de comprendre, de voir cela. Continue. C'est très important ce que j'ai dit parce qu'on va avancer dans ce verset-là. Verset 5. Oui. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps afin de vaquer à la prière. Vous voyez que le verset-là montre clairement qu'il s'agit des croyants. Parce que si tu as un mari non-croyant, vous ne pouvez pas vaquer à la prière ensemble. Parce qu'il dit ici, ne vous privez point l'un et l'autre. Donc, on parle ici, la femme et l'homme. Que ne vous refusez point quand vous allez ensemble. Que quelqu'un ne se soucie pas de l'une et l'autre. Mais en condition que ce soit d'un commun accord. C'est-à-dire que, chérie, c'est le moment qu'on se met en prière. Jeûnons et prions. Donc, abstenons-nous de ces choses-là. Prions. Or, si vous êtes dans un couple où vous êtes chrétien, l'autre n'est pas chrétien, je leur dis cela. Si tu es une femme, tu dis que, chérie, veuille prier ces jours. C'est-à-dire que, aux histoires d'église, je ne suis pas sur ça. Je ne suis pas venu épouser ton pasteur. Vous voyez effectivement que vous ne pouvez pas être d'un commun accord. Donc, ceci ne concerne pas un couple qui n'est pas, dont l'un des membres n'est pas croyant. Vous comprenez, n'est-ce pas? Avançons. Afin de vaquer à la prière, oui. Puis retourner ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Donc, oui, effectivement, que même si vous allez après vous rentrer, ça n'empêche pas que Satan vient et vous trompe, vous terrasse dans votre couple. Mm-hmm. Je dis cela par condescendance. Mm-hmm. Je n'en fais pas un ordre. Oui. Je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. C'est-à-dire que les hommes ne soient pas mariés. Mais chacun tient de Dieu un don particulier. Oui. L'un d'une manière, l'autre d'une autre. Donc, ça veut dire que quelqu'un est unique, et unique. Comme on a lu dans Matthieu chapitre 19, il y a les uniques qui sont dans le ventre, depuis le ventre de la mère, l'autre, le verset 11 dit cela, on n'a pas lu cela. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. Oui. Écoutez bien. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves. C'est-à-dire que ceux qui ont eu des maris et qui se marient ensuite décédés. Oui. Je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Vous entendez ça? Donc, si tu n'es pas encore marié, que tu as eu un mari, là spécifiquement c'est pour les femmes qui ont perdu leur mari. Il dit qu'il prescrit que c'est bien pour vous, pour celui qui est jeune, ne t'engage pas dans le mariage. toi qui es veuve, que tu as eu la grâce d'être coupé de l'union de mariage, ne t'engage plus de nouveau. Écoutez bien. Mais s'il manque de continence, c'est-à-dire que si ton corps, tu ne peux pas supporter, qu'il se marie. Qu'il se marie. Parce que ce n'est pas un péché. Vous voyez, si tu te maries, ce n'est pas un péché. Mais c'est parce qu'il y a des pièges là derrière. Mmh. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Voilà. À ceux qui sont mariés. C'est peut-être facile maintenant. À ceux qui sont déjà dans le mariage, n'est-ce pas? À ceux qui sont mariés. Oui. J'ordonne. Non pas moi, mais le Seigneur. Ici maintenant, c'est un commandement du Seigneur. Écoutez très attentivement. Depuis qu'il en a dit là, il dit qu'il n'en fait pas un ordre. C'est un avis qu'il en a donné. Mais ici, il élève ça en commandement. Ça veut dire que le Seigneur lui a dit que dis ceci que je vois, c'est ce que je veux. D'accord? Donc ici, donc, ce qu'il va dire, c'est un commandement. Il dit à ceux qui sont mariés. Il dit j'ordonne. Non pas moi. Mais le Seigneur. Donc, il veut dire, si c'était sur le langage prophétique, il dirait ceci. À ceux qui sont mariés, ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Pour ceux qui sont mariés, oui. Que la femme ne se sépare point de son mari. Écoutez bien, c'est quand même curieux. C'est quand même curieux. Que subitement, il commence par que la femme ne se sépare point de son mari. Vous voyez que l'Ancien Testament lui refuse le droit de se séparer. Le Nouveau Testament lui refuse le droit de se séparer. Donc le droit de séparation n'est pas donné à la femme. Si elle est séparée. Stop. Si elle est séparée. Oui. Qu'elle demeure sans se marier. Ça, vous voyez, si elle s'est séparée, elle n'a que deux alternatives. Soit elle demeure comme ça, elle reste tranquille. La deuxième condition. Ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Vous voyez, là. Il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Donc, il a dit ça, c'est aux croyants ici. N'est-ce pas? Amen. Donc, si un mari, si une femme dit, oh, mon mari dérange, il dit que je m'en vais chez mes parents. La Bible dit que tu n'as pas le droit. En tant que femme. Puis, s'il arrive que, peut-être, la lettre peut venir et que tu as fait cet état-là. Parce que la Bible peut trouver quelqu'un qui est dans cet état, qu'elle ne sait pas qu'elle n'a pas le droit de se séparer. Si elle, parce que la Bible dit que si elle est séparée, on n'a pas dit si elle se sépare. C'est ça, non? Relie encore cela. Si elle est séparée. Vous voyez, si elle est séparée. Donc, si la lettre vient te trouver et que tu es dans cet état, ça résout le problème. Donc, quand on dit, elle, j'ordonne que, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas. Donc, le principe, c'est que tu ne dois pas se séparer. Mais si la lettre vient te trouver dans cet état de séparation, il y a une résolution. Tu as deux alternatives. Soit tu demeures comme ça sans te marier, soit tu rentres chez ton mari. Ça, c'est ce qui est adressé comme commandement à la femme. Ça, c'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, écoutons bien. Et que le mari ne répudie point sa femme. Vous voyez que la répudiation, c'est entre les mains du mari. Donc, parce que la loi donne la répudiation entre les mains du mari. Donc, le Seigneur ordonne aux hommes croyants de ne point répudier leurs femmes. C'est le commandement. Ça, c'est le Nouveau Testament. Oui. Aux autres. Stop. Donc, ça commence à poser le problème maintenant. Ça commence à poser le problème. Il a fini avec les croyants. Puis, il dit aux autres. Continuons. Ce n'est pas le Seigneur. Stop. Donc, le commandement du Seigneur a clos le débat. Il n'y a pas de possibilité de séparation. Mais à qui s'adressait-il encore une fois de plus? Il veut toute votre réponse. Il s'adressait à qui? Aux chrétiens. Aux chrétiens. Parce qu'ici, l'homme chrétien est censé connaître le Seigneur. La femme chrétienne est censée connaître le Seigneur parce qu'il est le maître des deux. Puis il dit maintenant, aux autres. Ce n'est plus le Seigneur. C'est qui? C'est moi qui dis. C'est moi. Continuons. Si un frère a une femme non croyante. Donc il veut résoudre le problème maintenant où l'un est croyant, l'autre n'est pas croyant. Donc la volonté parfaite du Seigneur s'exprime dans l'Église. Et Philippiens, Éphésiens chapitre 3, nous dit ça au verset 10 que c'est au travers de l'Église que les dominations dans l'Église vont connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. C'est pour ça qu'il donne. La Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. C'est en elle qu'on doit voir comment vivre. Vous voulez un bon mariage, comment savoir comment vivre le mariage? Regardez les chrétiens. C'est comme ça que ça doit être. La vie chrétienne devrait être une Bible, les Bibles manifestées. Alors maintenant, Dieu dit, voici, il dit, ainsi dit le Seigneur. La femme, il a commencé sur la femme. Si la femme ne doit pas se séparer de son mari, et si elle est séparée, deux alternatives, soit elle demeure dans cet état, soit elle se réconcilie. Vous voyez qu'implicitement, on veut par là dire que l'homme doit attendre une réconciliation probable avec sa femme croyante qui est séparée. Où est-ce là, n'est-ce pas? Ça rend dit que, à tout moment, si elle a reçu la révélation, elle doit revenir chez son mari. Vous voyez comment Dieu a réglé les choses, n'est-ce pas? Mais, une fois de plus, ça s'adresse à qui? aux chrétiens. Maintenant, ça veut dire que ici les deux couples sont, les deux personnes sont chrétiens. Maintenant, il dit maintenant aux autres. Donc, dans les autres cas, je donne non pas le Seigneur, mais moi. Si un frère ou une soeur, un mari ou une soeur non croyant, donc ça veut dire que c'est le cas où le couple marié, l'un est croyant et l'autre n'en est pas, suivant la résolution. Déjà, même avant de commencer, pour le cas qui nous unit ici, n'est-ce pas, on peut donc poser la question directement. Dans quel cas, dans quel contexte parmi les soucis, on se retrouve là-bas pour avancer? Parce qu'il faut savoir, il faut qu'on sache, quelle formule on doit appliquer. Mm-hmm. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas, anciens? Oui. Alors, dans ce mariage, pas le second si, ce qui pose problème, où cette femme a eu la fracture, dans quel cas on se situe? C'est-à-dire, avec la Bible, avec ce qu'on a de les lire, est-ce qu'on se situe entre les croyants et le croyant, ou bien le croyant et l'incroyant? Dans quel cas on se situe? Je ne sais pas si vous comprenez ma question. Oui. Je pense que nous sommes dans le cas du croyant et du non-croyant. Je veux qu'on réponde à ça d'abord, avant qu'on avance. Mm-hmm. Donc, en science, je suis dans quel cas? Dans quel cas de figure? De figure, nous sommes dans le machin, dans le temps, la croyance. C'est-à-dire quoi? Chrétien, c'est-à-dire les choses de la Bible. Mm-hmm. Mm-hmm. Je suis bien, comprends ma question. Oui. Voici un problème qui se trouve, un cas pratique. Mm. Le cas de notre frère qui est ici, pasteur. Mm. Je suis en train de vouloir poser la question que le mariage qu'il a consommé avec sa première épouse se situe dans un cadre où les deux sont croyants, ou c'est un est croyant, un autre non pas croyant. C'est ça qu'il veut poser comme question. Bon, celle-ci est venue, on peut admettre qu'elle est croyante. On peut admettre. Oui. C'est-à-dire en quittant le village, oui. Elle peut dire qu'elle est religieuse comme luthérienne. Non, il faut qu'on se comprenne bien. Oui. Parce qu'il ne faut pas qu'on confonde la religion avec la croyance. Uh-huh. Parce que nous avons compris les croyants comme les gens qui se soumettent à la volonté des dieux. Dieu. N'est-ce pas? On est d'accord. Oui. Et Tom, tu as dit tout à l'heure ici là, que leur mariage, dès le départ, tu savais que c'était un non, vous savez que c'était un non-croyant, vous l'avez averti, et elle a dit que non, Dieu va la transformer. C'est ce qu'on a mis ici. Oui. Donc, malgré qu'elle soit partenaire de l'éthérien ou bien partisan de telle chose, elle était... incroyante. Nous sommes d'accord là-dessus. Il faut que ça, la base soit résolue avant qu'on avance, parce que nous sommes là pour résoudre un problème. Ça veut dire que la partie où l'apôtre Paul vient de dire, ainsi dit le Seigneur, je donne non pas moi, mais le Seigneur, ça ne le concerne pas. Ce n'est pas le cas de leur mariage ici. Ça veut dire que le cas de leur mariage va se retrouver dans la deuxième partie qu'on a de lire. N'est-ce pas? Avançons. Verset 12. Oui. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Oui. Si un frère a une femme non croyante, c'est son cas pas vrai? C'est son cas là maintenant. Oui. Si un frère a une femme non croyante, oui, et qu'elle consente à habiter avec lui, dont elle a consenti à habiter avec lui, oui, qu'il ne la répudie point. Point. Voilà, parce que c'est lui qui connaît la loi de Dieu. Qu'il, le frère, ne la répudie point. Il ne doit pas la chasser. Écoutez très attentivement. On est encore dans les mêmes conditions, n'est-ce pas? Oui. Continuons. Et si une femme a un mari non croyant, ça c'est une autre cas, maintenant, où c'est la femme qui est chrétienne, d'accord? Oui. Oui. Et qu'il consente à habiter avec elle, oui, qu'elle ne répudie point son mari, oui, car le mari croyant, non, oui, le mari non croyant, oui, est sanctifié par la femme, oui, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère, oui. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Donc à cause de la grâce qui coule dans la partie croyante. Ouais, cela, donc ça déjà le regard sur ses foyers également. Pour préserver les membres du foyer à cause du fait qu'il y a sa fille ou bien son fils là-bas. Vous comprenez, n'est-ce pas? Ils sont nettoyés et mis à part pour Dieu. Continuons. Verset 15. Oui. Si le non-croyant se sépare... Stop. Vous voyez que ce soit dans un mariage croyant-croyant, croyant-non-croyant, la séparation ne doit pas venir du croyant. Vous voyez? Parce que même ici, on a ce qu'on a dit. Allons-y. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare. Oui. Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Point. Rentrons là-bas. Vous avez un problème biblique, n'est-ce pas? Oui. Ça veut dire quoi concrètement? Dans le cadre de ce frère-ci, il n'avait pas le droit, d'après la Bible, il n'aura jamais le droit devant Dieu, même si sa femme fait n'importe quoi, de la chasser. Parce qu'elle est non-croyante. Ils ont déjà consenti à habiter ensemble. C'est sur la loi du consentement, le d'accord d'habiter ensemble. Dieu se tient là-bas parce que c'est la règle du mariage. Bon, maintenant, ces règles du mariage ne les lient pas en réalité devant le Seigneur. Vous voyez? Parce que quelqu'un va de tôt ou tard disgracer cette alliance. Maintenant, Dieu donc dit que l'homme, parce qu'en fait, le croyant, c'est un Dieu d'alliance. Et Dieu est rigoureux avec le principe de l'alliance. De temps en temps, si vous lisez l'Ancien Testament, vous allez voir que quand le peuple de Dieu a signé alliance, même avec le peuple païen, si le peuple de Dieu disgrace cette alliance, il frappe son peuple. Vous comprenez cela? C'est-à-dire que quand tu dis à quelqu'un que prête-moi là, je vais te redonner. Hein? Je le jure au nom de Dieu. Vous êtes deux. Quand tu as levé la main pour jurer au nom de Dieu, tu l'as pris à témoin. Si demain tu ne donnes pas, que tu sois chrétien, que tu sois du côté croyant et que l'autre est non-croyant, il prie ton Dieu là, Dieu va te punir. Parce qu'il est un Dieu d'alliance. Et donc, le mariage, donc, c'est même les alliances qu'on contracte. Et s'il dit, le non-croyant, s'il décide de partir, parce qu'il ne respecte aucun engagement, s'il décide de partir, qu'il parte, le frère ou la sœur, pour le cas de ce que c'est la femme qui sont croyants, ne sont pas liés, attachés dans ces cas-là. Donc, ça veut dire que la séparation du non-croyant libère le croyant. Vous voyez là où on se trouve, n'est-ce pas? Donc, la séparation du non-croyant. Quand le non-croyant, c'est déjà, ce que le croyant n'a pas fait comme erreur, c'est que la tension soit là, lui, il chasse. C'est ce que la Bible lui interdit. Mais si un jour, la personne qui est non-croyant, décide de prendre ses bagages pour partir, la Bible déclare que le frère n'est pas lié. Si c'est une femme qui est croyante, si son mari part, ils ne sont pas liés dans ce cas. Il n'y a pas un lien qui les lie. Donc, ça veut dire qu'elle est libre. Lui, il est libre. C'est pas ce que vous comprenez. Voilà, ça, c'est la Bible. Mais on va prendre seulement sortir de la Bible. On va voir maintenant pourquoi ça a créé scandale au milieu des vous. Et puis, on va résoudre le problème maintenant. Parce qu'il a un ordre de la part du Seigneur par rapport à son exercice. Oui. Car. Bon, c'est pas fini. Oui. Ils ne sont pas liés dans ces cas-là. Oui. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Oui. Car que sais-tu, femme? Si tu sauveras ton mari, oui. Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme. C'est pour ça qu'il dit qu'il ne faut pas le ranier. Si vous avez déjà consenti d'habiter ensemble, ne dis pas que, ok, comme ce courant, j'avais fait l'erreur, je te chasse. Non. Parce que tu ne sais pas si cette personne qui est dans ta vie, tu peux, par ta grâce, par la grâce de Dieu, il peut venir au Seigneur. Vous voyez? Et Dieu sait, vous pouvez faire 25 ans, 36 ans, c'est la 36e année qui vient au Seigneur. Vous saisissez, n'est-ce pas? Oui, continue. Seulement que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite. Oui. Selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Oui. C'est ainsi que je l'ordonne dans toutes les églises. Y compris ici, pas vrai? Amen. Donc on peut s'arrêter là-bas maintenant, on commence. Normalement, avec Samuel, ça règle le problème. Parce qu'on a vu le contexte maintenant. Mais avec la colère, le frère est dans ses droits. Le frère qui est là-bas est dans ses droits. Mais avec la colère, beaucoup de choses ont créé les pierres d'achoppement au milieu des cœurs. Si c'était arrangé de la même façon et que vous étiez à rester tranquille à prier, la chose pouvait aller tranquillement. Et vous-même, vous l'aidez à prendre maintenant une croyance. Parce que quand celle-là s'est séparée, quand elle décide de se séparer, il n'est pas lié. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce n'est pas moi qui dis, c'est les Saintes Écritures là maintenant. Vous cessez, n'est-ce pas? On comprend. Oui. Est-ce que les 15 ans du mariage... La Bible n'a pas donné... Attends. Oui. Les 15 ans du mariage, oui. Tant que la femme accouse d'une fracture, oui. De la maladie... Oui. Est-ce que la séparation peut être comme ça? Bon, je crois que... Voilà. Comme là, même elle non. Est maintenant là. Je comprends. Elle est encore malade. Non, je comprends. Oui. Nous avons tous compris. Oui. Nous avons compris que ce n'est pas la fracture qui a amené la séparation. Ce n'est pas à cause de la fracture qu'elle a été... Parce qu'il a dit dans ses propos là-bas, que même avant ces fractures là-bas, il disait qu'elle va quitter, qu'elle ne sait pas sa maison, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Non, parce que j'étais tout le temps au contrôle. Oui. Parce que lorsque la femme était bien vivante là, oui. Ils sont collés dans le salon. Ils ont collé ensemble. Très donc il n'y a pas de problème entre eux. Elle paye même des habits. Oui. Elle paye. Il n'y a pas de problème. Elle paye à son mari. Oui. Elle fait tout. Oui. Dès que le problème de la maladie est venu, c'est là alors le problème. Bon, on va faire ceci. Donc, d'après ce que tu viens de dire, c'est la maladie qui a causé la séparation. La maladie qui a causé le problème. Parce que tu es d'accord. Son était là. Ah. Il veut être clair. Avec vous tous qui avez entendu, vous avez écouté l'histoire, vous êtes d'accord avec ce que l'ancien de lui dit. Frère Robert. Donc, d'après ce qu'il dit, oui. C'est la séparation. Mmh. C'est la fracture. C'est la fracture qui a créé la séparation, ou bien la fracture a été une goutte d'eau dans cette histoire. Donc c'est ça qui a causé vraiment la séparation. C'est-à-dire que comme la fracture est venue, puisque dans son propos ici, elle a dit que son frère l'a appelé pour dire que sa maman est là, qu'est-ce que tu attends pour libérer la fille? Il faut qu'elle parte. Et il a décidé que c'est maintenant vous partez demain. Il allait chercher la voiture pour qu'il parte. Et elle a dit, je lui ai posé la question, est-ce que tu as fait une tentative pour aller là-bas pour la récupérer? Il a dit que son frère a donné la nouvelle que s'il met les pieds là-bas, on doit le taper. Nous l'avons dit qu'il aille. Oui. Avec son oncle, qu'il aille. Oui. Qui peut le taper là-bas? Mais il y a encore un frère là-bas, son oncle paternel, que mieux le pasteur. Oui. Qu'il parte là-bas, oui. Descend sur lui. Oui. Bon. Pour voir sa femme. Oui. Deuxième chose, à l'issue de ça, sa femme est quand même revenue à la maison. N'est-ce pas? Quand elle est venue à cause elle est... de ce qu'elle a vu qu'il a il s'est marié. Voilà. Maintenant, c'est là où je pose la question. Est-ce qu'elle revenait pour entrer? Parce qu'une femme normale, entrer et récupérer sa place, n'est-ce pas, frère? C'est bien. Oui. La femme est revenue, elle a appris que son mari s'est marié. Même si on s'est marié. Oui. Si nous voyons ça comme ça, là, oui. Elle n'a même pas besoin de quitter le foyer. D'écouter. Elle ne veut plus quitter le foyer, n'est-ce elle pas? Ne doit pas quitter. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit ici, que si cette femme-là venait pour prendre son foyer, connaissant les femmes, la femme va dire que je suis la première femme de cette maison, c'est à elle de quitter, celle-là quitter. Nous sommes d'accord. Et elle dit qu'elle est venue pour prendre ses choses, qu'elle reste, fait sortir mes choses. C'est-à-dire qu'elle a vu que le mari, comme ils ont discuté comme ça, là, il a pris une femme directement. Elle s'est pressée là-bas que ses matériels ne soient pas vendus. Elle est revenue pour voir. Parce que si on voit dans la lune, son oncle a dit que d'aller expressément. Oui. Ce n'est pas pour ramasser les choses. Oui. C'est pour qu'elle parte voir comment est-ce que cette femme-là est là. Et pourquoi la gendarmerie, même son oncle n'a pas intervenu dans l'optique, ni personne là-bas, dans l'optique de faire venir la femme à la maison? Et pourquoi et la gendarmerie et les plaintes qu'on a faites, tous les problèmes et même les réunions qu'on a faites, aucune des directions n'a été de faire réunir à la femme sinon, à la maison? Sinon, là, le problème ici, là, il faut que son oncle soit là. Son oncle qu'ils ont arrivé là-bas, là, doit être là. Okay. Pour nous, l'église, oui. On connaît le seul frère là. Oui. Subitement, oui. On connaît ce serait. Oui. Nous l'avons maintes fois dit que non, n'engage pas. Oui. Comme le caractère de la femme là est tel, tel là. Reste là. Oui. Dans ta voiture. Même si on entend la voix que comme elle a dit, elle va faire quoi là. Tu es prêt pour être quitte. Donc là, il a admis que, comme sa tête était. Tout à l'heure, j'ai posé la même question. Que pourquoi tu n'as pas patienté? Il a admis que, comme il était déjà déboussolé, quand ce que vous disiez, il ne comprenait pas. Maintenant qu'elle a pris une femme, quelle est la résolution? Je dis maintenant là, quelque part là, celle-ci se devant ma première fois, je suis marié en 77, formidable, ça se neuf peu. Pour la douter? Pour la douter. Neuf peu. Le problème d'un enfant, oui. Le problème c'était né, c'est en 79, C'est dans le village, oui. Jusqu'à le matin. Ça, c'est dans le monde. Oui, toi, tu n'étais pas encore croyant. Oui. Donc, bon, je suis venu ici à Garouaji travailler. J'ai rencontré la foi pentecôtiste en 85. En 85, oui. Donc, presque 5 ans. Il y avait un an à ce moment-là. Oui. 5 ans. D'abord, c'est après, alors que je cherchais. Et l'autre, là, avant que je la répudie, oui. Elle aussi, elle est partie au mariage. Tu l'avais répudié pourquoi? C'est elle qui a dit que elle, c'est le problème de la fécondation. Oui, donc parce que je suis l'enfant. C'est pas moi qui. Moi tu ne donnes pas l'enfant. Je lui dis que c'est elle qui ne donne pas. Et à cause d'infidélité, elle fait des choses. Elle couche avec les gens. Oui. Je lui dis non, je ne peux plus taire. Oui. Elle est dans le monde. Elle est partie. On a remboursé les 9 bœufs là. Oui, on m'a remboursé presque 6. Oui. Parce qu'il y a des conditions. Oui, oui. Bien, monsieur. Donc maintenant, je suis venu ici presque. 5 ans oui. Pour s'engager à marier. Oui. Étant dans le Seigneur, celle-ci aujourd'hui que je suis là. Mais Dieu m'a fait grâce de donner des enfants. Et ma première femme, c'est l'année passée que j'ai entendu qu'elle est morte. Oui. Jusqu'à elle est partie dans le mariage, elle n'a pas eu un enfant. Donc ça veut dire c'est elle qui a le problème de stérilité. Oh. Bon, c'est à cause d'infidélité aussi, elle couche avec les gens. Oui. Elle était une fille de belle figure. Donc, c'est pourquoi. Donc, comme tu es Jacob, là, tu avais un rachet. C'est pourquoi. Le frère devait nous comprendre parce que. Il ne pouvait pas supporter cette femme-là un an. Même quelques mois. Un an. Il a allé du tic au tac. Il devait quand même supporter, même s'il voulait quoi. Il devait supporter parce qu'elle était fracturée. Et tout ça là, elle est malade. Justement parce que sa maladie peut être considérée comme une trahison. Cette maladie est devenue comme cancer. Elle est là. Je ne parle pas parce que la femme là, je l'aime dans mon esprit. Mais c'est la miséricorde comme ça. Bon, maintenant le fruit s'est engagé rapidement. Et c'est ce problème là, c'est le problème des avoir engagé là-bas. Comme le conseil que nous l'avons dit, averti à votre nom. Avec toutes ces choses là, cette femme là, elle est venue aujourd'hui. Elle ne peut pas être croyante, n'engage pas. Mais il s'est engagé la mariée encore. 15 ans. Après maintenant, il vient encore sortir, bon, encore rapidement. Rapidement comme ça, sans le conseil de tenir le conseil que nous les conseillons, il n'a jamais pu à respecter ça. Bon, maintenant, si maintenant, qu'est-ce que tu veux dire? Nous, notre problème était quoi? Le frère, nous l'avons dit que comme tu as fait, tu as amené une autre femme. Il est bon d'aller arranger avec elle. Parce que même si elles reviennent, si elles reviennent, il n'y a pas de problème. Mais le murmure et les critiques que le père parle que cette église-là vraiment m'a fait ceci-là, cherche à tout prix d'aller arranger avec ces gens. Et en plus, il a dit que depuis qu'il a marié la femme-là, ça m'étonne que durant 15 ans, il n'a jamais vu son beau-père. Au village. Tu as été au village? À quel moment alors? Quand il y avait ce problème-ci? À quel moment? Donc tu l'as rencontré, le... parce que tout à l'heure, il me demandait, est-ce que tu avais vu son petit? Tu dis non, c'est entre les mains de son oncle qui est ici que tu avais vu. Oui, je l'ai pris ici. Oui. Bon, avec un temps, nous sommes allés aussi voir son papa. Ok. Ok. Bon, on sait. Il ne peut pas craindre. Il peut aussi prendre le conseil des autorités et de l'église pour arriver là-bas comment le temps. Parce que la Bible dit que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est comme un invité. C'est-à-dire, la femme a eu la fracture ici. Même eux là-bas, là, ils disent que même s'il y a un cas de mort, c'est vous, les gens de Pitbull, vous allez enterrer votre femme. Bon, maintenant, il y a eu le cas de remboursement, de restitution, qu'il a été fait de son côté. Attendez. Pas de remboursement. Il a dit fait parler de remboursement, c'est ce que moi je ne comprends pas. Le gendarme lui a dit que tu laisses la femme comme ça étant dans la maladie, fais-lui sort quand même 40 000 pour qu'elle parte prendre le soin. Écoute ce qu'il dit. Il dit celui qui c'est ce que moi j'entends du parlement. Ils ont dit que tu dois prendre le soin de la femme là. Tu dois prendre le soin d'elle. C'est ça. Tu dois donner. Et la boule que vous avez passée l'année, voilà sa part, voilà aussi sa part, comme tu as pris une autre. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire, séance finance? Qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans cette résolution-là? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire? Ils arrangeaient l'affaire ou bien ils séparaient à la meilleure? C'est-à-dire que c'est comme la femme, elle ne peut pas rester chez lui. Comme elle est venue là, elle a trouvé déjà une femme à sa place. Elle-même, elle voit qu'elle ne peut pas rester. Elle veut rentrer avec ce qu'elle avait fait. On lui donne aussi la part qu'ils ont passé l'année pour la première là. Elle part se soigner avec ça aussi. Donc là, ils sont de considérer cela, les deux parties sont de considérer là-bas comme une séparation à la mère. Oui, c'est la séparation, mais maintenant là, est-ce qu'elle est sur un autre mari? Elle est célibataire. Elle est célibataire, est-ce qu'elle est partie en mariage? C'est lui-même plus qu'il a une autre femme. S'il s'y portait aussi comme ça, elle est là-bas. Elle n'est pas sa mari. Dès qu'elle est quittée chez lui, là, elle est sur le frère. Bon, qu'est-ce que tu le conseilles maintenant en tant qu'ancien, en tant que son père spirituel? Oui. Je ne sais pas si tu te maries avec une femme non croyante. Non, ma femme est croyante. Oui. Ma si femme est croyante. Tu veux se marier avec une femme non croyante? Comment? Si quelqu'un veut se marier, un chrétien, oui. Veut se marier avec une femme croyante. Avec une femme croyante? Non croyante. Non croyante, oui. Voilà. Oui. On peut célébrer le mariage. Oui. Moi? Non, je pose la question. Est-ce qu'on peut célébrer le mariage? Oui. Religieux? Religieux, si on met les bases qu'on peut célébrer. C'est-à-dire que si les. Oui. Oui, si la femme était non croyante. Oui. Bon, à l'église. Le problème de célébration du mariage à l'église, c'est d'abord un problème d'ordre doctrinal par rapport à la Bible. Parce que vous ne verrez pas dans la Bible, c'est déjà la célébration faite dans la Bible. Mais maintenant, je pourrais plutôt poser la question autrement. Que si je suis dirigeant de l'église. Et que quelqu'un, un frère veut me présenter une personne qui est non-croyante et qui veut prendre pour épouse, qu'est-ce que je ferais? Parce qu'il va falloir que je donne mon avis là-dessus et l'avis de la Bible là-dessus, la position de la Bible. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 7 qu'on a lu là tout à l'heure, on a dit que si un frère ou une soeur a une femme non-croyante, ou bien une femme croyante, ça veut dire que la lettre le trouve qu'il est dans cet état. Vous comprenez, n'est-ce pas? On dit que s'il a, on a dit qu'on n'a pas dit s'il s'engage. Donc il ne doit pas s'engager. La loi de Dieu est claire. Parce qu'il faut qu'ils soient dans l'harmonie avec le Seigneur, ils servent de même père. Parce que quand un Corinthien, on est dit que 1 Corinthien, c'est que si la Bible, on a dit de lire la Bible et que le croyant se trouve dans un état où il est marié, un non-croyant. Parce qu'il y a des gens qui sont les deux non-croyants. À un moment donné de leur vie, une personne croit. Ils se retrouvent dans cet état-là. Parce que là, maintenant, ils se trouvent maintenant avec un non-croyant. Mais pourtant, ils ont commencé, les deux étaient non-croyants. Et d'autres cas, c'est le moment où quelqu'un était croyant, il a épousé un non-croyant sans se rendre compte que la Bible ne dit pas cela. Dans cet état. Mais maintenant, si quelqu'un est croyant et qu'il veut s'engager derrière un non-croyant ou un non-croyant, il vient vers moi. Je veux lui dire que la Bible t'interdit cela. Moi, je déclare que tous les deux ne sont pas des croyants. Qui est qui? Là, ça me pose même problème. Et là tu me permets de parler. Les deux ne sont pas croyants. Justement, ça me pose le vrai problème que j'ai dit ici tout à l'heure. Ça pose deux problèmes. Ils ont trompé l'Église. Je veux maintenant que vous, les anciens, écoutez très attentivement maintenant. Ce que votre ancien en train de parler maintenant pose problème. Parce que, un, il a déclaré ici que c'est son fils spirituel. Il a cru en ses mains. Lui-même, il a déclaré que c'était son père. C'est son père spirituel ici. Donc, ça veut dire que le père spirituel a un problème d'engendrement. Non. Parce qu'on l'a érigé au niveau du pasteur et que lui-même, il a dit que son pasteur était non-croyant. Ça pose un problème, n'est-ce pas? Oui, voilà. Alors, je t'explique. Oui. Je t'explique quelque chose. Vous me comprenez, non? Oui. Je comprends ça bien. Oui. Je t'explique pourquoi j'arrive à dire ça. Oui. Le frère est là. Oui. On œuvre ensemble. Oui. Une fille quitte du village, elle vient, elle se fait semblable de venir à l'église. Elle tourne là. Ouais. Elle fait semblable de venir à l'église. Oui. Comme on a dit. Il a envoûté notre frère ici. Elle a envoûté notre frère ici. Elle a ensorcelé. Avec ses manières de marcher là comme ça. Là. Comprenez-moi ça. Oui. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'arrive à dire ça. Mm. Tu dis que voilà, celle-ci là, je veux la marier. Oui. Et il est venu vers toi en tant que son père. Non, il ne m'a pas d'abord. Moi, c'était venu me contre moi. Mmh. Puisque si je n'étais pas quelqu'un, il allait me renforcer. Mmh. Je vois. J'ai dit, mais ce comportement-là, c'est comment? Cette fille-là est venue là comme ça, là, le frère-là, mais maintenant, là, il a trouvé sa voix-là, il va la marier. Il semble un frère lui a dit, non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Mmh. Il dit que Dieu va la changer. Il a dit que Dieu va convertir cette femme. Oui, mmh. Va la convertir. Mmh. Est-ce que vous m'expliquez ce que donc ça veut dire qu'à partir de cet instant, il savait que c'était une non-croyante. Oui, parce que. Parce que s'il dit que Dieu va la changer, ça se pense qu'elle n'était pas changée. Elle n'est pas changée. Il va changer parce que s'il prie alors. Oui. Si elle vient chez lui, mmh. Et ils vont la faire soumettre. Est-ce que l'homme doit convertir un autre homme? Non, parce que en appréciant la parole de Dieu, comme tu dis, mmh. Ce que je veux dire, que, comme on t'a dit que telle chose, tel comportement, tel, est-ce qu'on l'a trahi? Mmh. Parce que quelqu'un est venu comme ça, là, est-ce que tu as le discernement de voir qu'il est chrétien? Voilà. Si il dit, bon, si l'esprit ne t'a pas révélé quelque chose, il y a aussi le témoignage, c'est quelque chose. Justement. On doit comprendre le témoin. Mmh. Parce que nous, on ne s'engage pas comme ça. Mmh. Et finalement, ils se sont engagés. Mmh. Nous n'avons pas réussi aussi de les dire. Mmh. Et là, maintenant, c'est toi qui as célébré. Oui, c'est-à-dire qu'il y a. Oui, c'est nous. Voilà. Donc, ça veut dire que vous avez été d'accord en célébrant le mariage d'un chrétien. En les célébrant le mariage. Oui. Comme mariage chrétien. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez. On ne peut pas dire que la fille, là, elle est. Totalement non-croyante. Oui. Ceci, lui aussi, ils se sont engagés pendant 15 ans. Oui. Regarde, pendant 15 ans, ils sont ensemble. Oui. Même le bruit qu'elle faisait. Mmh. Mais nous la réponse seulement. Mmh. Que pourquoi tu agis comme ça? Mmh. Donc, ça veut dire que tu es le père spirituel même du mariage. Je suis le père spirituel. On a fait leur mariage. Mmh. Ça, c'est dit ça. Mmh. On est avec ceux qui en anglais. Mais sachant que c'était une non-croyante, vous devez, en tant que pasteur, vous n'avez pas le droit de. Pourquoi mmh. Quelqu'un a décidé, il serve comme le machin comme pasteur. Mmh. Tu as dit que celui-ci-là, j'aime. Mmh. Toi, tu dis que ton enfant dit que je veux ça. Mmh. Il vient maintenant avec les problèmes, voilà. Mmh. Toi, tu vas accepter comment? Tu ne peux pas accepter comme. Tu ne peux pas accepter parce que c'est sa volonté. Tu ne peux pas accepter. Mmh. Parce que c'est sa volonté à lui. Voilà, mmh. Sa volonté à lui. Mmh. Bon. C'est ça la meilleure chose que tu as vue. Uh-huh. Mais on ne prie pas pour que Dieu me donne même les gens de mauvaise vie. Dieu peut aussi les. Mais le jour de la célébration, on n'a pas prié Dieu pour ce mariage-là, les soumettre à Dieu et prononcer la bénédiction. C'est un travail, c'est-à-dire ça, là, tu parles comme ça, là. C'est une autre chose quand quelqu'un a mis du temps. Oui. Bon. Le mariage, c'est comment? Est-ce que le mariage n'a pas duré? Depuis l'an 2002 mmh. à l'an 2015, mmh. à l'an 2017, oui. Est-ce que le mariage n'a pas duré? Mmh. Avec les hauts et les bas, les tractations, oui, mais c'était comme là. Ils sont ensemble, ils cultivent ensemble, ils mmh. font les choses ensemble, ils vivent ensemble. C'est quand le problème est arrivé, mmh. le problème est arrivé, c'est de prendre une autre. Mmh. Nous, notre problème, pourquoi prendre une femme là, vite encore comme ça? Mais votre fils dit que depuis les 15 ans, là, il n'était jamais en paix avec celle-là. Mais avec celle avec qui il est maintenant, là, il est en paix, comme il voulait souhaiter. Je ne suis pas en train d'engendrer les gens comme ceci. Je n'engendre pas tout le monde ou quoi que ce soit. Il y a quelques jours, moi, j'ai dit que telle chose-là, est-ce que tu es en train de le faire? Il y a des fois, tu me manques. Et la chose qui se réalise, c'est ça. Je continue, je parle. Telle chose-là, est-ce que j'entends comme ça? Est-ce que la chose là est comment? Il te manque. On voit encore là, la chose marche comme ça. La Bible dit quelque part aussi qu'un enfant de Dieu se garde. Un enfant de Dieu se garde. Bon, donc dans beaucoup de choses, ce n'est pas ça. Pourquoi on a incité l'église, Ce n'est pas à cause de cette femme qui est là-bas, là, elle est là la meilleure, ou il fallait ceci, non. Notre problème est que... Il a négligé ceci dans la maladie. Tous, ils nous ont tourmenté la tête. Ils nous ont tourmenté la tête. Ok. Bon, maintenant, je pose une autre question qui est liée à ceci, avec ce que je vais lui dire par rapport à sa propre vie. Comment vous, vous êtes venu à l'appeler pasteur? Comment ce ministère pastoral lui a été attribué? Parce que tu ne sais pas dans la vraie vie, c'est quelqu'un de se lever. Dieu m'a appelé. Oui. Dieu m'a appelé. Oui. Par information. Comme au full gospel. Vous avez suivi ce que nous avons? Oui. Au full gospel, Paul, mission du plein évangile. Mais ici, dans la scène de la vraie vie de Dieu, tu t'élèves aujourd'hui. Dieu m'a appelé. Oui. Il y a des fois, même si on trouve que les anciens ne sont pas comme anciens, ce pasteur-là, on veut l'affecter. Oui. Ou bien tu as un champ de maïs, tu donnes à régional, il va t'affecter. Tu donnes un champ de maïs au régional, pasteur régional, il t'affecte une fois. Voilà. C'est ce qui se passe. Mais maintenant, une fois de plus, dans ton témoignage, tu as dit que c'est ton fils ici. Il veut que toi, tu nous donnes le témoignage de ton fils, comment ton fils lui-même est devenu pasteur alors. Parce que ça pose un problème. Le mot pasteur, ce qu'il porte, est un problème. J'ai dit, hein, tous les frères ici, là. Mes frères, vous me comprenez, non? Attends, je comprends. J'ai dit, hein, tous les frères ici, là. Quand tout le monde peut dire qu'ils ont venu, ils m'ont trouvé que c'est des encadrés. Oui. N'est-ce pas? Oui. Je suis l'ancienne de la parole. Ouais, je suis l'ancienne. La localité a commencé sur moi. Je ne suis pas un pasteur comme affecte comme dans la dénomination. Je suis resté là. Lui, il est aussi l'enfant du foulage ici. Il a cru ici. Il passe ses brunes de temps en temps quelque part. Et il n'a pas voulu l'affectation. Il se lève comme Dieu ici. En ce temps-là, vous étiez sur la vraie église de Dieu. Comme les autres, hein. En ce temps-là, elle était avec toi dans la vraie église de Dieu. Nous sommes, comme tu nous vois même maintenant, là, nous sommes dans la vraie église de Dieu. Nous sommes dans la vraie église. Mais vous êtes sorti donc comment? Étant dans la vraie église, vous êtes sorti comment? Nous les ont dit que nos frères de la vraie église de Dieu, avec vos systèmes d'organisation de ceci-là, nous ne sommes plus avec vous. Donc vous dites, nous ne sommes pas de la vraie église de Dieu, nous ne sommes plus avec vous. Mais vous proclamez encore comme étant ceux de la vraie église. Je ne comprends pas. C'est dire, nous sommes ici là. Oui. Nous t'avons dit que nous sommes dans la dénomination de la vraie église de Dieu. Maintenant, alors nous parlons là. Non. Attends. Oui. C'est ça qu'il veut comprendre. Parce qu'il faut qu'il me comprenne. À ce moment-là. Nous sommes dans la dénomination de la vraie église de Dieu. Donc, lorsque la dénomination de la vraie église de Dieu a commencé son règlement intérieur. Oui. Nous avons dit que stop. En 2016, nous ne sommes plus liés avec dans cette chose-là. Oui. Nous sommes libres pour tous les hommes de Dieu qui passent d'après la parole de Dieu et nous prêchent la parole. Donc vous êtes désengagé de. Oui, c'est ça. Donc eux maintenant ne vous reconnaissent plus comme membre de deux frères églises. Les frères, les pasteurs responsables ne viennent pas. Mais qu'est-ce qui pose problème avec leur règlement intérieur? Qu'est-ce qui pose problème pour vous séparer? Le problème intérieur. Lui, c'est que tu dis que vous avez parlé des règlements intérieurs. Qu'est-ce qui a posé problème? Pourquoi vous vous séparez? Du coup, vous décidez de vous séparer, vous tous comme ça? Nous tous comme ça. Là. Oui, de se séparer de la vraie église. Qu'est-ce que le règlement intérieur posait comme problème? Le règlement est de la vraie église de Dieu. Il faut qu'on affecte le pasteur, qu'on se centralise dans les choses. Comme si le chef dit qu'il y a tel, on doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire ceci, on doit faire ceci. Donc, il y a une antenne pilote qui corde. Publiquement dans la parole de Dieu. Oui. Ouais, donc vous êtes là-bas depuis longtemps, vous étiez là-bas longtemps, depuis vous ne savez pas ces choses, ou bien ça ne fonctionne pas comme ça, jusqu'à ce qu'ils viennent avec le règlement intérieur. Il n'y avait pas. Il n'y avait pas ça. Ok. Tout le semaine. Ok. Il n'y avait pas ça. Donc avant, ça fonctionnait normalement. Avant, oui. Oui. Normalement. Maintenant, là, ils ont vu à les secteurs, tel secteur, telle région, ils ont coupé par, région. Par les départements. Oui. Donc, il y a le chef de région, il y a le chef de secteur, il y a beaucoup. Il y a un chef, autant qu'il n'y en avait pas. Okay. Donc, avant, il y en avait pas. On veut parler de ces choses-là, après. Ok. Un cas particulier, oui. Comme le frère disait que c'est mon enfant. Oui. Et... Bah, je suis au niveau du titre de pasteur que ton enfant a, parce que vous l'appelez pasteur. Mmh. Parce que ça, quand il regarde dans l'esprit, c'est une autre chose que je vois. C'est pour ça que je suis en train de questionner ce titre pasteur que vous lui collez. Donc, ce titre pasteur que nous le connaissons, n'est-ce pas? Mmh. Je viens à te dire ça, que nous étions sous la protocole de la domination de la religion. Et c'est en ce temps-là qu'il a ouais. hérité de ça. Parce qu'il y a des anciens, il y a des pasteurs, il y a des ceci, il y a des ceci. Oui. Donc il est dans le rang qu'il serve comme pasteur. Dès le sortir avec ce grade-là, oui. il est en rang. Et nous ici, sa localité qui il a cru ici. Celui-ci aussi, ce sont des frères qui ont cru ici. Ils partent faire l'œuvre de pastoral dans les églises. Mais nous ici, comme l'église, l'église est naissante. Hein? Oui. On ne peut pas contrôler tout ce qu'ils sont en train de faire. Mmh. À moins que quand quelqu'un vient ici, dans la localité, il dit qu'il ne veut pas ici, on peut... Mmh. Mais en tant que quelqu'un qui l'a engendré, qui l'a vu grandir spirituellement, est-ce que tu reconnais en lui le ministère pastoral? Mais je n'ai pas reconnu le ministère pastoral en lui. Jamais en aucun cas. Mais pourquoi tu l'appelles donc pasteur alors? Mais le nom pasteur... On peut m'appeler parce que je vais parler. Oui, ok. C'est un ami. Nous avons grandi ensemble. Et j'ai cru. Et je lui ai aussi amené l'évangile. J'ai dit que j'ai trouvé une bonne chose. On s'est engagé ensemble. À un certain temps, il me dit qu'il a rêvé. Qu'il est en train de berger. Je lui ai dit non, Tchoubou, on vient de donner notre vie au Seigneur. Donc, soit d'abord que sauve ton âme d'abord, ne sois pas pressé. Il ne m'a pas écouté. Donc il dit qu'il est appelé. Donc, selon la tradition de la vraie église de Dieu, quand tu dis que tu es appelé, donc il y a la formation, on te récupère. Ce n'est pas qu'on te laisse avec l'assemblée, on te récupère. Oui. Donc, il est allé ailleurs alors en formation. Et comme il venait de dire à l'Agdo, il s'est formé là-bas. Donc c'est de là-bas, alors on va t'affecter. Ce n'est pas qu'un poste. Un poste, ce n'est pas que il est engendré ici, le frère lui a donné le titre de du pasteur. Du pasteur. Donc c'est ces grands qui ont octroyé cela. Qui l'ont affecté. Donc il était même affecté deux fois. Et ça n'a pas donné. Il est donc venu rester. Donc, affecté, il a refusé de partir. Il est allé, ça n'a pas allé deux fois. Oui. En ce temps, il était marié. Oui. Donc ça n'a pas allé, ça n'a pas allé. Il est revenu donc. Rester dans l'église locale. En ce temps-là, il était marié avec la femme dont on parle là. Celle qui est, qui est fracturée là. Elle est mariée le 2 novembre 2002. Ok. Elle est à la formation là-bas, tu n'étais pas encore marié. Ok. Donc le nom de pasteur, ce n'est pas nous, c'est lui. Qui s'est dit qu'il est pasteur, il est arrivé, il est pasteur. Donc personne lui a donné le nom pasteur. Ok. Il dit ceci parce que ce n'est pas son appel ici. Cet appel ce n'est pas un appel divin. Cette appellation-ci, ce n'est pas divin. C'est-à-dire que vous dites, je suis dans telle charge, mais spirituellement, ce n'est pas votre place. Ça, non, ça pose problème. Ça, c'est quelque chose que vient lui parler, même seul à seul. Parce qu'il faut qu'il lui dise exactement ce à quoi il a été appelé à faire. D'accord? Parce que quand il prie pour lui, ce n'est pas ce qu'il a regardé. Mais il y a ce problème, c'est qu'il faut que ça soit résolu. Parce que ceci... Dans le cœur de l'ancien, il y a une déception vis-à-vis de lui. C'est la déception qui cause cela et ça pousse au niveau de l'amertume. Même si elle ne pardonne pas, il y a toujours la griffe et la cicatrice là-bas. Il faut que ceci également guérisse. Parce que c'est votre frère. On ne peut pas le jeter. C'est votre frère. Les erreurs, il tente de voir ici, pendant qu'il tente de prêcher la personne, il a dit qu'il a pardonné cet adultère. Il dit, tiens, de regarder de quoi est-ce qu'il est question. Donc, quand Dieu pardonne, on ne peut pas rejeter la pierre. Personne ne peut jeter la pierre. Oui. Oui, Dieu pardonne. Dieu nous a pardonné. Personne n'est juste. Oui. Dieu, dans sa parole, la parole de Dieu nous dit, marchez dans la sainteté. Et dans la purification. Je vais faire un exemple. Comme disque, je l'ai aimé tellement dans mon esprit. Et le problème que les autres, les régionaux, veulent le faire déchirer. Mmh. J'ai dit que non. Le gars-là, pourquoi? Je l'ai tellement aimé. Et cette fois-ci, comme tu dis, je veux parler comme les gens peuvent dire qu'il y a de l'amertume parce que je lui parle beaucoup de choses. J'ai couvert beaucoup de ces choses. Jusqu'à ce que je suis en train de voir que lui, il est en train de piétiner que ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas d'abord la volonté de Dieu. Et il va saboter la chose. C'est là où je suis très, très, très, très éloigné de lui à cause de cette conversion. Mon frère, est-ce que je peux te poser une question? Est-ce que tu as eu à reconnaître que tu as blessé ton papa? Je vais l'appeler maintenant ton papa. Est-ce que tu as eu à savoir que tu l'as blessé par rapport à cette situation-là et tous les autres conseils qu'il a donné en tant que papa, un papa donnerait le conseil à son fils? Est-ce que tu reconnais de l'avoir blessé? Parce que remarquez bien que ce qui s'est passé l'autre jour, il a demandé pardon en assemblée parce que ça a fait blasphémer le nom du Seigneur en assemblée. Mais de façon individuelle, ce problème n'a pas été réglé. De façon individuelle, ça n'a pas été réglé. Donc, est-ce que tu reconnais lui avoir fait du tort, commettre du tort au point où il a eu des nuits d'insomnie, où il n'a pas eu de sommeil à cause de cette histoire? Non. Je peux vous répondre que depuis que nous sommes là, moi, c'est avec lui. Je ne savais pas que j'étais en train de faire du mal. Moi, je ne savais pas. Mais quand tu le suis parlé, tu comprends vraiment comment ça lui a fait du mal, n'est-ce pas? Oui, ce qu'il est en train de dire. Maintenant, je ressens ce qu'il est en train de dire. Oui, c'est le problème doctrinal qu'ils sont en train de faire ici maintenant. Là, il y avait ce traitement-là. À un moment, dans des retraites, ou bien ce moment-là, on a décidé de ne pas aller. Et nous, on partit. Et arrivé à quelle retraite? De retraite organisée par la vraie église? Oui. Oui. Il fait un temps, un pasteur de l'anglais est venu s'y le reprocher pourquoi ils ne sont pas allés à la retraite. En ce temps-là, ils étaient encore dans la vieille église. Oui. Ils l'ont chemin avec le pasteur ici, le pasteur dit qu'il est le mari de l'église. Oui. Et les anciens sont des femmes. Pardon? Lequel pasteur dit ça? Le pasteur de l'anglais. Oui. Il dit qu'il est le mari de l'église. Est-ce que l'anglais qui commande ici? Oui. C'est l'anglais qui commande la zone ici? Oui. Ok. Donc il dit qu'il est le mari de l'église. Oui. Et les anciens, ce sont les femmes. Wonderful. Et ils ont commencé à chamailler à ce niveau. Oui. Ils ont cessé de collaborer maintenant avec ce groupe-là. Et nous, on continuait. Ils ont vu comme ça, là, ça a amené des problèmes à ce niveau, moi-même qui était là. J'étais au milieu. Oui. Je ne prêchais pas, je ne présidais pas, je ne faisais rien. Je ne sais pas si là, alors, sur ce milieu-là, je ne sais pas. Je suis là, j'ai fait presque 2 à 3 mois. Un jour, le frère ici, ils ont eu le voyage, et le frère là est resté, le frère Ayusha. Maintenant, en quittant maintenant d'ici, il dit qu'il y a une réunion des responsables. On dit que c'est à 9h. Et c'est chez Robert. Je suis allé. Il dit que la réunion, ça va. Maintenant, subitement, quand il est parti, c'est Robert qui prend maintenant la tête. J'ai dit à ce frère, quand j'ai un problème, je veux résoudre mon problème avec le frère Paloma, avec le frère Lamoué. Lui, il vient de croire. C'est nous qui lui avons prêché l'évangile. Il est au plein évangile. Oui. Et il vient de croire. Et il prend dans la tête. Moi, je lui dis face à face que si j'ai un problème, je vais arriver avec le frère Paloma. Parce que c'est avec eux, avec le papa et Jacob, que nous sommes venus trouver ensemble. Lui vient de voir. Et sinon, nous sommes ensemble avec le frère, l'âme comme il vient de dire. Et voilà notre frère. On a pris ensemble. Et s'il y a un problème, c'est avec eux. Il dit que pourquoi? Et c'est là où le frottement a été commencé. Oui. Il dit qu'il peut me naître. Sinon, je serai quand même au moins son petit frère. Et c'est là où les problèmes sont engendrés. Là maintenant, le point est resté. Nous ne sommes plus dans ce cadre de mariage ou bien nous venons toujours à cette manière. Oui, on va y revenir. D'accord. Là, donc ça veut dire qu'en dehors du mariage, problème de mariage, il y avait un problème sous-jacent entre, entre les différents groupes. Ce qui suit maintenant, là, c'est que vous m'avez posé la question, comme je lui fais mal là. C'est ça qui vient. Donc ça veut dire qu'en dehors, donc tu penses que le problème n'est pas le développement qu'il y a dans le cœur, les griffes qu'il y a dans le cœur, ce n'est pas seulement le problème de mariage et le fait que. Ça. Donc il y avait un autre problème caché. Oui. Dont le problème du mariage est venu amplifier. Oui. Ok. Parce que si ce qui concerne le mariage, ils disent que Dieu réprime la femme à cause de la blessure là. Oui, voilà, voilà la conclusion là-bas. Les autres disent que je l'ai réprimée à cause parce qu'elle ne donne pas des enfants. Oui. Il y a déjà deux cas. Donc il y a différents camps qui disent les choses concernant la répudiation. Il y a déjà deux cas. Mais est-ce qu'en réalité tu l'as répudiée? Non. Voilà. Parce qu'elle-même, elle décide qu'elle va sortir. Et j'ai maintenant compris, quand elle est allée amener la poussière, elle a tombé sur son enfant là. Oui. Là, j'ai essayé de laver mes mains. Oui. C'est arrivé là à ce niveau qui m'a blessé aussi dans la queue. Que je ne peux pas prendre aussi la forme de trouille. Et ici, dans le mur, ça me permet aussi. Et c'est là où c'est venu. Et sinon, il y a deux cas qui sont en train de citer maintenant. Oui. Et ça fait trois au niveau de la doctrine. Oui. Moi, j'ai fait le hangar à la maison. Bon, en lisant, tout à l'heure, en lisant la doctrine, en expliquant, tu te retrouves dans quel cas? Tout à l'heure, quand on lisait la Bible, tu t'es retrouvé où? Avec ta situation de ces séparations-ci. Bon, dans les déclarations. Non, je suis bien. Oui. Il dit pas pour eux maintenant. Il dit ce qu'on a fait ici. Tout à l'heure, nous sommes entrés dans les Écritures. Oui. On a lu. À l'issue de la lecture de l'Écriture, tu vois que tu te trouves dans quelle position? Ah, je me suis trouvé dans le cadre de prendre une prière. Oui. Et tu as vu donc que Dieu te reproche quelque chose ou bien que tu es fautif, oui ou non? D'avoir prié un peu. Voici niveau. Oui. Bon, j'avais dit au commencement. Oui. Il dit que ce qu'il décide, oui. Il peut me décider contre moi. Oui. Et c'est pour mon bien. Oui. Je n'ai pas refusé leur décision. Mais pour eux, ils veulent que je descende, aller ramener ce qui est déjà parti. Est-ce que c'est normal? Moi, je dis, moi, ça n'entre pas dans ma tête. Jamais. Parce que 15 ans de trouble dans mon esprit, servir Dieu même, c'est tout un. Mais tout à l'heure, il a dit pendant les 15 ans, cette attachée d'avis, vous étiez bien collé. C'est ce qu'il a dit. Eux-mêmes, ils disent que quand ils partent reprocher, la femme les refoule. Et ils disent que c'est bien. C'est moi, je ne comprends pas ça. Voilà, c'est entre nous avec la femme. Je ne suis jamais allé reprocher la femme. Là. Attends. La femme là, quand il disait que son frère, le grand frère, il n'a pas entendu mot, ça me fait mal. On a relevé le corps samedi. La femme, samedi, elles sont parties du canal. Le reproche a été que nous, on l'avait reproché. On dit pourquoi? Pourquoi? La femme était là. C'est après, alors, elle a dit à son oncle paternel, elle dit que c'est lorsqu'ils sont mariés. Il a dit que comme ils ont le dette, qu'elle parte au marché avec le canari. Pour résoudre le problème parce que demain les gens vont baisser. Elle partir chercher l'argent pour pouvoir résoudre le problème que son mari a donné le passé là, lui a donné l'ordre. Oui. Bon, pour nous les autres, on disait que pourquoi. Donc la femme dit que c'est plutôt lui qui a donné l'ordre. Est-ce que c'est toi qui lui a donné l'ordre d'aller au marché pour avoir le canari? Parce que tout à l'heure, il a dit que. Elle n'est pas là. Non, non, puisqu'il a dit tout à l'heure dans son argumentation, sans que vous ne soyez. C'est le mari qui lui a donné l'ordre. Oui. C'est là, alors qu'on va reprocher. C'est lui qui dit qu'on sort, le corps de ton beau, toi dans la salle. Tu es au marché. Et tu pars brûler ton machin pour amener ça. Dimanche, au marché. Pourquoi? Elle était là. Elle ne voulait pas aussi dénoncer son mari. Donc finalement, frère, c'est toi qui avais donné l'ordre à ton mari, à ta femme d'aller chercher l'argent. Lui, même s'il dit que non, oui. Comme elle n'est pas là, on ne va pas savoir. Donc c'est là alors le problème qui me fait mal. Il me pousse beaucoup dans les erreurs. Il me pousse beaucoup dans les erreurs. Le frère veut parler, oui. La femme d'avant avait reproché à l'église ici. Oui. On était allé dans le bâtiment là, dans la cassette. Oui. On avait reproché la femme là. Le frère disait que bon, ils ont fait 3 mois. Oui. Sans lui conjuguer. Ils étaient séparés. Ah, c'était 3 mois, il y a 3 mois. On a reproché la femme là ici. Elle a même pas parlé. Elle a même pas dit même un mot. Oui. Elle est restée. Elle nous a cru comme nous sommes. Des bêtes. Non, elle n'a pas parlé. Elle est rentrée contre la même chose. Elle n'est jamais venue à l'église. À un moment, elle a commencé à venir à l'église. Oui. Souriant avec nous. Je lui ai posé des questions. C'est tout. Et si ça va à la maison? Ça va. Oui, ça va, ça va. C'est lui qui a dit ça va à ce moment-là. À ce moment-là, ça allait. On est parti au travail de l'église. La femme était là. Comme elle n'a jamais été. Elle est partie à l'église. Travail. On dit que parce que ça va maintenant, il dit que ça va, ça va. Il faut qu'on la réprouve. Elle est trop tortue. Mais qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit que je ne veux pas me mêler dans ces affaires. Il m'a mis beaucoup dans les erreurs. Je n'aime pas. Mon esprit n'aime pas les erreurs. Ça. Il y a des choses que j'attends. Je parle de ce que je sans la chose là. Il y a des fois on découvre que la chose est telle. La chose est telle. C'est là que je dis que je ne connais pas. Parce que c'est comme si on te tournait seulement en rond. Maintenant, moi, je vais poser la question à l'ancien maintenant et à vous autres qui avez pris la question dans cet état-ci. Sur quelle base de l'écriture maintenant vous pouvez le condamner? Bibliquement parle. Bon, bibliquement, oui. Le frère, nous l'avons pardonné dans notre esprit. Mais nous, nous voulons que, à tout prix, oui. qu'il, Moïse, même s'il ne retient pas, s'il ne ramène pas la femme. Oui. Son papa, le chef là, ça dit, était tellement énervé. Ce que ça a passé. Parce qu'il a répété le nom de l'église. Oui, le nom de l'église. Donc il met l'église depuis toi. Comment vous avez fait ce jour? Mais ceux de là-bas là, disent que même cette qualité-là, si c'est à l'extrême nord, comme vers Ayarwala, il devrait mériter la mission. Oui. Parce que la femme était malade, il ne peut pas l'abandonner d'abord comme ça. Il devait au moins finir avant de faire quelque chose. Supporter, même si elle veut dire qu'elle ne veut plus rester chez lui, il est libre de prendre. Nous-mêmes, on devrait dire que d'accord. Mais étant là, laissé comme ça, là, ce n'était pas bon. À l'heure où on parle là, la blessure est finie. Ce n'est pas fini. On cherche maintenant à aller encore là opérer. De tous les temps, à un certain temps, on l'avait collecté quelque chose. Mais comment lui, il veut dire qu'il ne peut plus écouter ce conseil et il vient seulement pour son rang avec la fille qu'il a pris, que nous-mêmes, on ne sait que quelle fille qu'il a amenée. Ça c'est dit quoi. Bon, la question que je pose maintenant, c'est que bibliquement parlant, c'est-à-dire qu'avec la Bible, qu'est-ce que vous lui reprochez avec la Bible? C'est-à-dire que dans cet état-ci, où est-ce que la Bible l'accuse? Bon, pour l'accusation de les églises, de la Bible a été, on a lu. Pour nous aussi, l'église, comme on a vu, que vraiment un frère, de la même manière, ne doit pas agir de cette manière. Son comportement. Condamne ou qu'on ne le condamne pas, comme il a agi de cette manière. Mais coûte à coûte, si la femme ne revient pas, même si elle revient, s'il peut rester polygamé. Nous l'acceptons toujours. Mais tant que c'est son comportement, c'est son comportement du fait qu'il a abandonné la femme avec la blessure. Tu comprends bien. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il règle ses problèmes. Il règle ses problèmes. S'il va l'aider, si elle veut, si elle dit qu'elle ne revient pas, une maman, il vient. Il peut rester, il écoute la parole de Dieu. Voilà. Il n'y a pas un problème. Pour que le propre soit enlevé sur le nom de l'église. Frère, tu entends ceci, n'est-ce pas? Il y a une chose par exemple, pour que vous puissiez parler. Parce que c'était là, n'est-ce pas? Tu sais que c'est un conflit. Si tel n'est pas le cas, ce conflit ne va pas finir. Ça ne doit pas finir. Donc il faut qu'il restaure cette affaire. Essaye de voir la grâce femme qui s'est levée l'autre jour là. Oui. Donc c'est ça. On peut dire que c'est sa fille. C'est sa fille qui l'avait trouvée. Son mari qui était là. Parce que eux. Ce qu'ils disent, c'est que chaque fois nous sommes ensemble, ils disent que vraiment ce qu'ils veulent maintenant. C'est qu'ils résolvent le problème. Ce qu'ils veulent maintenant, là, qu'ils résolvent, qu'ils aient la paix. Oui, qu'il y a la paix. Avec ceux du village et eux-mêmes. C'est la voie de la résolution là-bas. Sinon, par exemple, si le frère vient maintenant avec sa femme qui vient d'épouser ici, il n'y aura pas là. Donc, et c'est là on va sortir avec la résolution. Parce que, effectivement, c'est la voie de la solution ici. Donc, parce qu'il y a eu négligence et abandon de sa part. Parce que la Bible déclare que même si quelqu'un a abandonné la crainte du Tout-Puissant, il doit être quand même secouru quand il tomberait même dans le péché. Même s'il vient dans le péché. C'est-à-dire que même si tu es ton ennemi, la Bible déclare que si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est-à-dire que même si ton ennemi, tu vois qu'il venait te tuer, il tombe là. Tu dois quand même l'avoir là. Le secourir. Donc, ça veut dire qu'ici, le frère ne s'est pas bien comporté. Il aurait même dû justement soigner le pied, que le pied veut maintenant, si la femme veut partir, et part comme elle est partie. Parce que là-bas, maintenant, elle peut se cacher derrière ce truc-là pour dire que c'est à cause du fait qu'elle n'a pas d'enfant, à cause du fait qu'elle a cassé le pied, qu'il a profité pour prendre une autre femme. Et là, elle aura raison. Alors que malgré cela, c'est elle qui s'est engagée à partir. Donc, le frère doit s'engager. Et là, maintenant, vous devez l'aider dans cette procédure-ci. Parce que tu as dit que c'est vous qui avez célébré le mariage. Vous connaissez l'oncle qui est ici. Vous devez engager dans la procédure avec lui pour que vous allez en délégation parce qu'il ne doit pas aller seul cette fois-ci. On se comprend, n'est-ce pas? Frère, vous devez l'aider ici, c'est votre frère. Pour que vous allez où voyez ce qu'il faut faire, vous allez voir même le papa du village, que c'est un chef du village. Vous le voyez d'abord pour lui donner un cadeau, pour lui demander pardon. Pour lui d'abord, d'avoir fait ces choses-là, vous demandez un nom. Comme tu es le porte-parole, pour qu'il ne parle pas, que tu sois comme son père, où tu l'amènes là-bas, où tu demandes pardon, parce que les enfants sont têtus de cette façon-ci, tu es venu pour demander pardon. et puis qu'il voit maintenant du côté de sa femme comment il va prendre soin jusqu'à ce que la blessure guérisse, que ce soit sous sa responsabilité. Parce que quand elle avait pris la femme n'avait pas de blessure. Quand elle a pris la femme n'avait pas de fracture. Il a eu la fracture étant dans sa maison. Dans sa maison. Donc il se doit de résoudre le problème. C'est là-bas qu'il a été fautif. On se comprend, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà. Donc mon frère, tu t'engages donc. Voilà. Donc frère, c'est là il faut résoudre ce problème. Si tu comprends un peu cela. Oui, je vous comprends. Je vais parler là-dessus. Oui. On a cette affaire, je ne l'ai pas refoulée parce qu'elle a eu une fracture. Non, non, on a compris cela. On a compris. On a dit. Comprenez-moi. Oui, il dit sur cet aspect-là. Je suis en train de dire que personne n'accuse, même s'il y a les langues qui se disent. Dans cette affaire, il n'est pas dit que nous ne sommes pas d'accuser que tu l'as mis parce qu'il a les fractures. Mais nous sommes de vouloir qu'on comprenne que même normalement au milieu des hommes, c'est chez toi qu'elle a eu le problème. C'est comme si à cet accident, elle était morte. C'est qu'on n'aurait pas dit qu'elle n'était pas ta femme ou vous avez le problème. On va dire que ta femme a fait l'accident et on devait enterrer chez toi. Tu comprends, n'est-ce pas? Donc cet accident, si elle avait fui ta maison et qu'elle était allée dans son village, voilà. Avant que là-bas elle ait eu l'accident, tu veux dire, ok, elle a quitté mon foyer. Mais elle était sortie de la maison. Ces effets sont là-bas. Donc elle était censée aller au marché, rentrer à la maison. Donc c'est sous ton toit qu'elle a eu ces problèmes-là. Donc c'est sur le fait qu'elle soit ta femme encore avant qu'elle ait ces choses-là qu'on dit que tu dois prendre soin. On ne dit pas que tu l'as répudié à cause de cela, d'accord? C'est là où on a de parler de la résolution. Oui. J'ai compris ce que vous avez dit. Il dit que j'ai un problème. Oui. Quand il a mis des fractures, il a parlé. Il dit que ce que tu fais dans le Seigneur qui n'est pas normal, ça là, il faut que tu te repentes de ce que tu es en train de faire. Je vous disais qu'elle allait chercher des remèdes. Le marabout, oui. Elle me dit franchement que dans l'église là-bas, tu n'as pas de péché. Les sorciers qui sont au milieu de vous là, est-ce qu'ils sont repentis? Il demande qu'au milieu de l'église, ici, il y a les sorciers. Oui, c'est comme elle. Et doucement, le pasteur dit qu'il partait prendre les remèdes pour venir mettre ici, oui. Elle dit c'est qu'on a mangé son enfant. Il dit que, est-ce que ces gens sont repentis? Pourquoi je dois poser de cette question? Mais là maintenant, en tant que maman, est-ce que tu n'as pas accusé, tu ne m'as pas demandé que qui est-ce que tu appelles sorcier au milieu de l'église? Parce qu'il a mis le poids avec le foyer de frère. Oui. Là où il pourra assumer. Oui. Seulement, voilà mon frère, non, c'est avec mon frère, on a parlé de ce problème-là ici, non. Donc frère Chauvet, on veut tout juste répondre. Il faut le prendre. Parce que regarde, suis frère. C'est qu'on est en train de dire là maintenant. Quelque chose que tu vas dire maintenant, on va finir d'écouter cela, on va d'abord revenir ici. Parce que le problème c'est ici, c'est que les cœurs sont blessés du fait de l'abandon. Ici, c'est l'abandon, le problème de l'abandon. Oui. Donc il faut que tu prennes tes responsabilités vis-à-vis de sa guérison. C'est seulement ça. Quand tu prends la responsabilité vis-à-vis de sa guérison, le problème est réglé. Donc, monsieur explique n'importe quoi, c'est ça. C'est ça, la responsabilité. Donc, devant Dieu maintenant et devant toute l'assemblée ici, nous voudrions que tu prennes l'engagement, que tu vas prendre ceci maintenant comme ton problème, pour que son problème soit résolu. Non seulement un pardon vis-à-vis de sa famille, parce que même s'il fait n'importe comment, tu as quand même vécu avec la fille là pendant 15 ans. Et si c'est dans le droit que tu mets, même il y a une restitution, une dédommage, même dans le droit pénal, quand on le fait, une dédommage, tu dois payer une dédommage. Donc maintenant, ce qu'on a de vouloir dire, c'est que pour que l'opprobre soit enlevé au-dessus des noms, et que demain, les gens se regardent et se saluent, et s'embrassent comme des frères, il faut que tu prennes soin de sa guérison, à sa guérison. Parce que si elle meurt là-bas avec la malédiction sur le cœur, ça va tout atteindre. Avec raison. Dans la même, maintenant qu'on dit qu'on va la ramener, tant que malade laquelle vient de l'église. Justement. Et c'est pourquoi nous, l'église, quand on est dit que les autres frères sont en train de dire qu'on est en train de faire mal aux frères. Pourtant, nous voulons qu'il aille vraiment rapécher le problème là-bas. Justement. Tant qu'il a déjà cette fille-là ici, bon, il n'y a pas de problème. Justement. Bon, lui, il commence à déterrer les choses, c'est ça alors le problème. Chaque fois, le trouble des choses comme ça. Quand elle. On a dit qu'elle a amené le remède. Est-ce que la femme l'a amené le remède sur toi? Tu es le pasteur. Tu entends que ta femme part chez le maraboutage. Tu es d'accord avec le maraboutage. Parce qu'elle t'amène les choses sur le maraboutage à la maison. Je ne crois pas. Bon, la femme, comment tu l'as laissé libre? La maison t'appartient. La responsabilité t'appartient. De quelle chose là est-ce que tu as? Il ne dit pas. C'est maintenant là. Est-ce que nous sommes sûrs qu'elle est partie ramasser? Ça, c'est le coutume. Comme dans le coutume là, on dit que ton enfant meurt, pour que tu conçois encore une autre là, il faut prendre la terre de là et pour encore Ouais, quand c'est maintenant, je traite avec les choses de la Bible, ça ne marche pas. Mais de toute façon, toutes ces choses, c'était pour parler. Il faut qu'on reste au niveau de la résolution. Ah, la résolution. Mmh. Notre résolution qui est... Il a compris maintenant. Qu'il peut, qu'il voilà. aille là-bas. Oui. Prend soin de là-bas. Il ne doit pas aller seul. Il va falloir que vous l'accompagniez. Vous êtes ses parents. Oui, vous l'accompagnez. Parce que aussi, vous aussi, vous avez votre rôle à jouer. Oui. Il y a le rôle à jouer. Je suis d'accord avec le père là. Oui. Non, mais suis-moi attentivement. Parce que lorsqu'on parle de l'église de Pitois, ce n'est pas lui qu'on voit. Lorsqu'on dit que c'est comme ça qu'on se comporte dans cette église de Pitois, c'est vous qu'on voit. C'est nous. Donc vous devez aller là-bas pour enlever aussi l'opprobre sur votre nom. Que si vous êtes resté calme comme ça, parce qu'il était question que vous preniez le temps pour conseiller votre fils, afin que vous voyez, pour venir, pour demander pardon pour toutes les choses qu'on a dû faire en votre nom. Vous ne partez pas là-bas pour discuter, mais pour venir demander pardon. Parce que le pardon, la Bible déclare, ce pardon-là couvre une multitude de péchés. Mm-hmm. On n'est pas là pour dire que nous, on avait raison ici, vous aviez tort ici. Parce que vous allez comme ça va encore créer le conflit. Vous partez seulement, en tant que papa, pour qu'il vous reçoive, pour dire, ok, on a pris ce temps-ci pour attendre que les tensions baissent. Pour qu'on vienne vous voir maintenant en fin de compte pour demander pardon. On sait qu'on vous a fait beaucoup murmurer. Il y a des choses qu'on a dû faire en tant que faute. Vous prenez la responsabilité de ces fautes-là. Vous êtes venu pour le pardon. Ça va se pardonner et ça sera... Ça sera clair. Ça sera clair. Parce que, de cette manière-là, oui. S'il a dit, s'il va faire quelque chose, s'il a le cœur de dire que là-bas, là, il va demander, il va être quitte de demander pardon. Pardon, bon, ça va régler. Là-bas, C'est facile. Donc, frère, voilà la sortie de la, voilà la solution pour la sortie de crise. Et je crois que lorsque je vais à Douala, comme je vais à Douala, s'il faut une aide financière, on va vous expliquer, s'il y a une aide financière à apporter, on va vous expédier l'aide financière au travail du frère. Il va vous remettre pour que vous fassiez ces choses-ci avec. D'accord? Il dit que s'il faut une aide financière, s'il faut contribuer financièrement, comme je vais à Douala, on va expédier de l'argent à ces frères-ci qui se chargera de vous donner un même propre pour que vous achetez le nécessaire pour aller là-bas. Ou bien c'est pour l'hôpital, ou bien c'est pourquoi, pour que ces problèmes soient résolus. C'est normal. Si ça vient là, il y a possibilité que son père, et même pour que même le déplacement, ça demande même presque 10 000. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Il y a pas de problème. Le déplacement, c'est 10 000. Je parle pour résoudre, le problème, parce que c'est une fracture. Le problème de là, comme ça. Là. Oui, il faut que ces problèmes soient résolus. Donc il faut qu'ils prennent l'engagement. C'est pour ça qu'il dit qu'on doit devoir, nous tous, on doit devoir le soutenir. Pour que s'il faut amener cette femme-là à l'hôpital, on l'amène à l'hôpital, on paye les soins dont il est nécessaire pour pouvoir la soigner. C'est pour ça que je lui dis, à Douala, on va envoyer notre contribution pour ces problèmes-ci. Mais il faut qu'il prenne l'engagement de prendre les devants. Parce que personne ne prendra pas le devant pour lui. C'est comme ça. D'accord, mon frère. C'est là, nous, notre problème. Et les autres frères, là, ne comprennent pas les problèmes qui est dans le monde. Oui, mon frère, mon frère. Laissez-moi qui répondre à moi. Non, donc, le frère veut parler. Oui, c'est possible. Oui. Ça va? Donc, ici, j'ai besoin de parler. C'est juste parce que depuis que je suis là, j'ai subi ce problème. Donc, fois que je suis arrivé en retard. Toutefois, dans tout ce qui est déjà dit, j'ai constaté que au milieu des anciens ou dans le cœur des anciens, il y a encore quelque chose qui soit caché, qui les mine par rapport à cette affaire. Mais pourquoi? Parce que si aujourd'hui ils en parlent beaucoup du problème du frère, je souligne d'abord que ils ont dans le cœur que le frère n'obéit pas à les ordres. Aux ordres de Dieu et plus aux ordres de l'Église. Pourquoi? Parce que déjà, il est nommé un homme de Dieu, il est nommé quelqu'un qui présente d'abord le modèle. Et soyez le modèle pour les fidèles quand même ça. Alors, toutefois, quand il le voit manifester ses manières de faire, ce ne sont pas les bonnes manières de faire. Une fois critiqué, deux fois critiqué, on a trouvé que ça a mené une vie. Si la chose s'est encore répétée par rapport à son mariage, là, ils disent d'abord qu'ils n'ont pas été, pour un premier temps, d'accord du premier. Oui, de son engagement par rapport à cette fille, parce que cette fille n'a pas mené devant tous ses enfants de Dieu une vie chrétienne comme ça. Mais le frère a forcé au point de prendre cette fille pour femme. Je crois que femme, c'est femme. Mais toutefois, quelle est la volonté de Dieu? Bonne question. Bon, voilà que quand Samson s'était engagé, mais Samson était aussi avec ses frères, avec ses parents, et comme nous aujourd'hui, quoi qu'il s'était engagé, c'était dans la désobéissance. Mais ça a fini par peser sur Samson. Les yeux de Samson étaient brûlés. Pour une femme, Samson était aussi fini. Mais lui, voilà la chance qu'il a encore pour une deuxième femme. Je sais pour moi que si les anciens sont blessés, c'est par rapport à cette vie que lui est en train de mener. Sans soumission, il décide sans considération des conseils, il décide seul, il fait entrer. Mais qu'est-ce que Dieu, selon que nous avons eu comme enseignement ici, où se tient-il pour prouver que lui, il est cet homme de vérité? Voilà. Voilà, moi je vois que si les anciens sont en train de toucher autre point, c'est juste parce que ils n'ont pas trouvé une solution. Voilà que le problème, c'est comme si c'est en train de s'élargir. Pourtant, c'est spécifique. Voilà, le noyau est là. Ici, dans la Bible, quand un défaut a été commis, l'adultère, ces apôtres ont sanctionné, ils ont mis à l'écart ceux-là. Moi, je sais pour moi qu'ils sont dans l'esprit, qu'ils ont mis le frère à côté parce qu'il a mal agi. Voilà, si j'ai à dire, j'ai dit qu'il faut traiter et voir à ce point-là. Donc, de façon spécifique, le problème de mariage de cette femme qui a la fracture, en dehors d'observer ces points-là, tu as de vouloir dire qu'il y a d'autres problèmes sous-jacents qu'il va falloir traiter aussi ou quoi. Voilà. Et ça décrit un problème d'indiscipline de sa part. Voilà. Parce que ça présente une figure qu'il faut donc imiter ou ne pas imiter. Donc ça veut dire quel est le modèle qui réplique sur les fidèles. Voilà. S'ils sont touchés, moi je vois que c'est par rapport à ça parce que je suis l'un des membres. Oui. Quoique je ne suis pas ici. Voilà sur quoi moi je sais un peu de parler. Amen. Mon frère, le pot de fleurs de la résolution est positionné. Qu'est-ce que tu en dis? Par rapport au processus de finalisation de ce problème. Pour faire taire toute chose. Maintenant que ça c'est le problème du mariage. Maintenant, s'il y a des problèmes de que je parlais de pastoral, de doctrinal et autres, de séparation avec l'église, les frères l'église, c'est tout autre chapitre là. Donc, qu'est-ce que tu en dis par rapport à la façon de résoudre ce problème-ci? En fait, c'est même l'unique façon, c'est la solution de sortie. Et vous renvoyez à demain au fur et à mesure, ça va se multiplier. Ça va se multiplier tôt ou tard. Et tôt ou tard, en tant que chrétien, vous serez face à face à votre situation. Donc, il faudrait me désamorcer maintenant. Oui, je ne refuse pas selon ce que les responsables disent. Je ne refuse pas. Tout ce qu'on venait de dire, j'ai dit d'abord au commencement, tout ce qu'ils vont dire, c'est pour mon bien. Tout ce qu'ils vont décider, c'est toujours c'est pour mon bien. Bon, la résolution est exprimée ici qu'il faut qu'on puisse faire quelque chose pour aller temporiser l'affaire. Pour résoudre le problème, parce que ça va se résoudre. Je ne peux pas dire autre chose que ceci. Amen. Parce que moi-même, quand elle partait, le papa décidait que je dois l'argent, je pouvais donner 10 000, je pouvais donner 20 000, mais j'ai décidé à mon esprit de compter 40 000 et de donner. C'est toujours participer à ces problèmes. Et là, quand elle est allée, avant qu'elle parte, dès que son papa est chef, quand elle va arriver, le problème sera résolu. Dès qu'elle est arrivée, elle commence encore à m'appeler, il faut que je lui envoie l'argent. Je dis que ton père est déjà mort. Là, je lui ai répondu de façon comme ça. Là, depuis ce jour, je n'ai plus envoyé 5 francs. Mais sous la coupe de la colère aussi. Oui. Voilà. Donc maintenant, nous sommes là pour maintenant pour résoudre le problème, pour que le problème soit enlevé et dans ta vie, et entre vous, en tant que dirigeant, et dans la vie de l'Église, et que le problème soit une fois de plus, une fois pour toutes coupé. Une chose comme qu'est-ce qui, entre nous, entre nous, comme le frère Bastère parle clair, qu'est-ce qui nous a montré la solution? Lorsqu'il a amené la deuxième fille, qu'on avait dit que tu ne l'as pas amené là. Quand on a entendu, on a dit que Chobé a fait telle chose comme ça là, il est sûr. C'est-à-dire qu'il est sanctionné. Il n'a même pas respecté ça. Même pas. Mais maintenant, il a dit à plusieurs reprises que quel que soit ce qu'on décide ici, il le fera. Donc, lui aussi, il est pour la résolution. C'est pas, c'est la pensée qui est ici, non? Parce qu'il est conscient maintenant qu'il a dû désobéir, il a fait du mal, ainsi de suite. Donc, il est pour la résolution. Donc, maintenant, ça veut dire qu'en assemblée, normalement, on ne devait même pas lui demander son avis. Puisqu'il a dit que ce qu'on décide, il l'applique. Bon. Donc, il faut qu'on décide solennellement ce qu'on doit faire par rapport à cela. Et on l'informe, on va décider, il entend là. Bon, pour le moment, oui. Nous avons pris notre décision à de ce qu'on a dit là. Ce qu'on a résolu. Est-ce que presque un an, oui. Le samedi, quand il est venu ici. Oui. C'est quand il est venu. C'est le Seigneur qui l'a attiré afin que ça soit résolu. Mais est-ce qu'on veut parler quoi de quoi plus que ça? Voilà. Pour notre problème, c'est qu'il parte finir avec les cicatrices de là-bas. Voilà. Donc, c'est la décision est prise, n'est-ce pas? En assemblée, c'est prise, non? Rester, écouter sa parole sans problème. Oui. Mais on ne le permet pas aux sources spirituelles de diriger de quoi, quoi, là. Oui. Reste là. Voilà. Voilà. Donc, je crois que... Tant que la chose là-bas, là, est en train de nous bouger, là, ça crée des parties, ça crée des troubles, là. Nous n'avons plus besoin de ça. Justement. Donc, l'Assemblée délibère en disant que il faut, en fait, et ceci, on n'a pas dit sans donner de délai. Parce que si on ne vous a pas encore duré un an encore sans que ce soit, il faut que ce soit dans les brefs délais. Pour vous serez convenu. Nous, c'est notre frère, mais les horaires vont commettre. Parce que si cette femme s'y meurt dans cette condition, on ne pourra pas effacer ça. On ne pourra plus effacer cela. On va dire que c'est vous dans l'église qui avez tué. Grâce du Seigneur, lorsque la chose qu'a fait ici, même c'est lui à qui il a pris là, c'est, il faut que nous traitons la chose. Qui, justement. Qui lui-même aussi, qui voit que celle-ci a souffert là-bas. Là. Voilà. Vous convenez donc avec moi que le Seigneur vous aime ici, n'est-ce pas? Appuie-toi. Vous convenez pour que quelque chose qui a duré des années comme ça, là, que le Seigneur vienne mettre les doigts pour résoudre ça comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, prenez cette affaire à cœur, fixez-vous des dates, des délais, pour que vous allez promptement résoudre ce problème, que ce soit vous, un empressement, que vous le résolvez. Et j'ai dit donc que le frère Marc va me tenir informé. S'il y a besoin d'expédition de quoi que ce soit, financièrement, on va vous expédier la finance pour pouvoir résoudre ce problème. Mais que ce soit dans les brefs délais. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que mars ne finit pas sans que vous n'ayez résolu ce problème-ci. Le mois de mars, que ça ne finit pas, vous n'ayez résolu ce problème-ci. Ça, si on ne fixait pas le délai, on va continuer à renvoyer le lendemain après le lendemain. Ne faut pas que le mois de mars, le 31 mars finisse, qu'on n'ait pas résolu cela. Donc, maximum, avant le dernier jour de mars, que ce problème soit résolu. Que ça veut dire qu'il soit parti là-bas, que vous soyez parti là-bas pour résoudre ce problème-ci. D'accord, mon frère? Je veux comprendre quelque chose. Oui. Pour qu'il aille maintenant arriver le problème, oui. C'est pour que. Elle rentre avec moi, ou bien c'est pas ce qu'on a dit. C'est pour la réparation des mal qu'elle a eu et la restauration par rapport au pardon. Parce qu'il y a les anciens qui vont devoir s'adresser au papa de la jeune fille pour dire qu'ils ne sont rien à voir là-dedans. Ainsi de suite. Et puis toi également, tu as ta part avec la belle famille. Oui. Et pour prendre l'engagement pour le soin de ses pieds. C'est ça dont il est question. Là, je vous comprends bien. Ok. Pour résoudre le problème. Moi-même, je n'ai pas dit qu'il faut qu'elle ait toujours dans ce mal. Parce que c'est des blessures. Sinon, je ne pouvais pas l'encadrer des mois et là, gaspiller mes biens pour arranger le problème. Elle est partie là, c'est parce que sa maman est venue pour la prendre. La porter. Je n'ai pas dit qu'il faut qu'elle rentre chez ses parents. Justement. Le problème est venu là, c'est à niveau. Non, ça on a compris. Donc maintenant, on a compris. Donc maintenant, qu'avant mars, que mars ne finisse, que le problème soit résolu, que le déplacement et toutes ces prises en charge-là soient faites, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc maintenant, on peut prier et remercier le Seigneur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, mon frère? Toi, tu peux élever la prière pour nous, non? On prie. Israël, que la gloire et l'honneur te reviennent. Que l'élévation, Seigneur, ô Dieu, soit à ton saint nom, Seigneur, ce moment, cet après-midi, par ta grâce depuis le commencement jusqu'à l'heure sur notre Dieu. Tu as pris soin de nous. Tu as fait à ce que, Seigneur, ô notre Dieu, Seigneur, nous ayons, ô notre Dieu, solution à nos problèmes. Gloire et honneur éternel, Dieu d'Israël, te reviennent. Je te dis merci pour des interventions, notre Dieu, amenant, Seigneur, notre Dieu, la paix à nos cœurs. Seigneur, ô notre Dieu, déchargeant, Seigneur, chacun de nous de nos fardeaux. Dieu d'Israël, que la gloire et l'honneur te reviennent. Béni sois-tu, Dieu, trois fois saint, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci de faire à ce que, Seigneur, nous comprenions quelle est ta volonté. Notre Dieu, garde en chacun de nous, ô notre Dieu, cette compréhension de la voix de Dieu, de la volonté de Dieu. Et en ce moment, notre Père, Seigneur, pour ce que, Seigneur, tes serviteurs chemineront, Seigneur, ô notre Dieu, pour amener, Seigneur, ô notre Dieu, ce problème à bout, afin de laisser un bon témoignage, notre Dieu, soit avec eux. Seigneur, sois avec chacun de nous, fais à ce que l'Éternel Dieu d'Israël, nous soyons gardés, Seigneur, tel que tu le voudras. Seigneur, je remets chacun de nous à ta grâce, afin que ton seul nom, Père Céleste, soit élevé. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, mon frère, est-ce que tu peux aller vers ton père, lui demander vraiment un pardon spécial pour quelques mots que ce soit que tu lui as fait, qu'il a greffé, comme tu as découvert qu'il a des choses contre toi dans le cœur. Tu lui demandes pardon et puis vous vous embrassez. Pour que ça s'arrête, d'accord? Je peux dire que dans cet engagement que j'avais pris, c'est comme tu venais de dire, j'avais perdu déjà la direction. La direction. Je savais que où il m'en arrivait. Et comme je me suis arrivé dans les erreurs, depuis samedi, on était là dans cette affaire-là, jusqu'à ça continue, c'est que c'est la bénédiction me revient. Amen. Et je voudrais aussi que moi, il me parle aussi dans son esprit, pour que nous vivions ensemble. Vas-y, fais-lui alors. Soyez béni. Dieu te bénisse, mon cher.